Pour démarrer la soirée, c'est parti, Radio Libre. Romano. Oh, je me suis fait niquer. Difool. Sans me vanter, je conduis super bien. Ouais, bah ouais. Cédric. T'as envie d'acheter quoi, toi? Un nouveau MacBook. Un nouveau MacBook. Marie. Je me fabrique un God. Samy. Oh, les gars, partez pas en couille. Momo. Comme ça, il y aura pas de gros, rien du tout. Et Karim. Moi, je vais commencer à me prostituer, les gars. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, presque 21h, 20h58, c'est parti sur Skyrock. Allez, on a gratté 2 minutes ce soir-là. Ouais. Eh oui, on en profite. On gratte. Bah tiens, parlant de gratter, bonjour Romano. Bonsoir Marie aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est l'heure de ta pesée, Cédric, ce soir. Ouais, bah, c'est le jour de ta pesée. C'est bon, il s'est vidé. On a soirée de ta pesée, oui. J'en profite pour lui faire perdre quelques kilos. On l'a mis dans les toilettes il y a quelques instants. En fait, il est parti en courant, le man. Il a perdu du poids. Voilà, il a perdu un petit. Il s'est délesté. Un petit kilo, je pense, là. Bonjour, Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Du foot à suivre ce soir. Salut, Karim. Et du foot avec Espagne-Croatie qu'on va suivre en direct de Bordeaux. Et République Tchèque-Turquie qu'on va suivre également ce soir. Deux matchs en direct dans l'émission. Deux gros matchs. Pas un, mais deux. Et deux gros matchs. C'est un peu la fofo. C'est un peu la folie. Les Allemands ont gagné tout à l'heure contre l'Irlande du Nord. 1-0. Et la Pologne. Qui a gagné aussi 1-0 contre l'Ukraine. C'est voilà. Ça. Qualification de l'Allemagne et de la Pologne. Et voilà. Les Allemands, les Polonais seront là pour les huitièmes de finale. Ils ont pas forcé. Ils ont pas forcé en fait. Ils ont géré, tu vois. Ils ont marqué un petit but contre. Ils ont tiré 25 fois au but. Ils ont bien dominé du début à la fin. Par contre, la Pologne a volé le match contre l'Ukraine. Enfin, a volé. Ils ont défendu tout le match, ils ont marqué un petit but et voilà, qualification. Là, bien joué, ami polonais. Yes. Bon, les Espagnols, les favoris. Enfin, parmi les favoris avec les Allemands, les Français, les Italiens qui viennent se rajouter. Aussi, les favoris, peut-être les Anglais, on verra. Ouais. Donc, l'Espagne, la Croatie à suivre ce soir en direct. Et puis la République tchèque contre la Turquie. Bulgur de Tassam à tous nos amis turcs qui nous écoutent. Bulgur de Tassam, on parle un petit peu turc pour vous. Ah ouais, mais putain, c'était clair. Bon, vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 53 40 30 20, vous nous passez un coup de fil si vous voulez débarquer ici. Dès que vous avez un truc à dire, dès que vous voulez faire les cours avec nous, vous profitez de la soirée. On salue d'ailleurs ceux qui sont déjà là. Bonjour à Laurati. Bonjour Laurati, je kiffe Skyrock qui est surtout votre émission. Et mon fils s'appelle Cédric. Non. Eh ben écoute, magnifique. Il n'y a pas eu alors. Eh ben il est pauvre gosse. Thibaut de la Tible Belge est là. Salut les filles qui nous fait. Mais oui, on a oublié. Salut les filles. Salut les filles. Bonjour à Rick Ross qui vient d'arriver, qui nous demande mais c'est quand le Karim Comedy Club? Peut-être dans la soirée, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ouais. Et puis tous les autres, on vous salue. Bonjour à Julien qui vient d'arriver. Bonjour Julien. Nous, on a Jules tout court, hein, tous les soirs, 20h, 21h, dans le trap de la semaine, à pas louper, là. On salue Blue, on salue Mickey. Bonjour Mickey. Salut à toi. Laura qui vient d'arriver aussi, une autre Laura. Bienvenue Laura. Donc vous nous laissez vos messages, comme vous le voyez, ça débarque directement sur nos écrans. On mate tout ça, vous réagissez à l'émission, vous faites les cons avec nous. Vous filez des coups de main à ceux qui en ont besoin. Et puis si vous en avez besoin, vous aussi, vous pouvez demander. Ouais. C'est parti jusqu'à minuit avec les doubles appels de la soirée. Je pense qu'on va attaquer pas longtemps parce qu'on a fait un petit test avant l'émission et a priori, les familles sont là, bien présentes en cette soirée de la fête de la musique. Elles sont bien chaudes. Oui, elles sont a priori elles assez, sont à point, quoi. Assez chaudes. Oui, on a entendu quelques petites voix sympas. Ah ouais. Les familles de France, d'ailleurs, vous pouvez nous laisser les numéros hein, si vous voulez qu'on les appelle. Vous nous laissez les numéros, je sais pas, de gens que vous connaissez, le tata, la tata. C'est mieux dans ce sens-là. La voisine. Le tata aussi. C'est la tata. Non, mais la famille, les voisins, les gens que vous connaissez, que vous aimez bien, vous n'hésitez pas, vous nous laissez les numéros, on fera un petit appel tout à l'heure. Merci à Drix, d'ailleurs, qui vient de nous donner le numéro d'un Cédric, qu'on appellera peut-être dans la soirée. Il y aura évidemment le journal des Bleus ce soir, vous nous demandez. Ah, bah, bien entendu. Mais oui, que le journal des Bleus avec arrive. Avec un blessé chez les Bleus. Qui est-ce bah, tiens, dis-le tout de suite, qui c'est qui est blessé? Olivier Giroud qui a arrêté l'entraînement après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais, il m'a plein de buts, t'es con, Karim. Après 10 minutes de. En fait, le mec a commencé à s'échauffer. À partir de 10 minutes d'échauffement, le mec a ressenti une gêne au niveau des jambes. Il s'est arrêté, il a passé une heure assis sur une glacière à attendre. Bon, heureusement que le premier match, c'est dans 5 jours. Mais par contre, il avait le sourire, hein. Du coup, il regardait l'entraînement, il faisait des blagues à tout le monde. J'ai fait le blague. Il a fait des blagues à Loris. Giroud, tu t'assois là, du con. Tu restes sur la glacière. Parce qu'aujourd'hui, Loris s'est entraîné, non pas au gardien, mais il s'est entraîné dans le jeu comme ça. Ah, Loris, tiens, tu vas jouer attaquant. Voilà. Il a été assez maladroit. J'ai fait des blagues. Giroud a passé une heure à se foutre de sa gueule. Ah, Giroud. Giroud, il rigole, mais il va pas jouer. Donc, c'est pas grave, Giroud. Bah, il avait le sourire, donc ça doit pas être très grave. Mais n'empêche qu'il s'arrêtait tout de suite de s'entraîner. Tant mieux. Bon, bah, tant mieux. Pas qu'il soit arrêté de s'entraîner, mais tant mieux qu'il ait gardé le sourire. Ouais, c'est mieux. Un peu comme Black M. Il garde le sourire, Giroud. Voilà une bonne nouvelle. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle que Giroud aille mal, nous dit Juninho. Je suis d'accord avec toi, Juninho. On est une bonne équipe. En pleine forme. Enfin bon, il y a encore du temps avant le prochain match. On est tranquille. Ouais, bah, carrément, c'est dimanche. Avant les huitièmes de finale, dimanche 15h pour les huitièmes de finale. Bon, on sait toujours pas contre qui on joue. Non, toujours pas. Toujours pas. C'est vrai que ça soit l'Irlande du Nord, mais ça peut être aussi l'Angleterre. Enfin, c'est très compliqué cette histoire de. Moi, je n'y comprends absolument rien. Mais personne d'ailleurs, c'est très drôle. Il y a eu une conférence de presse avec des joueurs de l'équipe de France hier soir. Ils savent même pas. Mais ils disent n'importe quoi, c'est trop drôle. Tu sais, genre Payet, il arrive, il dit ouais, c'est l'Irlande. Après, Kaba, il arrive, il dit non, c'est l'Angleterre. Deschamps, il arrive, il dit. Deschamps fait une blague. Ah, c'est le Brésil. Et voilà, on va jouer contre le Brésil. En huitième. Donc en gros, personne ne sait. On va attendre demain soir 23h que tous les matchs soient terminés pour qu'on sache qui joue contre qui. Ah, demain soir dans l'émission, on saura. Ouais, demain soir, on saura vers 23h. Très bien, parfait. Donc voilà. Bon, on est premier sur le foot, bien sûr. Des places à gagner tous les matins dans le morning. Hein, soyez là entre 6h et 9h pour gagner vos places. Demain matin, peut-être la finale. Je vous donne juste un petit indice. Hein, pour vous, les fidèles du soir, les fidèles de la Radio Libre. Soyez là demain matin. Allez, moi, je crois que ça sera la finale. Je vous le dis, je crois que c'est la finale. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est la finale qu'on vous offrira demain matin à n'importe quel moment du morning. Oh putain. C'est tombé entre 8 et 9 pendant 2 jours. Il est possible que ça tombe un peu plus tôt demain. Mais je ne vous ai rien dit, bien sûr. Non. C'est vraiment que pour vous, là. Bon, Cédric, sur la balance, on va faire la pesée. Allez, je vais la chercher. On va parler de ce que vous faites, là, pour être beau gosse et belle gosse avant l'été. Est-ce que vous faites rien? Est-ce que vous faites des trucs? Est-ce que vous essayez de maigrir? Est-ce que vous buvez moins, Marie? Non. Je fais rien, moi. Romano. Le week-end dernier, si, j'ai réduit un peu la voilure. Ah, parce que Romano veut être beau gosse sur ses plages. Parce qu'il va aller sur plusieurs plages pendant cet été pour montrer son corps chauve. Ouais. Son corps chauve. C'est chauve et musclé. Non, mais en fait, non, parce que le week-end d'avant, j'avais vraiment beaucoup bu et là, je me suis dit, on va réduire quand même. Tu t'es rattrapé. Ouais, voilà, j'ai rééquilibré. T'avais chargé la mule. Ah ouais, c'est bien charger la mule. Et un truc juste sur le foot pour vous dire comment c'est le bordel, ce tirage au sort. Regarde, il y a une page de messages, j'ai arrêté au hasard. Hein. Oui. Il y a Ben qui nous dit non, ça sera contre l'Irlande. Oui. Dessous, il y a Matteo qui dit non, ça sera contre l'Allemagne. En dessous, il y a Carabilo qui dit non, ça sera contre la Turquie. Oui. Alors la Turquie, déjà, il va falloir qu'il se qualifie. Ça va pas être évident que ce soit contre la Turquie. Donc en gros, les gars, on ne peut pas savoir, on ne sait pas encore. Attendons demain. Voilà, de toute façon, moi, l'Allemagne, il me semble, c'est en quart de finale qu'on peut la rencontrer. Ouais, en plus de ça, ouais. Donc, ça, mystère et boule de gomme. La seule affiche qu'on connaît pour l'instant, c'est la seule. Hein, vraiment, c'est Pologne-Suisse. Ça sera samedi à Saint-Etienne. Le premier huitième qu'on connaît, les autres, on ne peut pas encore savoir. C'est bien que les mecs soient au courant quand même contre qui ils jouent. Ben ouais, mais faut attendre que tous les matchs se terminent. Mais tu sais que c'est horrible parce qu'il y a des équipes, exemple l'Albanie, qui ont joué leur dernier match dimanche et qui depuis dimanche doivent attendre demain soir pour savoir si elles rentrent chez elles, elles sont éliminées ou si elles sont encore qualifiées. Ah ouais, c'est vrai, avec leur système de troisième. Donc les mecs restent en France, continuent à s'entraîner alors que s'il faut, ça fait 4 jours qu'ils sont en vacances, quoi. C'est con. Ouais, donc ils en profitent pour visiter, c'est sympa la France. Il y a plein de trucs à visiter, les gars, allez-y, visitez, super. Et bonne nouvelle, la pelouse de Lille, ils la changent. Ouais, ils prennent de la pelouse hollandaise, donc à mon avis, ils vont être défoncés sur le terrain. C'est bon ça. La pelouse qui vient de Hollande, moi je me méfie. Ils vont être rabattus. On sent la France, ils jouent à Lyon, donc la pelouse, elle est nickel. Ouais, et Romano a vendu de la pelouse au stade Vélodrome ce matin. Ouais, c'est ça. On va la changer nous aussi, mais après l'Euro, donc je sais pas pourquoi. Oui. Bon, en tout cas, c'est Romano qui a vendu ça dans les conseils. C'est bien. C'est quel club qu'on a appelé ce matin? On a appelé l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, et on a appelé le Stade Gerland aussi. Ah ouais, c'est là où elle était fort sympathique, la dame. Mais Stade Gerland, gros, il y a plus de matchs. La meuf, elle me dit, ouais, c'est pour mettre où la pelouse? Tu lui as répondu dans les gradins. Ça ne l'a pas dérangé, elle me fait d'accord. Pas de problème, on arrive. Pas de problème. Bon, c'était géré pour les conseils pas chers. Oui, je vous parlais de ce que vous faisiez pour être beau gosse ou belle gosse cet été. Moi, j'essaye de prendre du poids, vous voyez, c'est Jean-Pierre qui vient de nous laisser un message, Jean-Pierre Foucault même, qui vient de nous laisser un message. Je savais pas qu'il y avait des grandes stars de la télévision qui nous écoutaient tous les soirs. Un peu Jean-Pierre Foucault, il a du goût, c'est un papy. Et ben voilà. En tout cas, le nôtre, Jean-Pierre Foucault, en a moins. Moi, je bouffe McDo tous les jours et je fais ça pour être beau gosse et ça marche. Ben de Arras qui nous envoie un message. Blue qui a acheté un vélo d'appartement, qui a perdu 10 kilos grâce au Ramadan. Ah, ouais, pas mal. Pas mal. Oui, le Ramadan, c'est vrai que ça vous fait perdre du poids. Cédric, vas-y, même à la balance d'or. Ah, c'est une nouvelle balance. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai que l'autre, elle est capoute. Ah, l'autre, elle a rendu l'âme. Tu fais quoi alors pour être beau gosse cet été, Cédric? Je fais attention, je mange un peu moins. Là, tu fais rien encore, c'est pas flagrant là. Non, si, je mange un peu moins là. Aux toilettes. Ouais, je vais aussi à toi. Tu poses énormément. Cédric, c'est ton t-shirt, il touche même pas le bas, tu sais, ton jean en fait. Quand mais tu si, fais mais j'ai pas n'importe quoi. Regarde, gros. Non, mais toi qui le mets. Mais Karim, t'as rien compris. Cédric va avoir le nombril à l'air. Oh, Cédric se prend pour Madonna. Cédric se prend pour Madonna. Ah ouais, je te fais voir mon petit nombril. Alors, vos petits conseils pour sur ce que vous faites pour l'été. Bah écoutez, moi je fais tellement de sport que je me suis fait une tendinite il y a pas longtemps, mais à part ça, ça va. Mais en ce moment, il a arrêté le sport. Mais t'as un corps de Dieu déjà. Mais je sais, Marie, mais il faut toujours s'entretenir, on sait jamais, tu peux avoir un bon corps. Ouais. Moi, je fais attention à ce que je bouffe uniquement végétarien ces temps-ci. C'est le message. Ah ouais, végétarien à 17 ans, putain, tu te pourris la vie pour enfin bon, c'est ton truc hein, si t'as envie hein. Pourquoi pas hein. Bon, où sont les micros que j'aille voir Cédric là? Tiens, vas-y, donne-moi les micros, enfin la pesée de Cédric tout de suite, on accueillera Michel qui arrive dans un instant. Il a 19 ans, il est en direct de Rouen. Salut Michel. Salut Difoul. Comment ça va Michel? Ouais, Mich. Bah ça va. C'est Mich. Bien. Ouais, excusez-moi, but de l'Espagne. Ah bon. Déjà et allez, un but des Espagnols, à mon avis, ça va être un défilé. De but ce soir, la Croatie contre l'Espagne. Ça fait donc 1-0 pour les Espagnols à Bordeaux. Ouais, Michel. C'est un prénom de merde, Michel, en plus. Bah écoute, il n'y a plus swagué, on va dire. Mais bon. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Oui, moi, ça me fait penser à l'ancien entraîneur de l'OM. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Ah, bah, tiens. Ah, Michel. Ouais, bah c'est vrai, il s'est fait virer. C'est un prénom qui porte bonheur, en plus. C'est ça, c'est la réussite. Et Difoul. Oui. Marie, elle est bonne. Ah, merci, c'est sympa. Allez voir les photos de la Marie. On va vous en faire. Je suis pas là. On va vous en faire une très belle. On parle entre hommes, Marie. S'il te plaît, laisse-nous. Je parle avec Michel. On parle entre nous. Elle est amie, ça va pas, non? Quel gros sang. Ah, ça, t'as une sacrée paire de boules. Bon sang. Et donc, soirée de fête de la musique. Dommage qui tombe, quoi. Soirée de fête de la musique. Je te disais, Marie, est-ce que tu vas danser ce soir pour nous? Tu veux pas faire un petit snap en dansant pour la fête? Ouais, bien sûr. Ça va être beau. Je suis sûr que ça ferait plaisir à Michel. À Marie. Marie qui nous fait une petite danse du ventre. Ça va être joli, ouais. Avec sa chatte. Avec sa chatte, Michel. Il est dans un état, Michel. Ouais, t'es chaud, toi, Michel. Hein. Ah, t'es chaud. Faire du sport tous les matins, juste avant de partir au bahut, c'est bien. Là, actuellement, je ne vais pas au bahut, mais j'en fais quand même une heure de plus. Et comme ça, beau gosse. Ah bah écoute, c'est bien. C'est Soso qui nous envoie un message. Bon alors, Michel, tu restes avec nous. On va revenir dans un instant avec toi. Tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles. Mais là, je file tout de suite. Direction le couloir. Cédric, t'es prêt pour ta pesée. Bon courage. Merci, Samy. Allez, bonne chance. Oui. Bonne chance. Alors, la nouvelle balance. Eh bien, écoute, salut à toi, Terraillon. Je la salue, elle s'appelle Terraillon. Tu vois, Michel, il disait qu'il avait un prénom pourri. Ah bah, Terraillon, c'est bien de la merde aussi. Terraillon, c'est pas super, hein. Bon, alors, Cédric. Vas-y. Pourquoi tu me filmes, toi, là? Ah, tu es sur Facebook Live, Cédric. Coucou, Facebook Live. Coucou, Facebook Live. Alors. Regarde. Oui. Eh bien, imaginez-vous qu'il est content. Ah ouais, putain. Ouais. Pourquoi ? Il est content. Il est heureux, là. Il est heureux. Tu peux enlever ta gueule de Facebook Live, Cédric, t'es très vilain. Hein, j'ai Mark Zuckerberg qui vient de nous appeler de Facebook, qui a demandé ça immédiatement. Il a tout fermé. Ah non, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder ce connard, il faisait des sourires en gros plan. Mark Zuckerberg veut immédiatement Cédric out, please. Ah, mais ça y est, c'est bon, vous inquiétez pas, monsieur. Facebook was bugged. Ça va bugger Facebook. Ah, c'est ça. C'est vrai que j'ai remarqué un truc. Quand tu montes ta gueule en gros plan, les gens se barrent. En plus, c'est vrai. J'ai une longue. Ah non. Si, si. Bon, alors Cédric, tu fais 94. Tiens, on vient d'en perdre 13 d'un coup. Ah, mais là, parce que j'avais éteint le téléphone comme un. 94,6 il fait. Mais c'est pour ça que t'es content. Ah bah putain, je croyais que j'étais à plus, moi. Mais t'avais dit que tu ferais moins de 90. Encore 7 de perdu. Avant la fin de la semaine, en dessous de 94. Ah, ouais, bah mais Cédric, non mais sans déconner, sans mentir là, depuis tout à l'heure que Cédric parle et se filme en gros plan, on n'arrête pas d'en perdre. Là, on était à plus de 900, on est tombé à 850. Vas-y, mets-moi dessus, Romano, je suis sûr qu'on va attends, vas-y, filme-moi. Voilà. Ah bah là, direct. Alors, direct laissez-moi regarder en même temps. Les gens se connectent. 1000, 2000, 3000, 4000. Ah bah ça y est. 1000, 20 000, je vois 20 000 sur Fake News Live. 1 500 000. Waouh, ouais, et remets sur Cédric. Hop là. Hop là, on est tombé à 2. 932. Voilà, tu retombes à 932. De 20 millions à 932. C'est un truc de fou, ça, quand même. Attends, je passe les 1000, bien sûr. Je comprends pourquoi Mark Zuckerberg nous a passé un petit coup de fil il y a quelques instants. Bon, alors, on va retrouver Michel, les familles du double appel. But de la Turquie qui gagne un et les Turcs qui gagnent. Bulgur. Et oui, bravo les Turcs. Donc, un but des Turcs, c'est le premier but en euros, non? C'est le premier qui marque, il me semble. Ouais, ouais, bravo les Turcs. 1-0 contre ce soir la République tchèque pour les Turcs et 1-0 pour l'Espagne face à la Croatie et tout ça en 10 minutes de match. C'est la folie, c'est la fofo la folie. La fofo la folie. Bien joué, bon bien joué les Turcs, bien joué les Espagnols. La suite de l'Euro et le journal de l'Euro un petit peu plus tard dans la soirée. Bon alors Michel, j'ai remarqué que tu étais très excité ce soir. Est-ce que tu veux nous parler de meufs par exemple? Ouais. Ah bah voilà, c'est ça, c'est la chaleur. Je l'avais senti dès le début. Ah oh bah la chaleur, Marie. Quoi qu'à Rouen. À Rouen, à mon avis, c'est pas trop la canicule ces temps-ci. Hein. Non, mais il fait un peu plus chaud. Pas du tout. Demain, il va faire beau. Hein. Demain, il va faire beau pour tout le monde. Bah ouais, mais c'est, en fait, c'est je que dis les tout vieux le monde. Qui sortent et c'est chiant. C'est quoi? C'est que les vieux qui sortent. Eh ben, faut choper une granny. Chope une granny du côté de Rouen. Ça peut être pas mal. Non, c'est pour Romano. Peut-être pas trop. Non, ça va, merci les vieux que j'ai le temps de m'en taper. Tu veux pas de granny, Romano? Non, mais c'est chauve. Ouais, mais les, vieux, les vieilles, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça peut les exciter, ouais. Ouais, bah écoute, non, c'est vrai, excite, mais ça s'arrêtera là. Peut les exciter. Bon, si vous avez des conseils pour Cédric pour perdre du poids d'ailleurs, parce que je vois le message de Nina qui nous dit Cédric, je peux te coacher si tu veux. Eh bien, vous n'hésitez pas, des conseils pour perdre du poids, pour avoir un beau corps, encore plus beau que celui que tu as actuellement, qui est déjà, il faut bien le dire, pas mal du tout. Du poids, attention, j'ai pas le choix. Bah, t'as pas le choix, oui. Si, t'as le choix d'en prendre aussi. Hein. Ouais. Ah, mais non, mais je veux pas, justement. Tu veux pas? Là, je vois pas ce que t'espères. Hein. Pourquoi tu dis ça? Ouais, je peux essayer pour. Bah, non, mais là, pour cet été, c'est mort. Tu parles, on a une semaine de juillet. Je sais pas qu'est-ce que tu veux espérer, quoi. Tu 92 et quelques. Oui, non, mais d'accord, mais à la base, tu voulais faire 80. Donc, non, à la base, c'était 70. Oui. Ouais, bah écoute, c'est. Bah, c'est mort pour cet été. Prévois pour l'été 2020. 2020 peut-être. Non, peut-être pour l'été prochain. En tout cas, si vous avez des conseils pour 2020 pour cet été, n'hésitez pas, allez-y. Le ramadan, ça marche bien, je vois. Et il y en a qui aimeraient perdre du poids, mais il y en a aussi qui aimeraient en prendre du poids. Ça dépend le ramadan, parce que comme tu manges beaucoup, tu sais, d'un coup. Et juste avant de manger beaucoup de gâteaux sucrés et tout ça. Il y en a pas mal qui nous ont dit que pendant le ramadan, ils perdaient des kilos. Ouais, en général, ouais, quand même. On a eu jusqu'à 10 kilos. En général, ouais, tu perds. En plus, c'est l'été. Et Gilles Verdès qui nous laisse un message. Salut Gilles. Salut Gilles. Pour perdre du poids, il ne faut boire que de l'eau. Oui, ouais. Mais au bout d'un moment, si tu décèdes. Tu... Bah, je pense que tu tombes. Tu tombes parce qu'il faut quand même faut des vitamines, des trucs. Il faut faire attention. Moi, j'arrête pas de baiser pour perdre du poids. Et ça marche. Bah, ça, c'est bien, c'est du sport. Et bah voilà, Marie est d'accord avec, évidemment. Avec toi. C'est Aymeric qui nous a laissé un message. Je dirais pas le contraire. Sur le 41-759. 41-759, appelez Skyrock, allez-y pour nous laisser vos messages tout au long de la soirée. Et donc, Michel, pourquoi tu nous appelles? Toi, explique-nous tout. Eh ben parce qu'en fait j'arrive pas à tirer une seule fille, ou alors si je la tire, eh ben ça dure jamais très très longtemps, du style une journée, quoi. Alors tu n'arrives pas à attirer ou alors tu n'arrives pas à tirer. Ouais, parce que si attirer, ouais, attirer, donc attirer, niquer, quoi. On remplace tirer par baiser, ça marche aussi. Ouais, voilà, ou alors c'est attirer comme l'attraction. L'attraction, tu vois ce que je veux dire? Je m'exprime mal. C'est tirer ou attirer? Non, c'est que j'arrive pas à attirer de filles, en fait. Ah, enfin, attirer. Tu vas me dire, ça passe d'abord par l'attirage et après l'attirage. L'attraction en général. Ouais. Mais bon, ça passe par l'attirage et après ça passe par le baisage. Ouais, tu l'attires et tu l'attires. Attirage d'abord, tirage après. C'est comme ça que ça marche. Dans le bon ordre. Alors, ça vient de son humour. Tiens, on nous dit, c'est ceux qui t'ont entendu depuis le début de l'émission. C'est le Turc du 67 qui nous laisse un message. Ça vient de son humour, je pense. Moi, je pense que comme t'es au taquet, là, on a vu depuis quand t'as au téléphone, t'es au taquet sur les nanas, tu les fais fuir. Ah bah voilà, c'est gentil ça. Prends-toi ça. Voilà, dans la gueule. Mais non, quand tu leur parles, tu leur dis quoi? Genre, quand t'as dit à Marie, je veux ta chatte, je veux te baiser ou. Je suis pas pour toi. Quoi? Comment? Je suis pas pour la team Romano, je suis pour la team Cédric. Donc oui, mais c'était Karim qui parlait. Karim n'a pas de team, il est uniquement dans le Karim Comedy Club. Ouais, voilà, ouais. Mais en fait, t'as un lourd, Michel, non? Ah, voilà, c'est Romano. Romano attendait juste une chose, c'est que tu dises que t'étais pour la team Cédric. Alors là, maintenant, ça y est, vas-y, dis-nous, Romano, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je pense que t'as un lourd. Avec les filles, tu penses avec les filles aussi? Bah, avec les mecs aussi, hein, parce aussi. Qu'on est des mecs, nous. Aussi bien placé. Alors, pourquoi est-ce que tu. Mais tu fais comment? Non, mais je pense que, ouais, il faut pas trop ouvrir sa gueule, tu vois. Surtout l'humour avec les meufs, faut y aller doucement, parce que déjà, tu sais jamais la meuf à quoi elle va rigoler ou ça, pas. C'est quoi. Clair, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que si tu places 2-3 blagues qu'elles sont toutes à côté, la meuf elle va se dire putain c'est qui ce gros loup. Ouais, tu passes très vite pour un con. Alors il a tellement envie de baiser qu'elles le sentent, les filles, elles ont l'impression que c'est un pervers, il leur fait peur. Tu vois ce que je disais? Ah bah tu vois, c'est le message de Moha sur SMS. Bonjour Moha, il fait peur aux meufs pour Simon, 19 ans. S'il parle aux filles comme ça, c'est normal qu'il n'en garde aucune. Message de Kali, une fille qui a 24 ans. C'est vrai que je dis souvent, ouais, je veux la baiser, du coup, ça ne fait pas, ouais. Forcément, ça ne fait pas, ouais. Ouais, je vais te baiser. Bah, en tout cas, faut éviter de lui dire en face, même. Ouais. Oui, tu peux le dire à des potes, j'ai envie de la baiser, tout ça. Ouais. Non, mais on sent comme un morceau de viande. Je dis ça à des mecs, sauf que vu que il y a des meufs qui sont pas loin, du coup, je me fais bien baiser, ouais. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais en même temps, si t'es là, je veux la baiser! Je veux la baiser, et l'autre qui est derrière, oui. Ah non, c'est pas possible. Évite d'hurler, oui, quand tu dis ça. Ouais. De toute façon, il y a Asthmatique qui nous dit, ce n'est pas en parlant comme ça que tu vas ou tirer, ou attirer, ni l'un ni l'autre pour toi. C'est un Patrick, lui. Un Patrick jeune, alors. Absolument, Patrick Junior, ouais. Absolument, oui. Ouais, mais au taquet, quoi. Non, mais je sais pas, faut, t'as une meuf qui te plaît. Qu'est-ce que t'as, la dernière meuf qui t'a plu, que t'as voulu serrer? Tu lui as dit quoi? Comment t'es allé l'aborder? Comment tu l'as draguée? Je l'ai abordée parce que c'est par rapport à des amis en moi, hein, en fait, qui ont essayé de me mettre en couple et ça a marché. Ah. Mais ça a marché que 2 mois, en fait. Et après, il y en a un, il a foutu mon couple en l'air. Ah, mais. Je lui ai fait sa fête. Il a foutu mon couple en l'air. C'est quand même elle qui a décidé de plus sortir avec toi. Non, c'en est un, en fait, parce que du coup, il l'insultait, vu que moi Sympa, t'as des potes cool. Oh, tu sais, Cédric, ta nouvelle meuf, c'est une grosse salope. Ouais, putain, oh, ouais. Gros, je m'embrouille avec toi direct. Et en fait. Mais t'en as pas de meuf, Cédric, c'est pour ça que j'ai dit à toi, je vais dire Romano parce que j'ai pas traité Carriole de grosse salope. Bah, non, je vais galérer, alors j'en ai une, je peux te dire que, à part falloir l'insulter. Toi aussi, t'as du mal à les garder, tes meufs, toi. Non, ça dépend, hein. Ça fait combien de temps que t'as pas été accouplé? Ah ouais. Alors, un moment, ouais. Cédric réfléchit. Ah, ça fait si longtemps que tu t'en souviens. Laisse-le calculer. Non, mais être en vrai coup, ouais, ça fait un petit temps, tu vois. Mais sinon, ouais, je baise à droite à gauche, quoi. Vitrine de droite, vitrine de gauche. Ah, c'est bien, tout se passe bien, t'inquiète. Après, vitrine de droite, vitrine de gauche. Et puis après, trottoir de droite. De gauche. Oh, bois de Boulogne à droite, bois de Boulogne à gauche. Travelot à droite, travelot à gauche. Voilà, grosse tub dans la cave de droite, dans la cave de gauche. Ah ouais. Voilà, à droite, à gauche. Voilà, et j'adore baiser à l'extrême droite. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour, tonton. Yavol. Bonjour, n'est-ce pas? Bonjour, mon tonton préféré. Jamais de la vie. Yavol, bonjour, Cédric. Allez, salut, ciao. N'est-ce pas, vu? Casse-toi. Voilà, je te regarde dans l'œil. J'en ai 15. C'est pour ça que je te regarde dans l'œil, ouais. Non, mais avec les filles, faut être délicat. Tiens, regarde les messages des filles. Faut être délicat, romantique, mais pas trop con. Ouais, parce que parfois quand t'es romantique t'es un peu con. Et surtout pas être trop cash comme toi. Tu leur parles et Marie a raison. C'est comme un... tiens tu vois, c'est Tim Joule qui nous laisse un message. Tim Joule que vous retrouvez à 20h dans Planète Rap et qui viendra nous voir dans la semaine d'ici vendredi. Tim Joule qui dit elles ont l'air des morceaux de viande. Tu vois, d'accord avec la Marie. Bah tiens, il y a Ophélie 62. Toi t'as envie de baiser, mais moi j'ai envie de te mettre ma main dans la gueule. Ah la maman. Il doit être prise de tête comme mec déjà. Nous dit un autre Jules. Putain les Jules, vous envahissez les messages. Et je vous ai envoyé une photo sur Skyrock, pourtant je suis pas si moche. C'est toi là, Super Saiyan? Ouais. Ah bah ça va, mais t'es fait jeune en fait, t'as 19 ans. Tu fais la gueule. Bah ouais. Tu fais jeune, mais non. Et Marie, tu sais que c'est un conseil qu'on a donné la semaine dernière. Si vous voulez draguer sur un site, en tout cas pour les mecs. Ouais. Et si vous mettez votre photo, il faut pas sourire les gars. Non mais ouais, mais là c'est carrément les commissures d'élèves qui descendent quoi. Oui, t'as un smiley à l'envers. Ouais, t'es badeux. Smiley triste. Alors ne pas sourire certes, mais bon, pas faire la gueule non plus, comme si t'étais complètement déprimé. Non mais ça va, t'as pas une sale gueule hein. Non, c'était au réveil. Ah bah en plus ça se voit à tes cheveux. Oui c'est vrai ouais, déjà t'en as un Dragon Ball Z là. Oui déjà t'as des cheveux ouais. T'en as beaucoup même. C'est vrai. Donc non il est pas allez, je vous le dis les filles cool. il est pas moche. Si vous êtes du côté de Rouen, il est pas moche. Par contre il est lourd, nous dit Kina sur SMS. C'est ça. C'est que c'est ton attitude alors. Tu crois que ça vient de là? Non mais parce que en fait, parce que avec celle que j'ai pas fini de vous dire, avec celle que ça a duré 2 mois. Oui. Bah c'est l'autre, il y a un fils de pute en fait qui a cassé mon couple. Et lui si vous voulez en fait il l'a insulté, il a dit que c'était moi. Et du coup bah moi je me suis fait niquer. Ouais mais dans ce cas là ça veut dire que c'est une histoire de merde quand même. Si la meuf elle croit plutôt un mec qui l'insulte plutôt que son mec qui était toi, ça veut dire que t'as pas beaucoup d'espoir. À la limite t'as rendu service parce que c'était une histoire. Ah Romano, t'en penses quoi, sachant qu'il est pour la team Cédric? Est-ce que c'était une histoire de merde ou pas? Ah c'était de la merde, mais ah bah, c'était de la merde. Tu vois, même Romano est d'accord, même Romano est d'accord avec moi, tu vois. Mais tu sais pourquoi il est vide de merde, tu sais... Michel. Mais tu sais pourquoi il est d'accord avec moi, Romano? Parce qu'il est chauve. Voilà, si tu veux. Oui, alors, comme t'as dit tout à l'heure, l'humour, laisse tomber, a priori, c'est pas ton truc. Oui. Non, mais il y a des gens comme ça, tu sais, c'est comme Marie ou Cédric. Ils vont raconter la blague la plus drôle du monde, ils vont la raconter, elle va pas être drôle. Voilà, je vais vous en raconter une dans le Karim Comedy Shub tout à l'heure. Karim Comedy Shub, je suis dedans. C'est le club. Voilà. C'est quoi, t'as fait une filiale? C'est un autre club. Karim Comedy Shub. Bon, si vous avez une petite analyse, un petit diagnostic pour Michel, vous nous faites signe. Dans un instant, le double appel. Ah oui, les familles sont prêtes, je vous en parlais. Après STH qu'on va écouter tout de suite, c'est Allô Maman sur Sky. Allez-y, jusqu'à minuit, Radio Libre. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr! Champion, mon frère! Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Toute la nuit. On dit que la nuit porte conseil. Maintenant disponible. J'ai les yeux rivés vers le ciel. Hey Steph, tu connais la différence entre une... T'en as pas marre des blagues, sérieux? Bah je m'entraîne, c'est pour le concours IAX. Le concours IAX? Bah ouais, il y a 2 séjours au Maroc à gagner pour le IAX le plus marrant. Sérieux? Non mais je vais télécharger IAX, moi aussi je veux partir au soleil. En plus, vu le niveau de tes blagues... Vas-y, promis, si je gagne, je t'offre le deuxième billet. Télécharge IAX, publie un IAX vraiment drôle et pars en vacances avec IAX, YAX. Vous avez entre 18 et 25 ans, vous recherchez un métier haletant et dynamique au service des autres? Devenez sapeur-pompier de Paris. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris recrute et forme des futurs sauveteurs. Plus d'infos sur pompierparis.fr ou sur notre page Facebook Recrutement sapeurs-pompiers de Paris. Sapeurs-pompiers de Paris. Soldats au secours de la vie. Chouchou, veillez ! Cet été, le seul son que vous entendrez sur la plage, c'est ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur Maître Gibbs, ma beauté, le tube de l'été. Vous savez qu'il a écrit ce morceau après être venu dans le studio. Ah ouais, beauté, c'est oui, quoi il a vu toutes les beautés du studio, il s'est dit je vais écrire ma beauté. Et voilà ce que ça donne. Ah ouais. Maître Gims, une découverte Skyrock. Et SCH, découverte Skyrock aussi. On écoute Allô Maman tout de suite. Toi aussi, viens rejoindre la plus grande radio libre de France. En direct de 21h à minuit sur Skyrock. Oh non. Ah ouais. Non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, j'irai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, Ça va? Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois que t'as besoin. De repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. SCH, gros album d'SCH, Anarchie. On écoutait Allô Maman. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Sky. Et ouais, seulement sur Skyrock. Et en direct, on est là jusqu'à minuit. Bienvenue à vous. Et un but pour l'Espagne face à la Croatie. Yes. Un but pour les Turcs face à la République tchèque. C'est les deux matchs qu'on suit, suit ce soir. C'est l'Euro 2016. Et oui, l'Euro 2016 à suivre évidemment en direct sur Skyrock. Merci à vous qui êtes là. Bonjour aux footeux. Bonjour à Damien qui vient d'arriver. Bonjour à Toa. Il y a Lancelot qui nous fait un petit coucou. Saïdi qui nous salue. Camille Dubois du 51. Bonjour Camille Dubois du 51. Big up. Il y a Raph du 71. Enfin, la France entière est là. Kim du 92. Bonjour beauté. Salut Kim. Merci pour la photo qu'il nous a envoyée. Tu es très mignonne, Kim. Kim, 18 ans. Gros bisous. Mimi. Marie, elle est trop belle. Et ouais, vous le savez, les gars. D'ailleurs, on a Michel qui est à fond sur Marie. Ouais. Michel, si tu galères vraiment avec les meufs et si Marie décidait de sortir avec toi, est-ce que tu lui dirais oui ou non? Oh le vent. Putain, merde. Apparemment, non. Oh putain, Marie, le vent. Ouais, Marie, Marie te proposerait un petit truc. Tu dirais oui ou non? Ben, un plan cul, ouais. Ouais, alors un plan cul. C'est ça. Ouais. C'est ce que, exactement, c'est ce que je préfère. Vive les plans cul. Ah, bon, Michel, il galère avec les filles. Michel, c'est un problème d'humour et un problème de. Ah ouais, il est vulgaire quand tu dis une fille que t'as envie de la baiser, t'as 99% de pas la baiser. 99% non, de chance de pas la baiser. Ou à moins que la meuf, ça soit un déchet humain. Quoi. C'est Netto qui nous laisse le message. À moins que la meuf soit un déchet humain. Pour, c'est vrai que si t'arrives vers elle, tu dis je te baise. Je sais pas, n'importe quelle meuf qui se respecte, ne serait-ce qu'un minimum. Je te baise. Un mec arrive, il dit je te baise. En général, je sais pas. Elle moi, tourne les talons en général. Dans tes copines tarées, tu crois qu'il y en a une qui dit oui? Bien non, sûr. Pas, quand même. Même tête de gorée. Bon, elle, t'es tellement jamais baisé. Je sais pas, j'ai jamais vu avec un mec, elle. Ouais, bah ça, on peut comprendre. Bah, je comprends les mecs surtout. Quelle avait et puis l'attitude, je comprends que. Tête de gorée, c'est pas trop, ouais. Qu'est-ce que vous dites? Un peu de galanterie, s'il te plaît, nous dit Blue sur SMS. Oui, tu as l'air lourd avec les filles, nous dit Kali. On dirait un pervers pour Kim sur SMS. Il y en a plusieurs qui ont dit ça d'ailleurs. Il y a même Kalissa juste en dessous qui a dit la même chose. Faut observer avant, tu repères celle qui t'aime et tu ne vas voir que celle-ci plutôt que de perdre du temps avec des meufs qui n'ont rien à foutre de toi ou dont tu sais qu'elles sortiront pas avec toi. Ah ouais, c'est le ouais qui est attiré par toi, quoi. C'est vrai, ouais, faut faire un petit. Mais bon. Bon, bah écoute, bon courage, Michel. Si on a des filles du côté de Rouen qui nous passent un petit coup de fil, ouais, on sait jamais. On les met en contact avec ça toi. Ça tient quand même du miracle. Les filles, vous aimez l'humour. En plus, on a vu sa photo. L'humour et l'humour. Il est pas mal. Ah, mais il est pas mal, Michel. L'humour comme il faut. Ah, il est plus beau gosse que son humour. Ah ouais, c'est clair, ouais. Bon, c'est déjà ça. C'est pas dur. Très bien. Et puis, changer de prénom aussi, nous dit Jamila, 21 ans. Ouais, mais ça, t'y peux rien, quoi. Ça va être un petit peu plus compliqué. Et Jean-Marie Bigard. Tu as appelé Mich-Mich, quoi. Mich-Mich, ça, c'est la classe. Mais c'est vrai que Michel, à part Mimi, Mich-Mich. Michou. Ouais, bah, c'est vrai. Ouais. Michou, ah mon Michou. Ah, Michou, putain. Dis-foule. Oui, c'est moi. Allez, attends, une petite blague. Une petite blague de Michel. Michel va nous sortir sa meilleure vanne. Je m'attends à tout, t'inquiète. Allez, encore une petite fois, on mène tes chauves, non? C'est vrai, juste. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, c'est juste, en fait, c'est. Attention. Je sais pas, l'autre, là, quand il dit que c'est. Il faut aller voir ça, il est marrant, mais ça se trouve, elle m'aime pas, moi. Oui, mais tu ressens des trucs par rapport aux meufs, tu ressens des signes quand même. Tu vois, si t'arrives dans un groupe de meufs et chaque fois que t'arrives dans le groupe de meufs, elles se barrent toutes. Il y en a une qui se barre ou toutes, ouais. Bon, bah, c'est pas parmi elles qu'il faut aller draguer. En revanche, s'il y en a une qui se marre à tes blagues pourries, tu te dis que. C'est bon, c'est. Qui reste, la lâche pas. Voilà, c'est bon, c'est. J'ai un autre genre de galère. Il y a Boris, là. Salut, Boris. J'ai une grosse galère. Je me suis cassé le bras juste avant les vacances. Ça me fait les couilles. Tu sais que j'ai eu une tendinite, Boris. Allez, c'est reparti. Non, mais en parlant de bras. Ouais, marre, le bras dans le plâtre. Faire. C'est la galère quand même. Juste avant les vacances, ouais, c'est horrible. Tu vas bronzer et quand tu vas enlever ton plâtre à la fin de l'été, même pour se baigner, pour se laver, c'est une galère. Ah ouais, t'auras un bras tout blanc et l'autre. C'est original en fait. Une année, Samy, il avait un truc comme ça au bras. Tu te souviens, on était allé faire du bateau et pour se baigner, en fait, il se baignait. Ah ouais, avec la main en l'air. Un bras en l'air. Il avait air. Parce que tu peux pas le mouiller en fait. Ah oui, il y a du plâtre, faut pas le mouiller. Ça avait l'air con, mon pauvre Samy. Ouais, je sais bien. Ah, l'abruti. Ah, ça c'est casse connard. Il avait pas fait exprès, Marie. Bah ouais, les plâtres et tout. Mais il avait l'air con. Ah oui, mais il a pas fait exprès. Ah, l'abruti. Mais t'aurais vu le connard dans l'eau avec son bras. Aider de se péter un bras. Mais si tu nages pas bien, t'es un peu comme un con, quoi. Non, mais par contre, le fait d'avoir un plâtre pour draguer les meufs, ça peut être pas mal parce que t'as toujours des meufs qui veulent te soigner. Oh, le pauvre. Moi, quand je m'étais cassé le doigt de pied, parce que je m'étais également cassé un doigt de pied en plus de ma tendinite, j'avais plein de filles qui étaient autour de moi qui n'arrêtaient pas de s'occuper de moi toute la journée, c'était super. Ah ouais, mais en revanche, le plâtre l'été, t'imagines comme ça pue non, à l'intérieur. Oui, puis c'est pas super non plus pour aller se baigner, comme le disait Romano, et je crois qu'il a raison. Bah, t'as des plâtres exprès maintenant, hein, mais je sais pas, ça doit pourrir quand même en dessous là-dedans. Bonne odeur pour ces jeunes filles, c'est pas mal. C'est des trucs vivants, le truc c'est devenu un parc à huîtres. Tu les bouffes, tu te fais un plateau d'huîtres dans ton plâtre. Un plat trop d'huîtres. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ayette, qu'il apprenne à respecter les femmes, pas juste à les considérer comme de la viande. Jean-Marie Bigard aussi, s'il veut séduire, qu'il monte directement son zizi. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur conseil de la soirée. Là, mais ce sera vraiment un pervers, Mais je vous lis, il a quel âge, Michel, nous dit ex-Cléopâtre. Il en a. T'as 19 ans, hein, Michel. C'est ça. C'est vrai que tu fais jeune par rapport à la photo que tu nous as envoyée. Ah ouais, c'est parce que. En fait, des foules, je comprends pas, mais c'est parce qu'en fait, des fois, j'arrive. En fait, quand je suis devant une fille, j'arrive pas à lui dire ce que je ressens pour elle, mais par téléphone, en fait, ça dépend. Ah bah écoute, si c'est plus facile sur les réseaux, ou par téléphone ou en virtuel, pourquoi pas pour démarrer, c'est peut-être non, mais déjà avant de lui annoncer quoi que ce soit, essaye d'en trouver une que tu sens réceptive à toi, quoi. Ouais. Tiens, il y a juste Zaza qu'on va prendre et après, préparer les familles du double appel, on y va tout de suite là. Ouais, le attention. Double appel des familles. Ouverture des portes. Ouverture des portes et ouverture du standard pour les familles de toute la France qu'on peut appeler. Les numéros que vous nous laissez sur le 41759 et sur l'appli. T'es là, Zaza? T'as le même nom qu'un joueur de la Juve? Oui, je suis là. Bonsoir, l'équipe. Ah, mais t'es une fille. Ouais, Zaza. Coucou. Zaza, ouais. Mais, vous allez bien? Oui. Bien. Zaza, c'est un joueur de l'équipe d'Italie, évidemment. Ouais. Ouais. Et de la Juve aussi. Et joue bien. Oh, ouais, il est remplaçant, mais ça va, il rentre bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Michel, toi, Zaza? T'as 20 ans, je voulais dire à Michel qu'en fait, c'est con, c'est con comment il réfléchit. Puisque lui, direct, il va voir les filles, il va directement penser à faire l'amour. C'est con, quoi. Et des filles, ça vous le sentez, ça, quand un mec est complètement en manque de sexe? C'est normal, tout le monde le sent. Ah, bah surtout quand il arrive et qu'il dit j'ai envie de te baiser. Il va jamais. Oui, c'est vrai, tout le monde. Il va jamais avoir de copine s'il arrive directement en pensant à baiser. C'est vrai que si t'arrives en même temps, tu fais baiser. Ça se voit, c'est écrit sur son front. Dès qu'il arrive, on le voit, quoi. Ouais, tu sens qu'il est en chien. Et ça, ça donne pas envie. Ça donne pas du tout envie. C'est vrai qu'on a remarqué d'ailleurs, les filles, que vous préférez un mec qui est déjà maqué, qui est déjà avec une meuf, qu'un mec qui est tout seul. On a plus tendance à trouver. Ah oui, c'est beaucoup plus attirant. Ah, c'est ça. Ouais. Mais parce que vous êtes plus épanoui. Vous n'êtes pas en recherche de meuf. Non, mais c'est vous qui êtes complètement malsaine, qui avez envie de le piquer à une autre meuf que vous connaissez pas. Non, pas du tout. Je suis sûr que la rivalité entre meufs, ça joue dans ces moments-là. Je sais pas ce que vous en pensez dans l'équipe, toi qui es misogyne, Romano, et en plus, il n'y a pas de clash, donc tu peux te lâcher, mais à donf. Bah, elle fait le ménage, non? Oh non, mais bon. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris ma question, Romano. Il a rien compris, Romano. Il est obligé, là. Non, mais j'ai bien compris, oui, si les meufs, elles veulent piquer les mecs des meufs, des couples, quoi. Oula. Ouais. Ah oui, c'est pas excitant quand c'est comme ça. Ah, tu vois que j'avais raison. Ah bah voilà. Bon, donc pour Michel, est-ce qu'il faut qu'il continue l'humour? Est-ce que ça peut marcher? Genre, femme qui rit à moitié dans ton lit? Non. Ah non, non, non, il faut qu'il arrête son humour débile, trop con son humour. Voilà, tu vas faire ça, c'est fait. Ça a le mérite d'être clair. Ça, vous êtes nombreux à le dire. Fais un bisou à Zaza, Michel. Allez, bisous, bisous, Michel. Mais il faut que tu arrêtes ton truc là parce que c'est trop con. Voilà, fais-lui un bisou. Avec la chose que je vais avoir, ouais, super. Un bisou. Non, il veut pas faire un bisou. Attends, pas de bisous. Comment? Attends, c'était une blague. Que dalle, d'accord, ouais. Toi, avec les meufs, tu sais pas. Voilà. Tu sais pas. En fait, je crois que t'es peut-être pas prêt de t'en taper une. Bon, Michel, vive la branlette, hein. Et comme on le dit. Vive tes mains. Chaque peau a son couvercle. Donc, ça, c'est pour l'espoir que tu peux donner, qu'on peut te donner ce soir. Chaque peau a son couvercle. Bah ouais, Michel, t'es un pot, t'auras ton couvercle comme tout le monde. Tu trouveras une meuf qui tira comme tout le monde. Oui, Michel. Je parle sur Skyrock, s'il te plaît. On va te l'envoyer, puis on va faire un gros bisou à Zaza. Gros bisou, Zaza. Et merci des conseils, Zaza. Puis personne nous parle. Zaza, il est parti, Michel, tu peux nous parler. Hein. C'est bon. Zaza, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Michel, il fait fuir toutes les meufs. Vous avez entendu ça? Ah ouais, c'est dingue. C'est pas en 2-2. C'est quand même un truc de ouf, ça. Ma pauvre Zaza. Merci, Zaza, en tout cas, du coup, de fil. Attends, il y a le t-shirt Skyrock. Oui, Michel, et à toi, Zaza aussi. D'ailleurs, quand vous passez à l'antenne, c'est votre t-shirt Skyrock. Vos maillots de foot à gagner ce soir, on est mardi. C'est le jour de la traduction des bugs de Romano. On va en traduire quelques-uns. Ouais. Et à chaque fois, il y aura un maillot de foot à gagner. Ou alors votre jeu sur console, si vous voulez pas de maillot de foot. C'est au choix. C'est au choix. Il faudra découvrir quelles sont les traductions des bugs qu'on va vous passer. On va te traduire, Romano. Oui. D'ailleurs, moi, je mettrai ça au brevet, au bac, dans tous les examens. Une nouvelle épreuve. Ouais, à l'oral. Bah oui, une nouvelle épreuve qui déchire. La traduction des bugs de Romano. En plus, vous qui révisez avec nous tous les mardis soirs, je suis sûr que ça vous fera gagner des points. Ah, bah, c'est clair. Prendrai ça en option, Romano. Ouais, sans doute. Bah oui, évidemment. Bah, parfois, tu arrives même pas à te comprendre. Ouais, non, mais oui, c'est vrai, en même temps. C'est pas évident, hein, comme matière. Non, c'est pas évident comme matière. Moi, ce que je préfère, c'est la matière fécale. Ouais, mais on sait. Non, ouais. Ouais. Très bien, en plus, c'est ça. Ce que j'ai fait là, mon pote, je peux te dire que. De quoi? Ce que j'ai fait tout à l'heure aux toilettes, je déconseille, quoi. Voilà, c'était plus de la matière, c'était du. Les filles, je suis désolé, mais on est vraiment dans les mecs séduisants du début à la fin. On a commencé avec Michel, on a Cédric là qui se lâche, mais complètement, c'est magnifique. Anti-sexy au possible, quoi. Ah ouais, je me suis lâché. Bah, désolé, Marie, j'étais malade. Et ouais. Bon, alors, les familles du double appel, j'espère qu'elles sont en forme, c'est parti, on y va tout de suite. Go. Allez. Non, c'est vous qui nous appelez, monsieur. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ouais, bah, moi, je t'emmerde. Le double appel de Difool sur Skyrock. Bah, et moi, alors, c'est pisse au cul, hein. Oh là, elle lui pisse au cul. Ah, il vous pisse au cul. Un très bon contact entre les deux familles. Magnifique. Ah, vous attendez tous le double appel. Je vois le message du tampon usagé de Marie qui vient de nous. Un nouvel auditeur, je n'avais jamais eu celui-ci, tiens. Bonjour à toi, le tampon usagé de Marie. Il nous écoute sur la route ce soir. Ah, bah, c'est joli, dis donc, comme pseudo. Et t'as un bel autoradio. J'adore les autoradios quand c'est écrit Skyrock dessus. Ah, c'est beau, ouais. Ah, elle est magnifique, magnifique. Bon, bah, reste bien branché sur Sky. Voici le double appel et on appelle qui? Samy pour le premier rendez-vous. C'est chez qui? On va chez Jérôme et chez Laurent. Et on est dans le 37 et dans le 74. Ah, Jérôme et Laurent, le 37 et le 74. Je pense que ça va être bien, moi. Et ouais, que c'est parti. Ouais. Et que ça sonne et que ça répond pas. Ah, si. Absolument, ouais. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour, vous êtes... Ah, vous êtes qui? Pourquoi c'est qui au téléphone? Patrick. Voilà. Allô? J'entends rien, excusez-moi, je... Allô? Oui, allô? Oui? Oui, qui était à l'appareil? Bah, c'est vous qui m'appelez, c'est pas moi. Hein. Ah non, elle vient d'appeler chez moi, donc... Bah écoutez, vous avez fait quel numéro? J'ai fait aucun numéro, ça a appelé chez moi. Bah non. Ça doit être une erreur, je pense. J'entends très mal, je vais raccrocher. Hein. Salut les filles. Mythe, salut les filles. J'ai pris ma belle boîte, j'ai une bonne mythe là. Ouais, bien. On a fait une erreur, Romano, on a mis Cédric et. Et Patrick en même temps. Et là, c'était pas bon. les deux ont raccroché en même temps. En simultané. Allez, on y retourne. Je crois que c'est trop cash pour elle. On y retourne, après. Allez, chez Daniel et Jean-Luc. Ouais, Daniel, ouais, Jean-Luc. Dans le 28 et dans le 37. Ouais, les gars, ouais. On voyage dans toute la France grâce à tous les numéros que vous nous laissez. Attention, Daniel, Jean-Luc. La rencontre. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? J'entends mal, allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne mythe, là, bien. Bonjour. Allô. Allô. Salut. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. J'ai une bonne bite là. Ouais, c'est bien, au revoir. Allô. Allô. L'autre elle reste là depuis tout à l'heure. Oui, elle l'autre nous a fait pas allô à la suite. Mais elle a répondu au allô de tout le monde. Oui, par contre, pas de sa part. L'autre elle nous a fait deux secondes. Hein. Oui, mais en même temps, elle est tombée pile au moment. J'ai une bonne bite. Donc, bonne bite. Oui, bah ça c'était Patrick. Qui veux que je te dise. Ah, Patrick, il veut pas se retenir. Non, Patrick ne sortira pas. Allez, un autre. C'est allez, parti. C'est parti. On y va. On est dans le Cantal. Non, Cantal. Fais ta blague du Cantal, Cédric. Chantal, Chantal, Chantal. Le Cantal, Chantal, Cantal. La lambie du Cantal. Ah, c'est la meilleure blague de Cédric, voilà. Ça, c'est super. Bon, ça va. C'est moi la Chantal. Alors. Allô. Ah. Allô. Allô. Oui, allô. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Jusque-là, t'as bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, à toi de me le dire vu que tu m'appelles. Hein? T'es pas appelé, moi? Eh bah, je sais pas, le téléphone sonne. Eh bah, regarde ton numéro et arrête de pirater. Hey. Tu vas te faire voir, mon gars, moi je suis pas, t'es pas appelé. Moi. Lelou ? Ouais. Moi je suis un numéro. Lelou ? Ah ouais. Allô ? Ouais. Ouais. J'ai une bonne bite là. Ouais. Mais ouais. Je te prends un saucisson de cheval et je te l'enfile là. Ok, ma gueule, dis à ta femme qu'elle arrête, elle arrête de me pomper parce que ça commence à me faire mal au bout du gland. Je suis bien en train de branler. C'est quoi ? Je suis en train de masturber là. Oh là là, putain, t'es bon toi, dis donc. Allô? Oh là là, pauvre cheval. Bah, mon drôle, c'est pas félichon, mais par contre, je pourrais être sodomisé. Hein. Oh là là, mon pauvre gars. Oh putain. Oh là là. Vois le côté positif, t'as pas besoin de pousser pour chier, tu dois avoir un cul dilaté, mon cousin. Ah, oh putain. C'est quoi ce truc? Putain, c'est plus du PQ qui te voit, toi. Hein. C'est minimum du clair, du sopalin. Bah oui, carrément. Mais qu'est-ce que tu me fais chier? J'y connais rien, moi. Tu vas pas m'emmerder avec ça. Elle a bon. Mais s'il n'a plus de dents dans la bouche, il parle. Il faut qu'il t'encule, là. Oh, c'est ce que faisait ta femme quand je lui mettais dans le cul. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Miskine, faut vraiment être tout seul pour pouvoir branler, mon gars. Oh, t'as vraiment pas de chance, je peux plaindre, mon ami. T'as même pas une gonzesse pour taper la pouguette. J'avais pas envie de ça. Putain. C'est la première fois, là. T'as même pas 20 balles pour aller taper une pute, mon gars. Je suis franchement, c'est assez triste, hein. Absolument, oui. Ouais, c'est vraiment triste, mon gars. Tu devrais te la stiquer, mais bon, à force, tu dois en avoir marre. Des clubs communs, non? Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? C'est toi qui vois. Moi, personnellement, j'utilise toujours des lubrifiants, c'est ce qu'a fait ta femme. Eh oh, ah, oh, ah merde, oh. Il a du lubrifiant. On sait tout. Eh, Cédric, c'est marrant. Et pour la deuxième coup de fil où on arrive à mettre en contact des familles. Et alors, la deuxième truc qui se passe comme tout à l'heure, Cédric, tu parles et hop, les familles se barrent. Et hop, disparition des familles. C'est un peu comme tout à l'heure quand on était sur le Facebook Live. Je me mets dessus. On était à combien? 4 millions, 5 millions? 4-5 millions, ouais. 4 millions, 5. 4-5 millions. Ah ouais. Je le mets sur Cédric, le Facebook Live. La caméra, je la mets sur Cédric. Ah, et on se retrouve à 80. On est à 80. Oh, ah, 80. On est passé de 4 millions 5 à 80. Mais quasi démenti, en instantané, quoi. C'est un truc de ouf. C'est pouf, mais t'as vu pareil, là. Là, tu parles, les familles. Hey, super celle-ci. Hein. Merci pour les numéros que vous nous avez filés. Ouais, très bon casting. Bah, d'ailleurs, je veux remercier Samy. C'est Samy qui l'a fait le casting, en fait. Il a pas chopé vos numéros. Ouais, avec Cédric. J'ai vu que vous vous amusiez en début d'émission tout à l'heure. Enfin, juste avant le début d'émission. On s'éclate. Je vois ça. En tout voilà, cas, je peux m'amuser avec ton zizi. Non, ça, on va rester avec les familles pour l'instant. Ça va aller. Voilà, laisse-moi m'amuser avec ta tub. Amusez-vous comme vous voulez. Allez-y, faites-vous plaisir. Bon, le double appel, on peut s'en faire un dernier. Allez, sur le temps. Oui, Jamila qui voudrait qu'on appelle deux hôtels de police en même temps. On peut le faire en Belgique si tu veux. En France, on va peut-être éviter d'avoir des problèmes. C'est ça, ouais. Mais on est courageux, mais pas téméraire. Comme on dit. Tu connais l'expression, Karim? Courageux, mais pas téméraire. Absolument pas. Eh bien, tu la retiens, elle est super. D'accord. Quand tu passeras ton bac un jour dans ta vie, eh bien, tu écriras courageux, mais pas téméraire. Ça fait toujours un petit peu d'effet. Tu veux que j'aille passer le bac, gros? Ça peut servir. Oh là, ça sert pour mettre du sable dedans, le bac à sable. Allô? Je suis en train de m'assurer là. Allô? Oui. Eh ben alors? Allô? Allô? Oui. Oui. Ben on vous écoute. Ben c'est vous qui avez appelé, hein? Ah ben non. T'es en train de te faire baiser ou pas? Quoi ? Je suis en train de masturber là. Pas d'autres conneries. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non ? Non, non, elle n'a pas envie de se masturber ce soir. Bon, bah là, sans intervention de Cédric. Eh non. Bon, vous nous laissez les numéros que vous voulez qu'on appelle tous les soirs sur le 41-759, sur l'appli Skyrock et au 01-53-40-30-20. Vous nous appelez de toute la France si vous voulez passer dans l'émission. Pour les numéros du double appel, ça marche. Pour tout le reste aussi, dès que vous avez un truc à nous dire, vous profitez de cette soirée, vous débarquez ici et on vous attend en direct jusqu'à minuit. Tiens, je ne vous ai pas dit ce qu'on allait écouter ce soir. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, on s'est fait Justin Timberlake et SCH. Donc, demandez pas Justin et SCH si vous voulez nous demander un son. Par contre, on a choisi pour vous, il est là, il arrive. C'est Panda, non ? Tu veux Panda ? Ouais, moi j'écouterais bien Panda, ouais. Bon, il veut Panda, alors il suffit de demander, allez. Bonne idée. Designer, voilà. Pour faire plaisir à Romano qui a choisi. Vous gênez pas pour choisir les sons que vous voulez. Ah ouais, demandez, c'est gratuit. Vous avez vu, Romano lui gêne pas, hein. C'est gratuit. Ouais. Il en profite. Donc on écoutera du Designer, de Panda, du Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Il y aura ça aussi. Drake avec One Dance. C'est bon, ça. Et celui qui est là toute la semaine entre 20h et 21h, qui nous présente son album qui sort vendredi, qui viendra nous voir avant vendredi dans la radio libre. Il sera là avec nous. Il est en pleine forme. Et on va le retrouver. C'est Jules. No. Ah, il va trop mano. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûr. Ah, je crois qu'il disait je suis parano, moi. Je vote trop mano. Jamais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est fou ça. Ne me laissez pas seul. On va pas te laisser seul, Jules. Non, on est là, jamais, Jules. Jules avec Emotion, c'est le son qu'on écoutera avant minuit. Et puis il y a de la place, donc si vous voulez écouter un son, vous nous faites signe. On nous demande du Black M, on nous demande du PNL. Et but de la Croatie. The Weeknd et les Croates qui égalisent face à l'Espagne. Et c'est le but. Mais que se passe-t-il à la Rora ? La Rora. La Rora. Et donc ça nous fait un partout. L'Espagne dominée, mais bon, la Croatie a eu 2-3 occasions depuis tout à l'heure et bim, là ça marque. Et ouais, concrétise. C'est ça. Il n'y a pas que nous qui galérons. Ouais, bon, l'Espagne et la Croatie qualifiées les deux. La Rora. La Rora, donc, qui a marqué un premier but tout à l'heure, mais qui se fait rejoindre par la Croatie, ça nous fait un partout. Et de l'autre côté, on a toujours 1-0 pour les Turcs en face de la République tchèque. Ouais, une minute de la mi-temps. Et on suit les deux matchs à une minute de la mi-temps, car Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Foot, bien sûr. Bien sûr. Et oui. Alors, pour la suite, en direct sur Skyrock, on vous attend. Est-ce que vous avez déjà couché avec une de vos cousines? Ah non, jamais, non. Non, parce que hier on parlait d'alcool et j'ai lu d'ailleurs un message de cousins et de cousines qui avaient fait des trucs ensemble, qui s'étaient embrassés. Eh bien, il y a Jennifer qui a entendu ça hier et qui nous a envoyé un mail pendant l'émission d'hier soir, je l'ai récupéré ce matin. Et Jennifer qui nous écrit qu'elle a couché avec son cousin, mais le problème n'est pas là, dit Foul, car aujourd'hui, je pense que je suis en train de devenir amoureuse, de tomber amoureuse de mon cousin. Je suis folle de lui et quand je le vois, je ne peux plus me passer de lui. Mais c'est son cousin Germain. Alors ça, je n'ai pas son prénom, Romano. Non, mais tu me poses des questions comme ça. Jennifer nous a pas laissé le prénom de son cousin. Je ne sais pas si c'est son cousin Germain ou Laurent ou Robert. Non, mais est-ce que c'est un cousin proche ou éloigné, tu vois, suivant l'arbre généalogique. Ouais, le degré, ouais. Ah, j'en sais rien, ça. Même dit, c'est son cousin, ça doit être son cousin proche. C'est comme si toi, tu sortais avec ta cousine magnifique. Ben laquelle? Ben c'est la fille à la tête d'homme. Ah non, tu vas pas nous faire chier avec ta tendinite, je te dis. Non mais c'est, j'ai un nouveau mal à main au bras. Non mais de toute façon, viens pas te plaindre. Quoi? Pourquoi j'ai pas de mal? Non, je te le dis direct, tu ne viens pas te plaindre, tu t'es soigné? Non. Si, non, non, cachet. T'as été voir le kiné que tu devais aller voir? Non mais ça, j'ai pas le temps. Je suis tellement occupé avec l'euro. Ben voilà. L'euro, les émissions, les places de l'euro qu'on file le matin, tout ça, c'est une organisation. Ouais, mais bon, quand tu seras au cimetière, t'auras tout le temps. Oh non, arrête. C'est vrai. Et c'est la mi-temps pour les matchs. Allez, c'est la mi-temps pour les matchs. Bon, les cousins. Les cousines. Non, mais moi, elles étaient moches, moi. T'es moche? Ouais. Moi, j'avais des cousines, c'était mignonne. J'avais deux cousines qui étaient mignonnes. Putain, moi, trois cousines. Tu les akennes? Non. Non, jamais rien. Non, mais un jour, on se regardait les zizi, quoi. Pourquoi elles avaient des zizi? Non, mais la zézette. Ah, d'accord. Mais ouais, la chatte, quoi. Ça, c'est quand t'es petit. J'avais été mal ce jour-là parce qu'il y avait ma tante qui était montée dans la chambre et bon, on était. J'avais le pantalon ouvert. Le steak galère. Ça fait bizarre. Donc, forcément, se regarder le. Déjà, t'avais le monstre sorti, quoi. Exactement. Donc, t'avais déjà une très grosse bite. Ouais, oui, une troisième jambe. Ah, mais je sais pas quel âge j'avais, j'étais petit. Bah, t'étais déjà très grosse. 11 ans, 10 ans. Faisais déjà bien 15 cm au repos. Mais qui t'a dit, Romano, que déjà à 10 ans, elle faisait 15-16 cm? On en parle du côté de Saint-Etienne, Saint-Chamond. Chabon. Sacha Baron. Tout le monde en parle là-bas. On en parle à Sacha Baron. Ah bah tu demandes aux anciens. Ah, il est fou, on l'a connu, on est des loupis, chaque bite. Et dites-nous si vous avez fait des. Donc moi c'est des beaux, c'est juste pour rigoler. Enfin c'est le truc que tu fais quand t'es gamin. Oui quoi. Oui non mais t'as une phase où ouais, ouais t'as une phase tu découvres. Mais il y a aucun sous-entendu de cul en fait. Non non mais on a rien fait de cul. Hein. Ah non mais ouais ah, ouais c'est. On regardait juste la bite et la chatte. Voilà. Ouais c'est ça. Voir un petit peu comment c'était fait. T'as le choc des familles quoi. Contrairement à Cédric qui lui a harcelé sa petite cousine qui avait 12 ans. Moi j'en avais 20. Et il la tripotait. Non j'avais. Non t'es plus vieux que moi. Sans lui demander son autorisation. C'est son petit cousin. Non si. Ah son petit cousin aussi. Non c'est son petit cousin. Voilà je me suis tapé le petit cousin. Lui il comprend vraiment. Lui c'était nickel, il avait 8 ans. Oh ouais. Non, j'avais. Je crois, j'avais 11 ans, sans doute le meilleur âge. Oh, c'est dégueulasse. Ah, dégueulasse. T'avais 11 ans? Je crois que je devais avoir 11 ans. Ouais. Et ta cousine, elle avait 12? Ouais, 12 ou 13 ans. Ce que tu nous as dit hier, en tout cas. Ça change tous les jours, Cédric. Là, c'est variable. L'autre, elle avait 11 ans il y a un mois. Après, elle en a eu 12 hier. Aujourd'hui, elle en a 13. Mais ta vie, c'est un mytho, non? Non, mais du coup, je t'ai dit que je me souviens pas exactement. Ducon, il m'appelle Ducon. Non, c'est Romano, du coup. Bah non, mais toi, il le ferait pas, parce que tu sais, c'est une grosse baltringue. Bah ouais, t'as une grosse baltringue. Un peu de respect, quand même. Tiens, tu veux pas aller le chercher à boire, s'il te plaît? Non, il a déjà une canette, t'inquiète. Difoul, tu veux qu'il te masse l'épaule? Ah, tiens, Romano, d'ailleurs, je suis allé chercher une canette, c'est que j'ai récupéré l'argent de celui qui était passé avant moi. Ouais, c'est moi. Non. Ah, bah, c'est con, c'est Non. J'ai récupéré ça. T'as récupéré mes 50 euros? Non, 50 centimes. C'est, ah, pas c'est ça, pour ça que t'avais le sourire en revenant. Ouais, je suis revenu avec du coca, et le coca, en fait, c'est comme si on m'avait donné 50 euros pour le boire. Ah, c'est 50 centimes. 50 centimes, ouais. Ah oui, là, il y a pas abusé non plus, parce que bon. 50 euros, j'aimerais bien, tiens. Ouais, t'as économisé 50 centimes, quoi. Tiens, il y a Sam Crow qui a 24 ans, qui dit, moi aussi, j'ai couché avec ma cousine, pouvez m'appeler si vous voulez. Bah, c'est gentil pour Jennifer, parce que Jennifer, a priori, bon, je vous lisais son message en speed, le petit message qu'elle nous a envoyé hier, mais ça a l'air de lui poser quand même un petit problème. Si elle nous a écrit comme ça, et si elle nous dit, ouais, le problème, c'est que je suis en train de tomber amoureuse, ça va être compliqué à gérer dans la famille. Au niveau légal, c'est pas interdit. Hein. Non, t'as le droit. Mais toi, tu connais, Karim, des cousins, des cousines qui baissent ensemble. Qui sont mariés ensemble, ouais. Ah, qui sont même mariés ensemble. Moi, ah, ouais, carrément. Qui est marié avec sa cousine. Et ça se passe bien. Il y en a plein au Maroc, dans ma famille, qui ça se marie entre un coup, tout normal. Bon, moi, ça me. Toi, ça te choque pas, non? Ouais, si, c'est chelou un petit peu. T'aimes pas trop, toi. En famille, tout ça. Tu te rappelles pas ta cousine? Ah non, jamais, gros. Si par exemple, tu étais une fille et que tu avais Cédric comme cousin et que tu tripotais la bite dans tous les sens. Tu serais une fille, t'aurais une bite quand même, hein, je le précise. Ouais. Cédric a insisté. Ah, je le laisserai faire alors. Oh, ouais, parce que j'adore les filles à bite. Ah, tu kifferais, hein, petite salope. On peut dire que t'as 12 ans, c'est encore mieux. Ouais, ok. Ouais. Mais toi, t'as des soucis, toi, avec ça, toi. T'es chelou comme mec. Non, mais ça te choque, toi. Ah non, ouais, moi, ça me choque, moi. Marie, toi qui as sucé ton cousin, ça te choque pas? Enfin, oui, enfin, tu sais. Merde, je suis pas jusqu'au bout. J'ai cru qu'il m'avait oublié, grenouille, là. Putain de merde, là. Il peut pas poser une question à gros bédo, là. Casse les couilles. À gros bateau, t'as pas un truc à dire? Non, moi, je te dis, mes cousines étaient moches, donc j'avais pas envie de les niquer. Voilà. Ouais, non, mais non, mais ils n'ont qu'une attirance, tu vois, ça me. Et Jamy, là, il veut pas dire un truc. Jamy, t'as pas coussé avec une Marseillaise, tes cousines? Désolé, non. Eh, bande de con. Oui, Marie, raconte-nous. Non, mais nous, on était sortis, en fait, en boîte, on était complètement pétés, on était rentrés, on avait commencé à. Étonnant, ça oui, déjà, je suis surpris par le début de l'histoire. Ouais, c'était le début de mes soirées, en fait. Mais t'es déjà sorti et rentré sobre? Jamais. De boîte, jamais. Une espèce de taré, là. Ah, mais sobre, tu grenouilles, ce gros dodo, là, il est débile. Sobre, sans avoir bu une goutte d'alcool de soirée. Bah oui, bah oui, jamais. Non, mais tu m'as pris pour qui? Déjà, t'as passé une journée sans boire une goutte d'alcool? Ouais. Ah, c'est trop dur. Jamais. Non, c'est pas trop dur. T'es jamais sorti sans boire une goutte d'alcool? Ah non. Ah, c'est dingue, ça. Toi aussi, toi? Ah, quand je vais en boîte? Ouais. Ah non, je bois, moi. On est d'accord. Ah, ça m'est déjà arrivé, moi. De boire? Non, de sortir. Non, de pas boire. Ah, de pas boire, d'accord. Oui, au contraire. Et pas de boire d'alcool. Ouais, ou alors si t'as pas un rond, quoi. Non, non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas envie de boire, gros. Ah ouais? Ah, moi, j'ai tout le temps envie, moi. Moi, la musique, ça me donne envie de boire. J'ai soif. Bon, vos réactions pour Jennifer, on vous attend. Et il y aura Cassie déjà qui veut réagir pour Jennifer. Elle a 22 ans, elle est à Rouen. Bonjour, Cassie. Salut ma chérie. Salut Cassie. Coucou. C'est gentil d'appeler pour Jennifer. Elle tombe amoureuse de son cousin. Bon, elle a fait des petits trucs avec. Bon, il y a plein d'ailleurs des messages que vous nous avez laissés là depuis qu'on en parle depuis tout à l'heure. C'est un truc de ouf, c'est marrant ça. Entre cousin, bah, cousine. Ouais. Ouais. On a joué au docteur nous aussi, Difoul. Ne t'inquiète pas, c'est le message de Thomas là sur le 41-759. Gilles du 91, il a 15 ans. Moi j'ai fait des trucs avec ma cousine aussi. J'ai même baisé. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais, ça, génial. Génial, d'accord. Moi j'aurais pas pu moi baiser avec ma cousine. Non, moi non plus. Ah t'as pas baisé avec ton cousin. Tu vas nous raconter, reste avec nous Cassie, ne bouge pas. Vos témoignages pour Jennifer et puis pour tout le reste, vous pouvez nous appeler. On aura aussi Gurvan qui arrive. Gurvan qui vient Gurvan qui veut à parler sport hier soir. Ah bah tiens, ma passion. Ah mes sportifs. Je suis pas sûr que ce soit turc son prénom. Ah, je suis pas sûr que ce soit turc. Non, Gurvan c'est mon avis, c'est breton, il nous appelle dans le 22. Ah peut-être ouais. Salut Gurvan. Exactement. Ouais, salut les foules, ça va? Ça va bien ouais. Des maths. Des maths. Des maths. Des maths. Des maths. ça va bien. Ça va bien. C'est vrai que les prénoms Anne, souvent, c'est des trucs turcs. Akan, Oran. Ouais. Normalement, vraiment, tout ce qui finisse Anne, ça se dit And. Akan. Comme Erwand, Yand. Alors toi, je Gurvand. Il faut dire quoi, Gurvand? Gurvand? Non, moi, mes parents, ils m'ont appelé Gurvand. Mais normalement, en vrai breton, c'est ça. Tout ce qui finit par Anne, c'est And. Gurvand. Gurvand. Ouais, Erwand. Il y a tiens, démenti. Mais après, je parle pas plus breton que ça. Très bien, nous non plus, ça tombe bien, on va le faire en français. On va le faire en français, ouais, c'est allez, ça, pas mal. On gère en français, on va faire ça. Bon, eh bien, tu quittes pas, Gurvand, on va t'en trouver, puis on revient en cousin avec Cassie et avec vous en direct. Ah bah tiens, il y a Omer qui va démentir ce qu'on vient de dire. Omer, je suis turc et pourtant, je m'appelle Omer. Salut Omer. Eh bien, salut à toi, Omer, tu fais une bise à Marge, hein, tu l'embrasses. Bah, bien sûr. Très, très fort, on l'adore. J'ai bien niqué ma cousine. Ah, c'était qui? C'est Real 93. Qui me dit ça normal, tu sais. 200. Normal, à l'aise. T'as vu ça un peu? Ouais, normal. Moi, c'est ma cousine, elle voulait coucher avec moi. Elle avait trop envie, mais moi perso, je peux pas, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est David l'Italiano. Moi aussi, ça me. David l'Italiano qui nous laisse un message. Bon, allez-y. Je suis monté au 7ème. Alors, je vais faire la baiser, mais sans le savoir que c'est ma cousine, tu vois. Ah. Eh, tu le découvres après. Ouais, bah bon, t'en fous, t'as baisé. Ouais, le mal est fait, c'est ça. Bah oui. Bon, on peut se marier avec sa cousine, il a raison. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Bon. T'as, on a le droit, ouais. Cassie, tu restes là, Gurvan aussi, vous tous en direct. Et alors, la fête de la musique, c'est ce soir. J'ai l'impression que c'est pas une grosse fête de la musique. Bah, ça tombe à mardi. Oui, puis en plein euro. C'est vrai. Ouais. Dites-nous s'il y a des trucs pour la fête de la musique du côté de chez vous. Bah déjà à Marseille c'est vendredi donc. Ah c'est pas jeudi. Ah bah, non. Ouais, non, j'ai c'est dit le 23. C'est le 23 vous. C'est jeudi. Ah ouais, à Aix vendredi ouais, il décale d'un jour. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a deux jours c'était dans une ville là parce qu'ils ont fait une émission sur TF1 à Nîmes. Ah voilà, tu vois, donc c'est voilà, toute la semaine. C'était le 19 juin, c'était à Nîmes. Dans les arènes ouais. En fait la fête de la musique ça a duré à peu près une semaine, deux semaines. C'est ça. Ouais. Peut-être jusqu'au 14 juillet. Vacances, tiens c'est la fête de la musique. Ça tombe bien parce que sur Skyrock la fête de la musique c'est toute l'année, tout le temps 24/24 avec Mike Posner qui arrive. Et racontez-nous hein, si c'est la fête de la musique. Je sais pas si vous avez un gars avec un accordéon qui joue en bas de chez vous, faut nous faire écouter. Hein. À Compiègne, il y a une grosse teuf, tiens, nous dit Nico du 60. Eh ben salut Compiègne, salut la grosse teuf. À Paris, en venant, d'habitude, il y a toujours plein de trucs. Putain, ouais, ce soir, il n'y a pas grand chose. C'est autour de la radio, parce que c'est un quartier assez. Il y avait un groupe, il y a du monde ici, ouais. Non, je sais pas qui... ce qu'ils jouaient d'ailleurs. Il y a des mecs qui buvaient, qui dansaient, qui nous regardaient en dansant. Il y avait le match et des groupes qui chantaient, quoi, là dans le coin. On ira peut-être faire un tour dehors, on verra tout à l'heure, là. Bon, j'ai couché avec ma cousine sous la douche. Tes cousines et cousins, ça y va, là. Jennifer, t'as lancé un gros sujet, on va s'en occuper tout de suite après Mike Posner et Took a Pill in Ibiza sur Skyrock. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Un mois avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Are you guys ready? Exclusive! Alliance Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Hey Steph, tu connais la différence entre le... T'en as pas marre des blagues sérieux? Bah je m'entraîne, c'est pour le concours Yax. Le concours Yax? Bah ouais, il y a 2 séjours au Maroc à gagner pour le Yax le plus marrant. Sérieux? Non mais je vais aller télécharger Yax, moi aussi je veux partir au soleil. En plus, vu le niveau de tes blagues... Vas-y, promis, si je gagne, je t'offre le deuxième billet. Télécharge Yax, publie un Yax vraiment drôle et pars en vacances avec Yax. Y-A-X. Justin Timberlake. Justin Timberlake revient avec un nouveau tube. Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling. Maintenant disponible. Love au 6-20-70, rencontré par SMS des centaines de gens qui vous ressemblent. L'amour de toute une vie, votre nouvelle sœur de cœur. De nouveaux amis, Love, L-O-V-E au 6-20-70. Le service de chat 100% SMS et sans abonnement. Envoyez Love au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. C'est Doré de Platine, écoute mon sang. Doré de Platine présente Joule. Allez, Joule. Allez le sang. Allez, on y va. Allez, le sang. Découvrez Émotion, le tout nouvel album de Joule. Joule, nouvel album Émotion, le 24 juin dans les bacs. Diffoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, oh, I know sad souls, sad souls. Je ne sonne plus à rien. Difool. On m'a déjà. Vous savez que. Cédric. Combien y a-t-il de semaines dans l'année, Cédric? 54, non? Marie. Oh, j'aimerais bien que Marie me la suce un peu. Bah tiens. Ah, je te la suce. T'as envie de me la sucer là? Bah oui. Bah oui. Samy. Ah bah, je l'avale. Momo. Je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Alors la chanson, c'est ça. Et Karim. Eh ouais, je suis là, man. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Ouais, en direct, on est là jusqu'à minuit. Merci à vous d'être là aussi. On passe une belle soirée ensemble. Soirée de la fête de la musique ce soir. Alors, la fête de la musique, c'est pas la folie. Alors, la folie, il se passe quoi? Ah bah, il se passe des trucs. À côté de chez moi, il y a un vieux concert. Il y a une nana qui chante comme Nana Mouskouri. Oh putain, sympa. Ah, Nana Mouskouri. Mais qui est donc cette dame? Tiens, la chanteuse à l'ancienne, là, qui avait les verres, les lunettes à cul de bouteille, là. Mais d'ailleurs, elle est toujours vivante. Bah, est toujours vivante. Chanteuse grecque. Ah, mais je vois qui c'est, mais oui. Eh bien, tu vas t'éclater comme un. Je chante. Vivement la fin de la fête de la musique. Quand t'as ça en bas de chez toi, tu te dis, mais vivement. Il y avait une pub à l'époque pour les trucs à chiottes, là. Ah bah oui. Où elle chantait. Apollo, lui, il y a une fête de la musique à Échir. Échir, je connais Échirol, je sais pas où c'est Échir. Dis-nous Échir. Où c'est Échir, là. C'est en Normandie, bah, tu sais que moi, je, tous les dimanches, je pense, parce que dans une rue vers chez moi, il y a une rue piétonne. Ouais. Et il y a un mec, en fait, tu sais, avec les orques de barbarie, là. Oui, tu sais, avec la manivelle et des espèces de cartes à trous, et ça fait de la musique. Et tu nous as déjà parlé de lui, il existe. Il est encore là. Ah, mais non, mais tu sais que le mec, il est à tous les dimanches. Et tous les dimanches, je me fais la même réflexion. Tu sais, quand on va faire les courses, genre à 10h, et on se dit, putain, mais t'habites au-dessus. Mais c'est d'ailleurs, le mec s'est déplacé. Je pense qu'un jour, il a dû se prendre un seau d'eau sur la gueule. Non, mais il se déplace, hein. Moi, j'en ai un chez moi. Ah non, mais non, là, le mec, il est toujours au même endroit, tu vois. Ah non, et des fois, si, j'ai eu ça où le mec, il se déplace, il passe dans les rues. Bah ouais, un jour, tiens, un dimanche matin, je dormais, tu sais, j'entends. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais, qu'est-ce que c'est que ce connard qui est encore en train de. Bonjour, monsieur Lomano, c'est moi avec mon orgue de barbarie. Et le mec, en fait, il passait dans les rues et les gens, ils jetaient des pièces sur la gueule. Mais moi, quand j'étais petite, c'était ça, nous, ma mère nous donnait des pièces et on jetait au mec. Il passait en bas de la maison. J'attends, moi, j'attends le fameux. Marie, elle me disait, tiens, dans la gueule. Tiens, je t'ai crevé un œil, connard. Non, maintenant, je donne plus. Je lui lâche un parpaing sur la gueule. Ouais, je t'ai dit, bon, faites de la musique et on va faire de la musique, nous, avec Jul, qu'on écoutera avant 11h. Avant 11h aussi, on se mettra Drake pour One Dance. Faites de la musique de chez Al du 76 à Rouen. Il y en a une. Oh là, il y a un truc pas mal là. Ouais, j'ai vu. C'est Va Valentin ? Non, c'est, moi, c'est Lista Parigo. Vas-y, moi, j'ai Va Valentin de Paris aussi. Faites de la musique à 9 maisons, mais c'est la fanfare de la ville avec des majorettes. C'est une catastrophe. Ça peut être mignon de regarder majorettes. Et hop là ! Hop là ! Ouais, elles sont en mini-jupe. Ouais, bah, quoi, les majorettes, des fois, c'est les vieilles. Hein. Ah, ouais, là, c'est moins bien. T'as la majorette. C'est une granny, bon. Sauf si t'aimes les grannies. Tiens, va Valentin du 75, 16 ans. Moi, il y a un feu d'artifice pour la fête de la musique. Ah, ça, c'est bien, ça. Eh, tu vois, ça, on m'a aimé. Ah, bah, tiens, moi, les feux d'artifice. Il adore. J'ai couché avec une prostituée. Très bien, on peut en reparler d'ici minuit. Je vois tous les messages qui défilent, ça fait plaisir. Au collège, il y a un mec qui me harcelait pour que je lui suce la bite. Merci Arthur, qui nous laisse un message. Salut à toi. Tout va bien. Bonsoir Marie, message de Indochine qui te fait un gros bisou. Oui, salut. Hein. Salut Indochine. Moi, je préférerais baiser ma tante que ma cousine. Fais-toi plaisir. Message de Laftère. Ah non, quelle horreur. 18 ans. Moi, les trucs en famille. Entre cousins et cousines, ça se tambourine, nous dit Etman. Et bien, justement, on parle des cousins, des cousines pour Jennifer. Oui. Hier, on parlait d'alcool et puis il y en avait, je sais plus qui nous avait dit ça d'ailleurs, qui nous avait dit qu'il y en avait plusieurs des messages. Oui. Qui se déroulaient des pelles avec sa cousine quand ils étaient complètement bourrés. Bon, Jennifer, elle, c'est pas du tout le cas. Elle est pas bourrée, mais elle est sortie avec son cousin et elle sort avec son cousin. Et le problème, elle nous dit, c'est qu'elle est tombée amoureuse de son cousin. Ouais. Et oui, ça, c'est problématique. Alors, comment ça va se gérer? Comment? Surtout pour la famille. C'est ce que j'allais dire. Comment vous annoncez ça à la famille? Comment vous faites si vous avez annoncé que vous sortez avec votre cousine, les gars, avec votre cousin, les filles, ou alors même avec votre cousin? Tu sortirais avec un de tes cousins, Romano? Ils sont mignons. Il y en a un qui est pas mal, ouais. C'est vrai. Ouais, mais il est déjà avec un mec, donc. Ah, il est déjà avec un mec. Ouais, il est déjà avec un mec, ouais. Donc, déçu. Ah, dommage. Ah, non, c'est le seul pote, hein, parce que putain, mes cousines. Non. C'est quand même. Si, il y en a une, mais elle, c'est celle qui s'est fait sauter par le vieux, là, le voisin d'en face. Ah, celle qui aime les vieux, oui. Ouais, c'est. Elle est toujours avec lui, non? Ouais, toujours avec lui. En bas de maintenant, elle. Drame. Lui, il a bien avoir 50 piges, hein. Elle doit avoir 30 ans. Ah, ouais, quand même. Ah, oui, oui. Bah, ça a fait scandale, à un moment que vous voulez lui péter la gueule, quand même, au mec. Bon, bon, c'est vrai. Attendez, car s'ils sont heureux, ensemble. Non, mais bon, ouais, non, mais c'est vrai qu'au début, ça fait chelou, quoi. Ouais. Tu sais, mon oncle, il voit ma cousine qui avait à peine 20 ans, qui sortait avec un mec qui avait 20 ans de plus qu'elle. Ouais, le voisin. Qui plus est, le voisin d'en face, qui était marié, qui avait des gosses. Ah, ouais, si tu veux, il l'a relativement mal pris au départ. C'est un peu logique, quoi. Maintenant, ça va mieux. C'est habitué. On revient aux cousines, et puis après, on reviendra à la fête de la musique. Il y a une pool party à la fête de la musique chez Swen dans le 56, du côté du 56 en Bretagne. Une pool party avec la température qui fait, ça doit être pas mal. J'espère que c'est à l'intérieur, la pool party. Ouais, ou alors j'espère que la piscine est bien chauffée. Ouais, en général les pool parties c'est bien sale. La piscine est bien dégueulasse. Ah ouais, c'est vrai que t'as des vers qui sautent dedans. Ah ouais, t'as oui. Ouais, puis t'as les gens sales aussi. Et puis t'as les gens qui vomissent aussi. Ouais, ouais. Et bah, bon, dans la piscine. Ouais. Bah oui, ils vomissent dans la piscine. Oh. Et ça, c'est super quand tu te baignes ignoble. Et que tu danses. Hugo V, lui, il nous dit il y a de la zik à Saint-Germain-les-Corbeilles. Là, il y a MHD, Afrotrap. Eh, c'est bien ça. Partie 3, ça va faire plaisir à Romano. Eh, c'est la Champions League. C'est la Champions League. C'est la Champions League. Vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît. Il y a une connasse qui gueule du Céline Dion en bas de chez moi depuis. Je t'ai dit, un seau d'eau sur la gueule. Benji qui nous laisse le message. Moi, c'est du Charles Aznavour en bas de chez moi. À l'affaire des Voltaires, une méga teuf. Donc, on vient à la fête de la musique, on en reparle. Hein. Et avant ça, donc, les cousins, les cousines, puisqu'on a plein de témoignages. Il y a Cassie qui est avec nous. Toujours là, Cassie, en direct de Rouen. Hein. Toujours là. Il y a Samuel qui nous appelle en direct du 94. Salut, Sam. Salut, ça va? Ça va et toi, bien, Sam? Coucou! On fait aller, hein? Eh ben, on fait aller aussi. Bon, on va essayer d'aider Jennifer, là, qui se pose quelques petites questions. Ouais, malheureuse. Ah, la malheureuse Jennifer. Elle a 18 ans, Jennifer. 17 ans. Non, 17 ans. On demandait l'âge qu'elle avait. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton cousin, toi, Cassie? Non, moi, c'est en fait le neveu de mon beau-père, mais genre, en fait, j'étais un peu dans le même cas qu'elle. Le neveu de ton beau-père. Ah, mais vous êtes pas Mais maintenant, vu qu'ils sont mariés, je peux pas officialiser avec. Ouais. Enfin, j'ai un copain, mais c'est il y a longtemps de ça, hein, très longtemps. Et, quand, si, si par exemple le cousin de Jennifer, enfin c'est un beau-père ou quoi que ce soit, ils sont mariés, c'est pas possible en fait. Non mais le neveu de ton beau-père, ça représente quoi du coup maintenant? Rien au niveau. Bah rien au niveau de ta famille, au niveau du sang, il y a encore, vous n'avez rien de commun, vous pouvez sortir ensemble. Mais vu que mon beau-père et ma mère, ils étaient mariés, bah on m'avait dit que c'était pas possible. Ah bon, mais non. Ah Marie, non, Marie qui a fait, qui a sucé son cousin, peut témoigner, Marie, dis-nous. Non mais déjà entre cousins germains, c'est possible de se marier en France, donc j'imagine que là c'est ton cousin par alliance quoi. Non, c'est le neveu de son beau-père. Ouais, c'est ouais. Ah oui, le neveu, donc c'est le beau-père, il est fils de son frère ou de sa sœur. Je comprends rien moi dans les trucs de famille. C'est comme si Romano, toi t'étais mon beau-père. Eh ben quel horreur. Et que t'avais un neveu et que je sortais avec lui. Voilà. En fait, c'est comme si c'était mon cousin en 2007. Mais le neveu, par rapport à moi, c'est, il vient d'où, lui? Il vient d'où, le neveu? C'est le fils de ta sœur. Il vient d'où, ce type? Ah oui, donc en fait, avec l'alliance, ça deviendrait ton cousin, quoi. Cousin par alliance. Ouais, voilà, ok, ouais, mais au final, vous avez aucun lien. C'est ça? Ouais, aucun lien de sang. Donc, à la limite, c'est moins risqué. Parce que des fois, les enfants entre cousins, ça peut, il faut faire des examens complémentaires et puis y avoir des problèmes. Ouais, c'est vrai. De consanguinité. Ouais. Et ouais. Après, les gens sont chauves à un âge précoce. Non, mes parents ne sont pas frères et sœurs, ni cousins, cousines. Ah, ça vient pas de là, la télé ici. Non, ça vient pas de là. Il y a des maladies. Je connais absolument pas, il y a aucun lien de. Donc, toi, t'es sorti avec lui, ouais, mais c'est vrai que quand t'es sorti avec lui, c'était un mec comme les autres, en fait. Ouais. C'était pas quelqu'un ouais, t'étais pas censé savoir que le mec allait se taper ta mère, quoi. Et même là, ça pose des problèmes. Alors, attendez, on va faire un tour du côté de chez Gurvan, qui est en ligne avec nous dans un instant pour le sport. Mais d'abord, Samuel. Samuel du 94. Qu'est-ce que t'as fait avec ta cousine, toi? Ouais, en fait, on a eu des retrouvailles. Ça faisait plus de 20 ans qu'on s'était pas vu. Ah ouais, donc c'était presque une inconnue pour toi. Ouais, carrément. On se parlait via Facebook ou des trucs comme ça, mais on s'est retrouvé presque 20 ans après. Ah oui, elle avait déménagé dans le sud. Oui, alors donc c'est en fait quand tu l'as connue, t'étais tout petit, puis t'as 24 ans, donc j'imagine. Ouais, que voilà, 24 c'est ça. Ans. Et comme sur Facebook, on savait à quoi on ressemblait, on se plaisait déjà un petit peu sur Facebook, mais jamais je suis parti dans l'optique, je vais la revoir et voilà. Sauf qu'au final, j'ai passé une semaine là-bas avec elle. Ouais. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés. C'était super intense. C'était des gros câlins tout le temps, des bisous, tout ça. Et au final, un soir. Quand tu dis des gros câlins, c'est des gros câlins qui vont jusqu'où tu la prenais juste dans tes bras, tout ça, ou alors? Non, ouais, juste des câlins simples. D'accord. Et des hugs. En fait, comment on dit? Tu la huguais. Tu fais des hugs. Tu fais des hugs. Mais tu, Mais tu. Ouais, il y avait pas de pelle, pelotage ni rien, quoi. Non, il y avait rien. Jusque-là, il y avait rien. Mais toi, à ce moment-là, il y avait des sous-entendus pour toi. Tu bandais ou pas quand tu la prenais, quand tu la huguais? Bah après, je sais pas, c'était intense, en fait. On avait envie, mais on savait que du fait qu'on est cousins, on pouvait rien faire, quoi. Et au final, devant un film et tout, avec l'ambiance, et du coup, c'est parti, on a eu un premier rapport, et au final, on a kiffé tellement qu'on a eu plusieurs rapports dans la même semaine. Non, mais, et après la première fois, donc après que vous ayez couché ensemble, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes senti mal? Vous étiez où? C'était tranquille? Ouais, sur le coup, on s'est retrouvés comme deux cons après, à se dire putain, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. mais comme on a kiffé. Comme c'était tellement bon. Ouais, vous avez mis le couvert, quoi. Ouais, et puis même aujourd'hui, quand je regarde avec le recul, j'ai eu plusieurs conquêtes, hein. Mais le meilleur coup que j'ai eu, je crois que c'était. T'es la cousine? Ah ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, t'es plus avec elle? Non, non, après, moi, je suis retourné à Paris, Ah ouais, et puis elle est retournée dans le sud. Et elle est restée là-bas, et puis après, sur le coup, du coup, maintenant, on se parle même plus, en fait. Et vous l'avez dit à la famille? Ah bah évidemment, je l'ai niqué toute la semaine. Oui, ouais, Marie. C'est juste une histoire de cul. Pendant pas de famille. Allez, j'ai un truc à vous annoncer. Ouais, toute la semaine dernière, je lui ai mis sa race, mais tous les jours. Non mais. On avait déjà eu une auditrice. Du coup, en plus, le père, il m'aimait bien en plus. Voilà. Ah, tu vois, ça tombe bien, déjà le beau papa, si t'étais resté avec elle, ça serait devenu beau papa. C'était tonton du coup. Beau papa aurait été tonton, ça, et en plus tonton, t'aimes bien. Ouais. T'as pas grandi avec elle? Non. C'est un peu moins non, mal. Non, non. Ouais. Ah, tonton, j'ai niqué toute ta fille. Ça va. Ouais. Après, tiens, il y en a qui sont dégoûtés par ça. Regarde, sortir avec mes cousins, burk. Ils ont tous 40 ans de plus que moi, c'est dégoûtant. Ah oui, ouais, Clara, 18 ouais. ans, c'est vrai que s'ils ont 58 ans, c'est pas super. Ouais, même plus jeune, hein, moi je sais pas. Moi non plus. Mais quand tu grandis avec, c'est pas un truc. Mais moi, tu sais, j'ai pas grandi avec, mais ça me dégoûte un peu aussi, tu vois. Ouais. Ouais, mais moi c'est j'ai peut-être physiquement qu'elle me dégoûte aussi. Il y a Franck. C'est-à-dire que, allez, je sais pas, ça aide pas. Si serait mannequin, ouais, j'aurais peut-être un autre ami. Ouais, c'est ça aussi le truc, tu vois. Mais c'est là, c'est sur loin d'être mannequin. C'est là. Pas le cas. Il y a, c'est qui nous laissait un message? J'ai des horreurs, le bordel. Je sais plus, c'est Franck. Ah oui, Franck qui nous confirmait que c'est légal de se marier avec sa cousine. Et il y en a qui ont des parents qui sont cousins. Mais mon père et ma mère sont cousins, ils se sont rencontrés il y a 20 ans et je suis tout à fait normal. Mais il y a la femme politique là, Christine Boutin là, elle est mariée avec son cousin. Ouais. Mon grand-père, il est marié avec ma grand-mère, ils sont cousins cousines. Donc oui, donc ça va. Ouais, ouais, pas mal de messages aussi souvent, ouais, des grands-parents. Donc Jennifer, après pour le faire accepter par la famille, ça c'est peut-être moins simple. Ça je sais pas comment ça réagirait dans vos familles. Marie, toi qui es une famille assez ouverte. Attention. Non mais ils hallucineraient. Ah ouais quand même. Ah ouais. Ils savent que tu as sucé ton arrête. Non, tu n'auras pas dit. Non, ils savent pas. Mais nous, on est une toute petite famille. Donc on les appelle. J'ai peu de cousins et de cousines. Donc, non, là, pas Marie, dit. On appelle genre ton père et je fais une voix masquée et je lui dis. Oui, mais il va pas te croire, je pense qu'il va exploser derrière mon père. Et toi, Romano, ça ferait quoi dans la famille? Donc, moi, si je me tape une cousine. Bah tiens, la cousine, la fille de la tante à tête d'homme. Ouais, c'est pas la pire, mais bon, ouais. Mais non. Non, ouais, non, mais moi je pense que. Tu dirais, tu ferais quoi? Tu ferais caché? Tu ferais comment? Ah, je ferais caché au départ. Bon, après, si ça devient sérieux, au bout d'un moment, oui, je le dirais, mais je pense que ça ferait scandale, ouais. Et toi, Cédric? Ah, moi, ça ferait scandale, moi. Tu sortirais avec ta cousine que t'as. D'ailleurs, tu ne pourrais pas sortir avec elle, elle est devenue lesbienne après que tu lui aies ploté les seins. Ah, on va voir. Si, si. Ah, bah, non, si. Non. Bah, je l'ai au téléphone, là. Non, bah attends, t'es mytho, Cédric, ça commence à bien faire. Romano m'avait dit, fais attention à Cédric, surveille-le, il m'étonne parfois. Voici la preuve, nous avons avec nous Oribla de Belgique. Oribla, Jeanne. Bonjour Oribla. Vive les Diables Rouges. Vive les Diables Rouges, mais oui, t'es belge. Devinez ce que je suis en train de faire. Je sais pas. Je touille des frites. Je touille des frites. Mais voilà, moi je suis Oribla, touille des frites. Eh oui, que je suis Oribla de Belgique, oui. Alors tu nous confirmes bien. Je suis à Bruxelles. Est-ce que tu nous confirmes bien que tu es la cousine de Cédric? Oui, il m'a fait déjà touchement sexuel. Mais non, casse-toi. Casse-toi de là, toi. T'es malade, toi, quoi. Étant mineur. Oh ouais, mais j'étais mineur aussi, donc. Quelle horreur. Et donc, tu confirmes bien que tu es devenu. Maintenant, tu préfères les filles, quoi. Ah oui, que j'adore les filles, oui. Et les garçons, tu peux plus. Ah, j'ai terminé, les garçons. Mais depuis quand? Depuis que Cédric m'a montré son sexe. Non, je ne veux pas montrer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as vomi. J'avais 12 ans. Oh, bah, mais je vais te niquer, toi. Ah, t'as vu, il veut te niquer. Bon, que je pars, j'appelle la police, ben. Vas-y, appelle la police, ben. Que je vous souhaite une bonne soirée, vous dis à tantôt. À tantôt, Oribla. Et vive les Diables Rouges. Et vive les Diables Rouges. Merci Oribla. Bon, c'est bizarre par contre Samuel, parce que c'est bien passé entre vous et puis là tu as plus de nouvelles. Comment t'expliques ça? C'est parce qu'elle est gênée encore parce qu'il s'est passé entre vous? Ouais, je sais pas, franchement je pense que. Ou alors elle regrette. Elle a dû plus culpabiliser que moi. Et voilà. Mais le plus grave dans l'histoire, c'est que là, bon, aujourd'hui j'ai refait ma vie, j'ai ma femme, j'ai un bébé. Ah, ouais, t'as bien bossé toi. Bon, alors ma femme, voilà, c'est ma sœur. J'ai dû lui avouer la chose. Hein. Le truc, c'est que moi, je lui ai raconté cette histoire-là, quoi. Et du coup, elle, comme elle est psycho, tout de suite, c'est fouille complète de l'ordinateur, toutes les photos. Ah, mais ouais, mais t'es con aussi d'avoir raconté ça, toi. Ouais, fallait pas, ouais. Mais ouais, là, non, t'as déconné. Je suis sincère avec elle et je veux qu'elle sache tout, et comme moi. Ouais, mais ça, c'était avant. En plus, ça aurait pu la dégoûter de toi. Il y en a, ça les dégoûte vraiment. Hein. Sur les messages, il y en a qui sont. Oui. J'ai pas mal de problèmes. C'est vrai que la vérité, ça pose souvent problème. D'ailleurs, Oribla voudrait retémoigner. Allô, Oribla, oui, tu voulais rajouter à propos du dégoût. Tu avais quelque chose à nous dire. Oribla. Allô. Oui. Excusez-moi, que la friteuse était chaude. Oui. Il fallait que je sorte les frites. Le dégoût, tu as connu. Hein. Ah, le dégoût. Avec mon cousin Cédric. Oh, casse-toi. Qui, je vous le rappelle, m'a fait des attouchements sexuels. Mais là, c'est même pas. T'es vraiment un mytho. Hein. Une mytho. Ta gueule, toi, je vais te niquer, tu vas voir. Vous entendez? Attendez, il recommence. Ouais, il va encore te faire l'amour. C'est un entraînement sexuel. Toi, le jour où je vais te ramener mon oncle, tu feras moi le mal. Eh, on l'a eu la semaine dernière, il est rigolo, tonton. Ah, il est gentil, ouais. Fait des bonnes blagues. Ouais, bah ouais. Sympa. Ouais. Bon, moi, ce que je conseillerais à Jennifer, donc toi qui es avec ton cousin, t'es en train de tomber amoureuse. Bon, déjà, attends un peu. Oui, voyez comment ça évolue. Hein, de savoir si c'est vraiment de l'amour, tout ça. Ouais, c'est clair. Non, mais puis lui, il peut peut-être, pareil, à un moment donné, regretter. Oui. Comme toi, ça t'a fait, Samuel. Je pense qu'il faut qu'elle attende un petit peu quand même. Ouais, avant d'en parler, ouais, je pense aussi. Non, mais ça sert à rien, parce que pour le moment, ça a été du cul au final. Cassie, t'en penses la même chose, toi aussi, il faut qu'elle attende. Ouais, faut pas qu'elle attaque tout de suite, parce qu'après, ça pourrait vite être un regret si elle avance trop vite comme ça d'un seul coup, surtout si elle est attachée à lui. Non, faudrait pas qu'elle presse les choses. Après, elle peut toujours lui dire, c'est une expérience. Oui, mais après, pour la famille, on va attendre un petit peu. Ouais, c'est ça. La famille, je pense que c'est l'expérience. Mais pour la famille, il vaut mieux pas pousser, parce que, ouais, c'est chaud, hein. Ça pourrait mettre beaucoup de recul dans sa famille. Ah, ça peut foutre un bordel dans une famille. C'est clair. Et puis, c'est assez excitant de faire un truc caché. Ouais, enfin, avec ma cousine, moi perso, ça m'excite pas, Marie. Elle est complètement Là, il se trouve que c'est son cousin, mais bon. Vous savez que la zoophilie est interdite. Ah bon? Mais ça m'excite beaucoup. Yeah. Mais là, c'est pas interdit, là. Qui m'a copié à nos yeux de Vincennes ce soir? Non, Marie, mais je vais rester à l'émission, on a plein de choses à faire. J'ai une petite visite à faire. Mais oui. Bon, merci en tout cas pour les témoignages. Merci Cassie, on te fait un gros bisou, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Samuel, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Il y aurait moyen d'avoir dédicacé par toute l'équipe pour la peine. Pour la peine, alors bah, ouais. Pour la peine, oui. On va t'envoyer ça. C'est donc ta peine ce soir. On t'envoie ça à la maison. Et Samuel, pareil, on t'envoie ton t-shirt Skyrock. Merci beaucoup. Et où dans le 94, toi, Sam? À Fresnes, dans le 9-4. Eh bien, salut. Bon, salut d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à Fresnes. À prison de Fresnes, notamment. Ouais. Et à Fleury aussi. Et à Fleury. Bah, il y a tous les prisonniers. Et les prisonnières aussi. Exactement. Et pas Derka qui nous écoute aussi. Salut Derka. Le pote de Saint-Denis, ouais. Salut le poteau de Saint-Denis. Ah, t'inquiète. Salut. Et il fait les pizzas, lui? Non. Non, non, il fait pas de pizza, lui. Pourquoi tu veux qu'il fasse ça? Je croyais que c'était ses potes qui faisaient les pizzas, là, sur le terrain vague, là. Non, mais pourquoi tu fais ça en prison, lui? Bah, parce que c'est tellement. Ah, il est en prison! Ah, non, mais je sais pas, c'est tellement. Tellement immangeable, Romano. Mais t'as dit le nom après, donc. Non, mais justement. Justement. Pour empoisonnement, ils auraient pu se retrouver en prison. C'est ça. Avec les pizzas de Cédric, c'est clair, faire gaffe. Ouais, et coucou à la crime aussi, au passage. Et coucou à la crime, c'est vrai. Merci, Marie, d'y avoir pensé. Ouais. Bon, nous, bah, tiens, on y reviendra d'ici tout à l'heure au 41759 sur l'appli. Vous nous laissez vos messages si vous avez, des trucs à rajouter là-dessus, cousin, cousine. Et Jennifer, on te fait un gros bisou, merci pour ton mail. Vous pouvez nous envoyer des mails d'ailleurs à toute l'équipe. Diffoul@skyrock.com. Par exemple, alors si vous voulez écrire à quelqu'un d'autre, et absolument. Karim@skyrock.com. Vous voulez pas que je vois les messages. Romano@skyrock.com. Ou Cédric@skyrock.com. Non. Non, bah non. Cédric. Non, c'est Cédric. Non, c'est Cédric. Bah sinon, écrivez le belge@skyrock.com. Voilà, parce que c'est E sans accent, ça fait quoi? Ce. Bah voilà. Ouais, mais ça se prononce pas comme ça. Oh là là, je sais pas lire. Mais tout con qu'il n'y a pas d'accent dans les mails. Bah oui, mais c'est donc ça. T'avais qu'à prendre aussi un prénom sans accent. Voilà, c'est ça. Bah Romano, il n'y a pas d'accent. Prénom normal. Samy, il n'y a pas d'accent. Karine non plus. Marie. Momo, pas d'accent. Marie non plus. Pas d'accent. Je suis seul. Pas chier le monde. Voilà, avec ton prénom spécial, moi. Avec ton prénom pour. Ah, ça, t'es spécial, oui. Puisse dire. Ta spécialité physique. Bon, on prépare Jules là, tiens, on va écouter Jules dans un instant. Et on a, tiens, juste en parlant de, je vous parle de son parce qu'on a quelqu'un en direct de la fête de la musique ce soir. Ah. Benjamin qui est au Mans. Alors après les 24 heures du Mans ce week-end. Ah, c'est toi Benji sur les messages. C'est Benji sur les messages qu'on va retrouver. Alors vous nous parlez. Ah, très bien, ouais, parce que j'ai repéré son message, oui. Vous nous parlez. Ça peut être très très drôle. De vos fêtes de la musique. Le message que t'as repéré, dis-leur, Urbano. Non, en fait, lui, il a une chanteuse. Je crois que c'est une chanteuse de merde en bas de chez lui. Oui. Et il nous disait sur le message, le pseudo est prêt. Ah, donc j'ai dit à Karim, autant l'appeler, vraiment, éventuellement, si vraiment il en peut plus, qu'il vide le pseudo en direct. Et qu'on en profite tous. Cédric, tu veux pas faire une mission dehors, aller faire un petit tour pour aller voir comment se passe la fête de la musique dans le quartier? Vas-y, je vais m'équiper, tranquille. Tu t'équipes, si tu vois 2-3 meufs à draguer, t'hésites pas. Tu veux faire quoi dans la rue? Bah, je sais pas, je vais sortir, je vais voir ce qu'il y a à faire, tranquille. Très bien, mais c'est des instruments de musique, je peux jouer à un truc, tu sais, je prends un instrument à l'arrache. Ça va être super, ça. Vraiment, vraiment magnifique. Ouais, bah ouais. Ça va être beau, ouais. Donc, la fête de la musique, on va y revenir dans un instant. Donc, on prépare Cédric qui va sortir. Et juste avant, je vous avais présenté Gurvan. Je te prends, Gurvan, parce que t'as une question à poser aux auditeurs de Skyrock. T'es à Dinan, dans le 22, toi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, toi, tu t'es fait agresser par 5 mecs, et depuis, tu t'es dit, faut que je fasse quelque chose pour ne plus me faire agresser, et donc, tu veux trouver un sport de combat et tu sais pas lequel choisir en gros. Voilà, je suis pas forcément quelqu'un de violent, mais si tu veux, pour pouvoir me défendre, quoi, pouvoir. Tu vois, quand ils sont tout seuls, ça fait, mais là, les braves, ils étaient 5 et du coup. Raconte-nous comment ça s'est passé ton truc là. Bah, si tu veux, j'étais posé dans le Val-de-Marne là. Et parce que je roule pas mal. Et du coup, j'étais posé, il y a un gars qui m'a interpellé. Donc je suis sorti, je croyais au début qu'il avait un souci. Je sors et puis en fait il a commencé à me provoquer, tout ça. Et là, provoquer en disant quoi? Ouais, alors le gars, j'étais posé et il disait que c'était que j'étais mal garé et qu'à cause de moi il a vu un accident et tout ça. Ouais. Et quand quand je suis arrivé, moi le gars je l'ai déjà vu, il était déjà accidenté lui. Arnaque. Arnaque, tout à fait. Ah, bien vu, Romano. Bravo, bah non, mais bravo, mais qui est fort. En général, quand t'accroches quelqu'un, tu t'en rends compte quand t'es en bagnole. Exactement. T'entends un bruit, ça frotte, ou il y a quelque chose. Bon, quoi, il a dû tenter, tu vois. Il a essayé, il s'est dit peut-être c'est une victime, j'en sais rien. Quoi, ouais, il a dû dire, ouais, ça va peut-être marcher avec lui, c'est un pigeon, voilà. Voilà, tout à fait. Et du coup, sur le coup, je lui dis, bah non, que dalle, quoi. Il n'y a pas de constat à faire. Moi, je suis posé depuis tout à l'heure. Quand je suis arrivé, t'étais déjà là. Voilà, quoi. Donc le gars, pas content. Ça commence à hausser le ton. Donc moi, pareil. T'as rien demandé, tu tombes sur un casse-couille pareil. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ça, j'arrive souvent. C'est pas possible. Si tu veux, je suis pas quelqu'un de méchant, mais bon. Non, mais le mec, il vient t'emmerder. Pourquoi il y a des gens qui veulent pas prendre des bases de moi non plus, quoi. C'est vrai, pourquoi il y a des gens qui viennent te casser les couilles alors, parce que le mec, alors que tu leur demandes rien, mais qu'ils aillent se faire mettre. En voilà, ça ouais, c'est bien. Aussi, voilà. Ouais. Poli. Comment? En étant poli, ouais. En étant poli, oui. Et du coup, donc ça commence à chauffer. Et sauf que là, je m'aperçois qu'en fait, les braves, ils étaient 5, quoi. Ah. Vous voyez, ses copains qui se rapprochaient. Ouais. Et qu'on commençait à encercler la bagnole. Et donc là, j'ai senti le traquenard. Ils voulaient quoi? Ils voulaient piquer des bagnoles? Du coup, je pense, ouais. Et but, je pense. Ouais. Ah, but de qui? Attention dans le match la Turquie, qui oppose la République tchèque à la Turquie. Deuxième but de la Turquie ce soir. Burgur, burgur, burgur, quelle femme. Les Turcs, premier sur le foot, bien sûr. République tchèque, Turquie, donc 2-0 pour les Turcs. Ça veut dire qu'ils vont peut-être continuer l'euro. Peut-être, ouais, s'ils sont meilleurs, troisième. Ouais. Pas mal. Et l'Espagne et la Croatie, toujours un partout. On suit les deux matchs, on est à 65 minutes de jeu. Ça veut dire, Marie, pour arriver à la 90e, il en faut combien? Vas-y, calcule. Vas-y, me fais chier. 1h20, non? 1h15. Allez, 2h, allez. Allez, à la louche, 2h. Allez, louche, 2h. Bon, eh bien, on suit ça en direct. Il y a Morata qui sort et Aduriz qui entre. Ça, c'est pour les amis d'Espagne, c'est la Roja. Bon, Gurvan, donc après, et au final, c'est fini comment ton histoire? Alors, au final, quand j'ai vu qu'ils étaient 5, là, j'ai commencé un peu à paniquer. Du coup, j'ai poussé le premier. Ouais. Je suis re-rentré dans ma caisse et je me suis barré. Sauf qu'après, ils se sont mis à me suivre et tout ça. Ça a été limite. Donc c'était la course-poursuite dans les rues, tout ça? Ouais, tout à fait. Un cauchemar, t'imagines. Tu rentres chez toi, ouais, t'es tranquille et t'as une bande de cons qui te fait chier, qui en plus te poursuit. Tu devais rêver de tomber sur une voiture de keuf, non? Je suis pas trop flicaille, mais après. Moi, je suis bien flicaille. À un moment donné, c'est ça aussi, quoi. T'as 5 tarés qui t'agressent et qui te suivent en voiture. T'attends que ça. Ouais, voilà. Ouais, ou tu te gardes devant un commissariat. Plus penser, c'est à mes enfants, quoi. Mais tu penses que les mecs, ils allaient te sortir de la bagnole et. Tu pourrais remettre ton pantalon, s'il te plaît. Je pense que c'était le but, ouais. Je pense que le fait de l'accident, là, c'était un prétexte, et puis après. Ouais, vous voulez peut-être te piquer ta bagnole, hein. C'est possible. Cédric, pourquoi tu te fous à poil dans le studio? Ah, parce que j'ai froid avec la clim et tout. Mais t'as froid, mais t'es pas obligé d'enlever ton jean quand t'as froid, t'es bizarre. Oh là, j'ai froid, je me mets à poil. En général, on fait plutôt l'inverse, on met un autre truc en plus. Oh, et quand j'aurai chaud, je mettrai une dudune. Voilà, je vais mettre ma dudune cet été sur la plage. Ah, tu sais comment j'ai repéré que t'avais enlevé ton pantalon? Ça puait. Ça sentait le poisson. Ouais. Non, je suis retourné, t'étais en train de nous raconter les mecs qui te suivaient, là, tout ça, Gurvan. Tiens, là, on s'est dit, tiens, il y a une poissonnerie qui a ouvert. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est Samy, il a ramené du poisson de Marseille. Ouais, ça sentait la crevette, hein. Ça sentait la crevette. Ah, j'ai ramené les sardines. Ça pue la sardine. Non, et ben, je me retourne et je vois Cédric, le pantalon baissé. Mais t'es ouf, toi, de mettre baisser ton pantalon devant tout le monde comme ça. Non, mais je remettais mon t-shirt à l'intérieur. C'est bizarre la façon que tu mets ta ceinture, le Belge. Il galère. Hein. Je la sers. Il rentre le cran, mais il galère à la mettre. À la limite, il faudrait un camion qui tire un câble et tout. Je sers ma ceinture. Tu m'as fait peur, Cédric. Pour enfiler un pantalon, il faut deux grues. Je croyais que tu voulais montrer ton zizi à quelqu'un de l'équipe. Non, ça va aller. Regarde en face de moi, regarde ce que j'ai entre les cuisses. Bite sale. Non, mais je me prépare pour sortir, je me fais beau glace. Ah oui, c'est vrai, faites de la musique, on va y revenir. Donc, Gurvan, depuis que t'es arrivé cette histoire, tu t'es dit, bon, au final, t'as réussi à t'en sortir sans problème. Ouais, voilà. Non, mais t'as le bon réflexe, c'est de te barrer. Ouais. Ah oui, t'as bien fait. Ouais. Et donc, ce que tu cherches, c'est un sport de combat pour essayer d'éviter ce genre de truc. Quel est le sport de combat qu'il faut choisir? Je m'adresse à tous les sportifs. Ça s'appelle du carjacking, ce qui lui est arrivé, Anthony. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que n'importe quel sport de combat, les mecs, s'ils sont 5 contre toi, tu trompes-toi, Romano. Moi, je me suis déjà tapé une bande de mecs, ils étaient au moins 15-20, voire même 25. Un mec qui maîtrise genre le MMA ou le Krav Maga. Voilà, mais je vous l'ai dit hier, je fais MMA Krav Maga. Je fais ma Krav Maga. Moi, je fais du Krav Maga. C'est ça. Fais de la boxe, nous dit Clem du 83. Oui, mais d'accord. Mais pour la défense. Non, mais je veux bien que, par exemple, un mec, il arrive à sécher 5 mecs. Voilà. Comme dit Foul, évidemment. Voilà, dis-le. Dis-le, les Italiens, ce que je leur ai fait en Sardaigne quand ils voulaient te voler tes sous. Patate. Ouais. Romano arrive dans une boîte, à l'entrée de la boîte. À ce moment-là, le mec ose demander à Romano de l'argent pour qu'il puisse rentrer dans la boîte. Je me suis dit, lui, il veut l'agresser. Il va y avoir un embrouille. Lui, il veut lui piquer sa thune. Là, à ce moment-là, Romano me fait, vas-y. Et là, penalty pour l'Espagne. Et Fraya, et penalty pour l'Espagne. Et penaltos. Bon, merci pour les messages. Je vois les messages de vos sports. La self défense, on nous dit assassin du 92, 15 ans. Ah, pour finir ma karaté. Quoi donc? Ouais, comme tu as Samy, tu disais. Et on va suivre le penalty après. Bon, un mec comme Difool, effectivement, peut défoncer 5 mecs. Mais même c'est bien, Romano. Bonne chance pour ton clash de demain. Merci. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oui. Pour récupérer des voix. Non, et Gurvan. Mais le problème, c'est Gurvan, même s'il démarre la boxe, au bout de 2 mois, il y a 5 mecs qui se pointent, il se fera dérouiller quand même. C'est quoi. Des années d'expérience. Ah, le truc, si tu veux, c'est je suis pas, tu parlais de crevette tout à l'heure, je suis pas une crevette. J'ai jamais eu besoin de me battre, si tu veux. Ah non, mais sans dire que t'as Tu sais que moi non plus, à part quand on m'agresse, quand on agresse les amis. À chaque fois, tu vois, quand ils sont un, voire deux, au pire, je prends les devants et j'ai jamais mis un coup de poing. Je mets toujours des baffes, moi. Et, finalement, ça les calme. J'adore et... me prendre des baffes ou même des biffes. Des biffes. Essaye la biffe la prochaine fois. Ah, une bonne baffe, ça fait aussi mal qu'un coup de poing. Oh, tu sais qu'une bonne biffe, enfin, tout dépend de ce que t'as entre les cuisses, mais une bonne biffe, ça peut être pas mal non plus. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, il y en a qui. Il y a des amateurs. Moi, non, mais peut-être dans l'équipe, je sais pas. Karim, peut-être. Effectivement. Non, moi ça va aller. Le tour est passé, tu peux y aller quand même. Ah non, mais c'est bon, non. C'est allez, les gars. Match de foot à suivre. On va suivre le pénalty là. Les Espagnols qui sont parmi les favoris. Je viens d'ailleurs, les Espagnols. Trop fort, la Croatie. Parmi les favoris, on va suivre. Espagne, c'est là. On suit le pénalty. Allez, pénalty, qui c'est qui tire? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Et non, il loupe. Il s'est raté, Il a tiré sur le goal. Enfin, le goal l'a arrêté. Le goal a fait une petite danse après. Oui, il a fait une danse avant pour le déstabiliser, ça a marché d'ailleurs. Ouais, il a dansé juste avant, comme tu le dis, Marie. Le gardien croate qui arrête le péno de Sergio Ramos. Pile dessus, Eh ouais, pile dessus. Il danse. Il aurait pu tirer mieux que ça aussi. Il lui tire vraiment. Il lui tire, non, mais il lui tire quasiment dessus. Ouais, ouais, quasiment dessus. Bon, après le goal. Bon, il a fait le beau geste. Bon, le goal l'a arrêté, il est content. Hey, Croatie 1, Espagne 1, 71 minutes de jeu. Et lui, c'est Omar dont on vous parlait, le mec de Bean. Écoutez. Omar dans la course, c'est parce qu'il ensuite doit maîtriser. Le moment où il va frapper et visionner en même temps. Mais c'est qui je vois? C'est un espagnol. Non, argentin. C'est argentin, un ancien joueur. Il parle espagnol, quoi. Non, c'est pas non plus. On peut pas dire. Bon, un partout. On peut pas dire que. Hola. Bon, et dans l'autre match, il y a 2-0 pour les Turcs. C'est bien les Turcs, oui. Vous arrivez à vous en sortir, c'est pas mal. Pas mal, Bon, allez, reviens à vos sports. Les sports pour se défendre. Allez-y, faites-nous signe ce nouveau message. Et lui, il arrive. Tu nous ferais une démo du full ou pas? Tu sais que j'ai une tendinite. Ah oui, c'est vrai. Autrement, je vous aurais bien fait un petit peu de MMA ou alors du Ultimate Fight. Ouais, Si tu veux, je te prête ma cage. Si tu veux. Et Cédric, tu files à la fête de la musique dans un instant. Attention, allez, vas-y, j'y vais. Dans la rue. Et on devait retrouver. Il est où, Alexandre, d'ailleurs, de la fête de la musique? On l'a perdu. No. Ah merde. Il faut plus, Il est peut-être allé snapper la meuf qui chantait du Céline Dion. Ouais, ça y est, il a craqué. Bon, allez, on y revient tout de suite avec Jules pour le son. C'est Emotion sur Skyrock. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le football! Champion, mon frère! Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Ouais, et vos places à gagner sur Skyrock, les places pour aller voir Rihanna, c'est évidemment en exclu sur Skyrock. Ça pue pas le gaz. Il y en a 400. Ça pue le gaz. Cédric ? Ah non, il est pas là. Non, c'est pas Cédric Romano. Ah non, c'est mon micro qui. Ah d'accord. Okay. Non, j'ai parlé dedans. C'est ta bouche, c'est pour ça. Ouais, Cédric, t'es pour rien. Tu peux. Excuse-moi. Prépare-toi pour la fête de la musique là. Allez. Allez, Jules. Ah bah tiens, ça marche plus non plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Romano? C'est bon. Tous les soirs, 10 full radio libre, 0153 40 30 20. Voilà, et tout marche. Et Jules aussi, à découvrir dans Planète Rap, 20h-21h. Il vient nous voir dans la radio libre aussi cette semaine. Si vous voulez lui parler, vous pouvez déjà nous laisser vos messages pour Jules. On l'écoute avec Emotion sur Sky. C'est Jules sur Skyrock. frappé R&B non-stop. C'est Jojo Jules sur Skyrock. Frappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas que terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour eux je serais jamais du. Faut que je les lisonne. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Nager dans l'eau, faut pas qu'on me laisse seul. J'suis parano, faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. Et ouais, merci d'être là tous les soirs, c'est Radio Libre et merci pour les conseils que vous donnez. Alors les conseils pour Gurvan qui après s'être fait agresser par 5 mecs veulent s'lancer dans des sports de combat pour se défendre. Et sports de combat ou de défense, plus de défense à la limite pour bah self-défense, moi ça j'en ai fait moi. Alors Romano, oui, alors Romano, en effet, nous avons avec nous un des champions de self-défense, le champion Saône-et-Loire. Non, je dirais pas 2000, champion. 2018. Non, je dirais pas champion, mais non mais j'en ai fait. Vous avez pas fait ça au bahut? Genre là si je viens, je te mets une patate, tu fais quoi pour te défendre? Là, là je mets mon bras. Regarde, attends. Tu mets ton bras, mais comment tu mets ton bras? Ah, attends, attends, petite démonstration. Donc, Karim arrive face à Romano. Non, mais fais gaffe, non, mais fais gaffe, parce que je t'explique en ce moment. Est-ce il m'arrive, patate pour de vrai, il m'arrive que des merdes. Donc, si tu pouvais éviter de me défoncer la gueule réellement, tu sais. Vise, non, mais vise. Et n'oublie pas, il a des lunettes, hein. Non, mais vise de manière à ce que tu me touches pas le visage. Ouais, Gurvan, qu'est-ce que tu dis, Gurvan? Je disais, ouais, attention à ses lunettes, ce que j'allais dire. Non, non, mais attention à ma gueule. Tu vois, je te dis, parce que, en ce moment, je suis un peu Monsieur Schkoumoun. Donc, si je pouvais éviter, en plus, d'avoir des dents au moins et le nez fracassé. Ah ouais. Et plus de lunettes également. Aussi. Bon, alors, vas-y. Alors, Karim, donc, tu arrives face à Romano. Hop, hop. Oh, bien joué, il lui prend la main. Karim voulait l'agresser, il lui fout un coup de poing, il lui prend la main. Attends, là, il lui prend la main, mais le problème, c'est que. Coup de pied dans les couilles. Et voilà. Coup de genou dans les couilles. Non, non, mais en fait, moi, j'avais un prof de sport et en fin d'année, il nous avait donné, tu sais, les deux derniers cours, genre on avait fait ça, tu vois, lui il était professionnel, c'était un ancien militaire. Ouais. Commando. Un ancien commando, c'était un barge le mec. Je me souviens des scripts, on faisait les cons, on faisait Zorro, tu vois. Zorro. Non mais tu sais, à quel âge en terminale? Non mais ouais. Ah ouais, tu faisais Zorro en terminale? Non mais tu sais, on faisait les cons, tu sais, avec les sabres, on s'en mettait des coups sur la gueule et tout. Et lui, ça le rendait ouf. Et cet enculé, il arrivait, tu sais, on avait l'habit blanc moche là. Ouais. Et il arrivait, tu sais, il nous mettait un coup de sabre, mais genre sur la poitrine, mais ça nous niquait. Ah, il faisait fait mal les petits les petits troufions, hein. Et mec, il rigolait. Ils appelaient comment? Les trous du cul, les troufions? Les traits de couilles. Les traits, ah, c'est ça. Les traits de couilles. Les traits de couilles. Les traits de couilles. J'étais à prendre à jouer avec le matériel. Mais tu sais, on faisait les cons, on mettait des. Genre, on faisait tu sais, comme dans Star Wars, ouais, c'est combat de sabre et tout, quoi. Et lui, il aimait pas. Et donc, du coup, les deux derniers cours de l'année, ce mec-là, vu qu'il c'était un timbré de l'armée. Ouais, a priori, oui. Ouais, et ben, il nous avait montré des cours de self-défense, tu vois, les trucs de, les trucs de base, quoi. Oui, oui. Ah, ben, ça peut servir. Difool, tu as un gros sabre. Oui, je sais, merci pour... Mais vous faites des avances, c'est de la folie. Ah, merci, bah, c'est très gentil, la Belge qui nous laisse un message. Bonjour la Belge, c'est pas que tu n'es pas la cousine de Cédric qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. C'est vrai. Mais je t'embrasse, salut, la Belge du 59. Oui Marie. Mais nous on a un mec qui s'y connaît bien là-dedans, Yovan de la Sécu là. Tu sais où il faut appuyer et tout dans le cou, machin. Là. Il oui, alors, une Yovan fois. De la Sécu, ouais, c'est celui qui a failli coucher avec Pamela l'autre soir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. T'as failli te prendre la bite de Yovan dans le cul, Romain. Mais oui. Il s'y connaît bien pour ce genre de truc. Hein. La bite dans le cul? Non, pas la bite. Ah, d'accord, ça va, il l'a déjà fait avec moi. Non, mais Marie, entre nous, je pense que c'est une baltringue. Ah, je te dis, comme je pense. La sécu de Skyrock. Tu vas avoir des problèmes. Bah alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? On a Tiben qui est au téléphone avec nous. On fait vite ça. On aura la traduction des bugs de Romano avant 11h. Je fais découvrir le premier. Maillot ou jeu au choix à gagner. Voilà, vous avez le droit de m'insulter si je le fais pas à 11h. Avant 11h, il est 22h38. Pile. Connard. Non, mais avant. Ah, merde. Si je le fais pas avant 11h. Voilà. Alors, Gurvan, pour toi, déjà tous les messages que vous nous laissez. Tiben au téléphone en direct d'Arpajon. Ça, je connais ça, Arpajon. Dans le 91. C'est ça. Ouais. Tiben. Salut Tiben. Salut, bonsoir tout le monde. Salut à toi Tiben. Alors. Bon bah j'ai appelé pour par rapport un peu au sport de combat dont vous parliez, etc. Toi aussi tu t'es fait agresser, on nous a dit, non? Comment? Marie m'a dit que tu t'es fait agresser toi aussi un peu. Bah pas agressé, mais à la différence de. Ah. Alors j'ai pas retenu son prénom. C'est Gurvan, oui, je sais, c'est un prénom breton, Gurvan, ils sont bizarres, nos amis bretons, ils ont des prénoms chelous. À la Gugu. Différence de lui, moi je serais plutôt dans le gabarit de Romano petit, par contre je suis pas gros, moi je suis bien. Non mais moi non plus, je t'emmerde. T'es quel connard ce Tiben. Je suis désolé de te le dire, mais je ne suis pas gros. Tu mesures combien Tiben? Comment? Je fais 1m72 pour 70 kilos, tu vois. Ah ouais, t'es déjà largement plus grand que Romano. Tu lui manges la tête sur le crâne chauve. Mais ça veut dire quoi, ta phrase de merde? Bah, tu lui manges la soupe sur le crâne chauve. Ouais, c'est ça. J'ai dit quoi, tu lui manges la tête? Mais le fait d'être petit, en général, on croit que, tu vois, on va dire que c'est plus facile de t'atteindre et, pas forcément. Du coup, moi, j'avais tendance à être nerveux et au contraire de faire, non, mais le petit, comme on dit. Faut s'en méfier des petits parce que tiens, voilà, tu attaques Romano, tu es face à lui, il te fait un coup de boule, il te casse les couilles. Il te castre, il te les dans les baloches, quoi. Et ouais, coup de boule dans les couilles. Ouais, les vois ça, mais venant de lui, ça serait assez petit, c'est bien le genre à faire ça en plus. Ah non, mais alors moi je vais te dire un truc, je me fais agresser dans la rue, je n'ai aucun scrupule à taper dans les couilles du mec. Ah bah moi non plus. Et quitte à ce que je lui éclate une couille. Ah Brenna, ah, j'en ai rien à foutre. C'est tous les coups sont permis, le mec. Tu peux le faire. Après s'il a mal. Non mais ça c'est Noé qui a. Tu lui lèches les couilles comme ça. C'est le risque qu'on fera, c'est que si un jour ça m'arrive et que éventuellement je tape dans les couilles d'un mec, je t'appelle pour lui sucer après. Ok frelon. Mais blague à part, par rapport au sport, moi j'ai commencé la boxe française il y a un peu plus de il y a 2 ans maintenant. Et comme je disais à Marie, en fait, ce qui est bien avec les sports de combat, la boxe française, c'est du pied-point. Donc déjà, c'est tu peux jouer avec les pieds, avec les pieds. Parce que la boxe anglaise, c'est juste anglaise, que les points. C'est que les points. Et puis t'as pas le droit de taper dans les couilles. Après, la boxe américaine, mais c'est un peu différent. Mais boxe française, et puis après, c'est surtout que en dehors du fait que tu te mettes à fond ou pas dedans, c'est que ça va te permettre d'appréhender certaines situations différemment par rapport à avant. Bizarrement, je suis beaucoup moins nerveux en fait. Tu es beaucoup moins nerveux. Tu apprends à maîtriser les nerfs. Tu canalises. Tu vas pas aller te. Tu vois, c'est un peu comme donc l'auditeur. Tu vois, ils sont 5 à lui tomber dessus. C'est un peu des baltringues. Demain, ça, c'est comme clair. Si toi, tu faisais un sport de combat et que, du coup, tu fais exprès de t'en prendre à un gars qui en fait pas, pauvre techno dans la rue. Il y a aucun intérêt, tu vois. C'est. Non mais encore là, c'est 1 contre 1. Là, c'est 1 contre 5. C'est vraiment des enculés. Ouais, mais bon, c'est comme si t'essayais d'enrhumer Romano. Tu vois, ça serait pas du jeu. C'est. Romano, il dit qu'il faut pas taper. Non, bah non, bah, faut gentil. Bah, non. J'ai rien demandé, moi, de. Non, ne me tapez pas. Mais je pense que tout le monde devrait essayer de faire un sport de combat. Il y a des journées exprès qui sont organisées à la rentrée au mois de septembre où, en général, on peut toujours tester. Ouais, mais je sais pas, moi, je me sentirais ridicule. T'imagines. Ça. Ouais, je sais pas, tu m'imagines en kimono. Non. Ah, non. Non, mais. Et t'as fait du judo, t'as été en kimono. Tout le monde a commencé comme ça. Tout le monde. Donc, oui, mais d'accord, mais je serais ridicule, quoi. T'as déjà été en kimono, tu faisais du judo et tu nous as expliqué que ça puait des pieds, le tapis. Ah ouais, voilà. Bah ça c'était pareil, c'était au bahut, ouais, je faisais judo. C'était que les mecs balèzes qui me prenaient, les mecs ils me faisaient voler, mais dans toute la salle. C'est, ouais, c'est comme dans les dessins animés. Après, tu vas dans un club, justement, on va mettre les débutants ensemble, tu vois, on va justement déjà, il y a des catégories de poids, on va mettre du même niveau. T'as Romano, il volait en fait dans la salle de judo. Ouais. Ah, tu sais, à l'arrivée dans la salle, t'avais un mec qui était là. Oh, c'est ça, mouette. Non, le truc que je détestais, tu sais, au judo, c'est quand il t'attrape le bras là et qu'il te passe par-dessus les épaules. Cette prise là, c'est ça là. Pop. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux te la faire, Romano ? Non, laisse tomber, ça va me rappeler le bahut, ça va me traumatiser. Tibet, toi qui es un spécialiste, c'est pas comment elle s'appelle cette prise, tu sais, tu prends le mec, tu lui prends le. C'est pas House Autogari ou je sais pas quoi, non ? Si, je crois, House Autogari ou un truc comme je ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est une des prises basiques. Hein. Mais j'ai un pote qui en fait, et si on parle de la même chose, cette prise là, elle est interdite maintenant, si je me souviens bien. On en a parlé il y a 15 jours avec un pote qui a fait du judo pendant 14 ans et c'est interdit maintenant. J'ai fait du judo jusqu'à l'âge de 14 ans, moi j'étais ceinture noire. À 14 ans, ouais, il a commencé direct ceinture noire, il était trop fort. Trois dates, non mais j'ai fait direct. Du judo moi aussi. Bah moi ça dépendait des semaines parce que je choisissais la couleur que je voulais. Voilà. Des fois je prenais noir, tu vois. Wow. Allez faire, il y a bien des mecs à 40 ans, ils commencent hein, chez nous, hein. Donc vous pouvez y aller. Hein. Ouais, non mais moi ça va, j'ai 21 ans. Donc, ouais. Bon alors on te conseille, écoute bien Gurvan, et puis dis-nous ce que t'en penses aussi, hein, Tibène. Bah full, t'es éternel. Toi, je te connais depuis que je suis éternel, tout petit. Éternel, tu vieillis pas. C'est bien ça. C'est beau ça. T'es un dieu. Quoi. Éternel, un dieu vivant. Ouais. Non, c'est ta Marie, elle est calbée, elle dit n'importe oui, quoi. Oui, non, elle est super. Jésus, Marie-Joseph. Jésus, voilà. Tu es là, Jésus. Oui, je suis là, Marie. Regarde, je marche sur l'eau. C'est pas vrai. Tu veux pas marcher sur de la bière. Ouais, et après je la bois. Et après, c'est je la bois. Un lac de bière, quoi. Alors, non, c'est pas, j'ai commencé la radio jeune. Je suis pas vieillard non plus. Ouais, t'avais une petite voix. Et pour la prise, alors on nous dit soit gauchi. Ogoshi. Je crois pas que c'est ça. Hippon. Non, c'est pas ça, c'est quand tu passes pas la jambe au milieu des. Ouais, c'est quand tu fais tomber. Ouais, Taiyotoshi nous dit à 580. C'est pas aux Okotari ou c'est vrai, c'est aux Okotari, ça me dit quelque chose. Aux Okotari, ouais. Ah bon, non, aux Okotari. C'est pas Hippon, c'est Onage. C'est pas ça, non. Ah, vous mettez à menu M3, vous. Ah, c'est peut-être ça. Oui, merci monsieur Chang. Alors, tu crées ça les Nem crevette. On prend la totale, allez, Nem crevette. Gurvan et Tibet, dites-nous ce que vous en pensez, les propositions que vous avez laissées. C'est plus de la Croatie, les. Et voilà, les Croates. Putain, les Croates qui vont battre les Espagnols. 7 euros nous réservent des surprises exceptionnelles. 2-1 pour la Croatie face à l'Espagnol. Ça, c'est vraiment la surprise de la soirée. Quand le match a démarré, je me suis dit, les Espagnols, ils vont tout déchirer. Mais non, jamais, t'es ouf, quoi. Mais la Croatie, écoute, la Croatie, moi, c'est mon favori depuis le début, la Croatie. La Croatie se démerde bien. Enfin, c'est favori, on va t'emballer. Si, je l'avais mis sur les réseaux sociaux, moi, au début de l'Euro. Ah ouais? Moi, c'est mon équipe surprise sera la Croatie, ouais. C'est celle qui joue le mieux avec l'Espagne, et donc là, ce soir, c'est. Vous avez dit également le Portugal, hein. Non, ça, c'est pas vrai. Non, j'avais dit que personne ne parlait du Portugal. Ah, tu vois, t'avais dit le Portugal. Ces Marseillais sont d'une mauvaise foi. Non, j'ai jamais dit le Portugal. Non, j'ai dit personne ne parle du Portugal, je trouve ça bizarre. Mais pour moi, les favoris, c'est. T'as vu pourquoi? Allemagne, on parlait pas du Portugal jusqu'à présent. Ouais, en finale, ouais. Ah, viva Portugal! Oui, viva Portugal. Mais là, trop fort, la Croatie. Viva Portugal. Les Espagnols, il leur reste combien de minutes pour. Là, 3 minutes. 5 minutes, ouais. Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. À l'Espagne! Hey. Je sais bien qu'il y a plein d'Espagnols qui nous écoutent et qui soutiennent. Et les Croates sont bouillants, ils sont contents. Bon, mais ça veut dire qu'ils passent premier du groupe, là, les Croates? 5, 6, 7, faut voir la différence de but. Ah si non, ils passent Romé, c'est vu bon, qu'ils ont 6 points les Espagnols. Ils ont 6 points. Bah, ça veut dire qu'on va se retrouver avec l'Espagne en 8e de finale. Non, parce que nous, ça va faire Italie-Espagne. Non, peut-être. Là, ça s'est réduit les choix. La France peut tomber soit contre l'Irlande du Nord, soit contre la Belgique, soit contre l'Irlande, soit contre la Suède. D'accord. Ah. Et c'est pas les Italiens qui peuvent se retrouver contre l'Espagne en 8e avec. Alors là, tu m'en demandes trop. Je crois que c'est ça. Déjà, j'ai dû faire les calculs pour te sortir 4 adversaires potentiels de la France. Et c'est sur quoi les plus simples? Les moins bons. Putain, c'est chaud, la Suède, je pense quand même. Ouais, avec Zlatan dedans. Ah, même l'Irlande. Quand Zlatan arrête sa carrière, d'ailleurs. Ouais, international, il l'a dit. Ouais. Carrière internationale, c'est son dernier match, peut-être demain. Peut-être, voilà. S'ils se font éliminer, dernier match de Zlatan demain. Ça. Il joue contre qui, la Suède? Demain, il joue contre la Belgique. Non, il joue pas contre la Belgique. Faut pas que la Belgique, faut pas que la. Ah, si! Si, contre la Belgique, il me semble. Si, c'est sur la Belgique. C'est un bordel, ces tableaux-là. Il y a un joueur belge, il a dit demain, il va prendre la retraite à Zlatan. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que à 7 euros, il y a plus d'équipes que l'euro précédent. C'est ça, ouais. Il y a la limite de plus. C'est le bordel, ouais. Non, mais c'est bien, je trouve. Comme ça, t'as plein de monde, t'as plein de touristes, c'est sympa. Ouais, bon, alors, Belgique à Nice demain. Revenons à nos. Et c'est demain soir? Ouais, 21h, ouais. Parfait, ce sera pas dans l'émission. En même temps que le match de l'Italie et de l'Irlande. Et bon, demain, une soirée de faux. De folie. Et attention, Carmelo qui nous sort des stades de ouf. La France a beaucoup de chances de jouer un troisième de groupe 9. Ouais, c'est ça. 9 chances sur 15, il nous dit. Ouais. Ah, c'est ce que j'ai dit. Donc, tu sors les 4 équipes que j'ai dit, quoi. L'Irlande, la Belgique, l'autre équipe d'Irlande et la Suède. Ouais. Et les Croates sont premiers pour l'instant. Ouais, c'est ça, 7 points. Ouais. Magnifique. Bon, alors, c'est pas fini, en tout cas. Les Espagnols vont essayer de marquer un but, évidemment. Bon, et sinon, pour l'autre match, c'est 2-0 pour les Turcs face à la République tchèque. Yes. Revenons à notre sport. Et juste après, on a Alizé qui nous appelle au secours. On te retrouve tout de suite, Alizé. Ça va, ma chérie? Ouais, ça va pas. Voilà, oula. Oula, merde. Pauvre. Non, mais vous comprendrez pourquoi ça va pas, mais alors pas du tout, Alizé. On va te retrouver tout de suite, tu bouges pas, ma chérie. Sport de combat. Lequel sera le plus adapté pour Gurvan quand on se fait attaquer par 4 mecs? Vous nous avez proposé plein cinq de trucs. 5 mecs, c'est vrai. Ouais. Oui, bon, de toute façon, quand on est à 4, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu me parlais de boxe, toi, Tiben? Ouais, bah la boxe française. Après, il y a le Krav Maga qui monte. Alors le Krav Maga, c'est un plaisir que tu parles de ça, Tiben, parce que je pensais à ça, moi. Le Krav Maga, j'en avais vu deux. Mais il y a plein de messages pour le Krav Maga. Xavier Vandamme, Krav Maga. Jagger Mister qui nous fait le Krav Mada ou le Pancrace. C'est quoi le Pancrace? Moi, je connais les pancakes. Les pancakes. Ouais. Le Pancrace, c'est vraiment petit déj. Tu connais le Pancrace, Ben? Comment? Le Pancrace. Pancrace. Je me demande si c'est pas un dérivé du Krav, justement. Parce qu'il y en a, pas mal de nouveaux sports qui arrivent. Après, le problème du Krav, c'est un petit peu, déjà, t'as droit à tous les coups, ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, c'est plutôt, justement, c'est toi, vrai, quand t'as à défendre, tu réfléchis pas. Défensif. Oui, alors, monsieur l'agresseur qui voulait me voler ma voiture et me casser la gueule, je ne vous taperai pas dans les couilles car c'est interdit par les règles. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt, tu vois, défensif. En fait, tu te sers plutôt de l'attaque de l'assaillant pour, justement, le contrer. Et moi bien, c'était ça. Pas trop ouais, mais après tu vois, je trouve que imagine demain, je trouve que le réflexe qu'il a eu, c'est moi, plutôt, tu vois, t'en mets couilles, une à bah voilà, t'en mets un direct au premier, tu te barres, ou après si t'es chaud bouillant, pourquoi pas taper les 5, mais c'est chaud, quoi. Ou alors il y avait une technique qu'avait donné Cédric qui était pas mal. C'est le mec, tu lui craches à la gueule, il a le réflexe de s'essuyer la coup de genou dans la gueule. Note bien Gurvan, t'as regardé les films de Bruce Lee, lui. Au final boxe française, j'y avais pensé, j'avais pensé au Aïkido, mais l'aïkido, je crois que c'est plus la maîtrise, la maîtrise, quoi, de l'adversaire. Ce que disait justement Tiben, là, c'est tu utilises un peu la force de l'autre aussi, quoi. Ouais. Et ouais, c'est quoi le sport, là, avec le bâton, là? Le jiu-jitsu. C'est normal, Aïkido. Romano. Non, mais non. C'est du golf. Aïkido, ouais, c'est un club. Tu le fous un coup de club de golf dans la gueule. Ouais, c'est un super sport de combat. Aïkido, c'est pas le Kwan-Kido. Non, t'as le kendo. Kendo, c'est avec une espèce d'épée en bois, là. Ouais, une espèce de. Ouais, c'est ça, oui, une espèce de bâton. C'est du kendo. Il y a du jujitsu aussi avec le bâton en bois. Ça, c'est le truc des ninjas. Donc, Krav Maga, ça revient beaucoup. Le Muay Thai ou un fusil, nous dit. Diffuse pas de fusil. On n'a pas le droit, on n'est pas aux États-Unis. Tu n'es pas Donald Trump, man. Qu'est-ce que vous pouvez nous prendre? Je faisais un peu de nunchaku. Nunchaku, mais bien sûr. Tu te prenais dans la gueule. Ah ouais, mais des coups comme un. Mon père, il m'en avait fabriqué un, tu sais. Tu t'étais défoncé la gueule tout seul? Bah ouais, parce que tu sais, j'avais pas envie de lâcher, ça coûtait trop cher. Ouais, tu vas me dire, ouais, c'est vrai. Et parce qu'en plus, il savait que j'allais m'en servir trois fois. Ouais. Et donc il avait pris non mais il avait bien fait, deux bouts de bâton avec une chaîne de vélo. Une chaîne. Une chaîne wifi. Il y a un truc par rapport au sport, dans la gueule. Qui est important à faire, c'est pas de s'arrêter au premier club, c'est d'en faire au minimum deux ou trois quand c'est le début d'année. Parce que d'un club, tu parlais tout à l'heure de boxe thaï, j'ai été voir. Chaque coup, c'était dans mon jardin. C'était pas du tout. Ouais, mais il faut tester des clubs différents. Oui. Et je faisais de lancer de l'étoile de ninja aussi sur ma porte de garage. Ah ouais, tu fais Shinobi, quoi. Mais à un moment donné, je me prenais pour Shinobi. En fait, Romano se prenait pour Jackie Chan. C'est ce que j'allais dire. Pour Jackie Chan. Ou alors pour Bruce Lee. Ouais, bah, carrément, ouais. Ouais. Il y a un truc auquel on n'a pas pensé, parce que vous dites jiu-jitsu, etc. Mais un truc auquel on n'a pas, UFC aussi, mais l'athlétisme. Ah, parce que tu cours vite, toi. Bah ouais, c'est pas mal, ça. Alors, inscris-toi aux 400 mètres, mec. Fais de l'athlétisme. Et c'est quoi le Muay Thai? Nous dit, c'est comme la boxe thaï. Comme la boxe thaï, ouais. D'accord. Et ouais. J'ai vu ça la dernière. Mais c'est pas bien, genre les bonbons au poivre, tout ça là. Les bonbons au poivre. Non, les bonbons au poivre. Ah, tu voulais manger un bonbon au poivre. Et les trucs là, tu sais, genre comme les bonbons. Tu lui balances un Haribo dans la gueule, une fraise Tagada. Allez, tiens, je te jette ma fraise Tagada. Et si tu es vraiment méchant, je te lance un ourson. Oui. Ou comme Carriole une fois qui est arrivé avec une fourchette et son poivre. Non mais en même temps tu te prends du poivre dans les yeux, tant moins t'as le temps de te barrer. Hein. Ouais ouais. Alors Krav Maga ça revient beaucoup, c'est ce qui revient le plus hein, d'ailleurs. Ouais, pour, ça c'est un sport de l'armée israélienne ça. Vous êtes d'accord avec moi sur le sport qui revient le plus? J'ai boxe, Krav Maga, c'est Krav Maga, mais ouais. Vraiment beaucoup Krav Maga. Beaucoup, ouais. Après Krav Maga. Krav Maga. Il paraît que c'est un peu chiant à faire ça. Ouais. Non mais il a raison, Tiben. C'est plus efficace. Prends aussi celui que tu préfères. Si tu préfères, si t'as envie de faire de la boxe, mets-toi dans la boxe. Si t'as envie de faire du karaté, mets-toi dans le karaté. Français, ça paraît assez complet. C'est ce que fait Tiben. Bah, ouais. Écoute, fais ça. Non mais sinon l'agression dans la bagnole, si t'as le cric à proximité, quoi. Voilà. Tu non, fais du cric. Non mais sinon, ouais, avec une manuelle. Mais bon, tu vois, je vais pas promener mon chien tout le temps dans la bagnole, quoi. Non mais oui, non mais sinon, je te dis, la manivelle, un coup de manivelle dans la gueule, le mec il va pas y revenir. Manivelle. Ça c'est possible. Mon père avait failli foutre un coup dans la gueule. Un coup de manivelle. But ouais, mais non, pas but. J'ai cru que c'était chaud. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait. C'est fini pour le match. Ouais. Et c'est fini. Ouais, oh, victoire de la Croatie. Voilà. À la dernière minute, l'Espagne a failli marquer. Ouais, c'est clair, dernière seconde. Dernière seconde, ils ont failli marquer les Espagnols. Dégoûtés les Espagnols. Ouais. 2-1, ils ont perdu contre la Croatie. Voilà pour les résultats du foot ministique, bien sûr. Oh là, Espagne, mais ils sont qualifiés pour la suite quand même. Ouais, deuxième du groupe. Ils sont deuxième du groupe alors que nous, on est premier. Et voilà. On est premier. Je suis propriétaire. Premier. Le groupe de ouf qu'ils avaient aussi. Et c'est fini pour le deuxième match aussi. Victoire de la Turquie 2-0. J'aime bien le joueur d'Espagne, là, Iniesta, qui perd ses cheveux comme Romano. Mais il est super, ouais, super fort. Ouais, il est fort. Ah ouais, Nahal Chetan, c'est trop. Tu vois, Romano, j'aime bien lui. Ah bah voilà. Et l'autre match, c'est fini. C'est 2-0 aussi, les Turcs. Ouais. Alors ça nous donne quoi? Qui est qualifié? Qui va en rattrapage? Alors, Espagne et Croatie directement qualifiés. Et oui, les Turcs, faudra attendre demain de voir s'ils sont dans, ils font partie des meilleurs troisièmes. Mais normalement, c'est bien parti. Très bien. Bon, Espagne, Croatie, ils filent en huitième de finale. Comme nous, cet euro est magnifique. Et demain, vous gagnez ou les demi-finales. Mais je crois qu'on veut aussi vous offrir la finale demain matin. Entre 6h et 9h, soyez là dans le morning. Petite question footballistique. Ouais. Et vous gagnez vos places pour aller voir... les matchs de l'Euro avec le Crédit Agricole Skyrock vous file tout ça tous les matins. Soyez à l'écoute. Vos places à choper, vos maillots de l'équipe de France ou d'autres équipes, hein, si vous préférez, je sais pas. C'est le choix, ouais. Une autre équipe, préférez la Roja. La Roja. On a les maillots de foot à vous filer. On va jouer avec des bugs, Romano. Et j'avais dit que vous avez le droit de m'insulter si avant 23h je vous ai pas écouté les bugs. Enculé, tiens. Non, non. Avant 23h, tiens. Aïe. Eh bien, je vais vous en faire écouter un tout de suite. Et il y a Cédric hein, qui doit être dans la rue depuis le temps. Il stagne. On va l'appeler où? On l'a au téléphone? Allez, en direct de la fête de la musique. Dans un instant, on fait un petit tour de France avec vos messages. Avec vos coups de fil d'ailleurs. Tiens, avec vos messages et vos coups de fil, on aura Max au téléphone qu'on va retrouver dans le 95. Il est en direct de la fête de la musique pour Skyrock, notre Sky Reporter de la Radio Libre. Allô Max? Allô? J'entends le sound, dis donc. Ouais. Ouais, c'est la fiesta, a priori. Ouais, tu parles, ouais, la fiesta. La fiesta. Tu l'entends, la meuf? Alors, non, vas-y, fais écouter, fais écouter. Mets-toi près d'elle. Attends, j'avance, attends. Fais voir, fais voir. Le problème, c'est qu'elle chante 3 minutes et elle fait une pause 2 heures. C'est pour ça que j'arrive pas à la voir. Attends, j'entends un petit son derrière, mais j'entends... Attends, je vais mettre le haut-parleur. Ouais, vas-y, c'est bon. Mais parlez pas parce que tout le monde va se retourner. Oui. D'accord? Oui, vas-y. Alors. Attention, en direct de la fête. T'entends? Il foule, t'entends? Oui, j'entends. Attends, il y a le haut-parleur pour les gens à côté. Ah, d'accord. J'arrive encore, tu pètes. Oh merde. Bienvenue sur la déprime. Skyrock. Mais elle chante pas, c'est d'ascenseur. Ce attends. Si, ça y est, elle essaye. Écoute. Ça vous plaît? C'est magnifique, tu sais. C'est génial, je comprends pas quand on passe sur Skyrock des trucs comme SCH, Joule, je sais pas, designer, Drake, Rihanna et qu'on passe pas des trucs pareils. Oui. Diffoul, t'entends Diffoul? Oui, mais laisse-nous apprécier la musique, merde. Vas-y. C'est boring, nous dit Charles Villeneuve. Ouais. Ouais, c'est boring, c'est le mot. C'est boring. Boring. Ça veut dire quoi, boring? Boring, ça veut dire que c'est ennuyeux. Ennuyeux. Ah, c'est ça. C'est ennuyeux. On peut pas parler français. Mais, n'est-ce pas? Oui, la France. Bute-la, nous dit Sama. Mais du calme, Sama. Sama, calme-toi. Bute-la, mais... Mon Dieu, mais c'était à serrer une balle, ce truc, la tristesse pour Jules. C'est le sosie de Lori, je crois. C'est Dine, nous dit Jojo Ben. Mais bute-la, ah, elle chante. T'as vu, même le téléphone il coupe. Non mais. Sinon, on va la voir, tu le fais. Excusez-moi, j'habite au-dessus, j'en peux plus. Bute-la, cette hippie. Mais non, du calme là sur les messages. Non mais c'est la fête de la musique. Et puis, laissez, elle aime ça, laissez la chanter. Y'a du monde ou pas? Y'a du monde, ouais. Allô? Oui, il y a du monde. Il est content. C'est Max. C'est pas devenu sourd, Romano? Non, non, ça va, ça va. Il saigne des oreilles. Et tu sais qu'il y a pire, parce que là, on se moque, parce qu'on est méchant. Non, franchement, c'est pété, quoi. Oui, c'est pas. C'est ouais, pas, mais largement pire. On va dire que c'est pas ton. À tes goûts. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas notre style. Tu te retrouves avec un mec qui joue de la cornemuse en bas de chez toi, voilà, qui joue de l'accordéon. C'est quand même autre chose. Ah ouais. C'est vrai. Bon, Max, dans un instant, on va voir ce que ça donne. Bah, reste dans le coin, reste avec nous. Il y a Cédric qui va. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà en ligne. Allô, allô, beauté fatale. Allô. Comment ça va? Ça va bien, Cédric? Putain, c'est la fête, hein. C'est la fête de la musique ce soir. On ouais, bah, je sais, Cédric. Ouais, ouais, bah, tiens, viens de l'apprendre, le couillon. Tu nous apprends un truc, c'est un truc de balade. Ouais, c'est dingue. Fête de la musique. Tu dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y a personne? Non, non, si, il y a des trucs là, je m'approche d'un truc là, avec des lumières et tout. Un truc avec des lumières et tout. Ah, voilà, c'est génial. Alors, il est parfois il est rouge, après il est orange, après il est vert. Oh, c'est ouais. Génial. Voilà, vous avez vu pour la fête de la musique, ils ont installé des spots. Oh là. Ça, les gens, ils sont cons, ils s'arrêtent quand c'est rouge. Voilà, j'attends la fête là. Ah, vous entendez là? Ouais. Oui, oui, ben on t'entend, Cédric. Attends, vas-y, je m'approche du truc. Vas-y, bon, on te retrouve dans un instant. Te laisse t'approcher oui, de, approche-toi. De cette magnifique grosse stuff. Essaye de bouger ton corps difforme. On garde Max avec nous. Avec... Elle est toujours en train de chanter d'ailleurs. Elle est à fond là. Waouh, trop bon ça. Et Tiben. On sort de son corps. Tiben, mon boxeur là. Ouais. Ça donne pas envie de boxer tout ça. Ah, bah, quand même. En tout cas, je sais pas où il est, celui où il y a la nana qui chante, mais franchement. Dans le 95. Vous allez voir, on va faire un test. Dans un instant, on va voir combien de temps tu tiens sans te suicider. Est-ce que tu vas tenir jusqu'à minuit sans te tirer une balle dans la tête? Ah non, moi je vais rentrer, moi. Ah ouais. Non, non, non, non. Ah, tu veux pas faire le test? Bon. Non, non, non, moi je préfère le. Moi c'était vachement bien. Ouais, c'était vachement bien. Je veux pas rater les bugs de Romano. Bon. Alors justement, on y va tout de suite. En traduction de bugs, je l'ai dit avant 11h. Fais gaffe, il te reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes avant que vous m'insultiez. On retrouve Cédric, Max en direct de la fête de la musique et vous, tous de toute la France. Je vous rappelle que Romano a perdu son clash hier par 49% contre 51%. Ouais, bah, petite défaite. Évidemment, il y avait la machine. Donc. Voilà. Redis un connard et je dis encore un truc désagréable. Ah ben vas-y, dépêche-toi. Alors le bug, écoutez bien, un bug à traduire et vous allez gagner grâce à Skyrock ce soir les maillots de vos équipes de l'Euro au choix ou de vos équipes au choix d'ailleurs. Et vous gagnez aussi votre jeu. C'est à vous de choisir à condition de trouver en premier la traduction du bug que je vous fais écouter tout de suite. Le voici, le voilà. Je baigne une convainc dans le temps. Ah ouais, je sais, je sais. Ah ouais, mais faut pas dire à l'antenne. Hein. Non, non, dites pas à l'antenne. C'est pour vous. Donc vous trouvez la bonne réponse, vous l'envoyez vite au 41759 et sur l'appli Skyrock, vous nous laissez vos numéros de téléphone et le premier ou la première gagne son maillot ou son jeu au choix. Que dit Romano quand il dit je baigne une convainc dans le temps? Eh ben moi je dis que je suis pas d'accord avec lui. Ah. T'as compris, Romano, ce que tu dis? Oui, j'ai compris, ouais. Allez, vos réponses en direct. Et puis merci à toi, Gurvan, hein, pour le coup de fil. Ah ouais, ça nous aura permis de parler sport de combat ce soir, c'est bien. Ouais, exact. Merci à Tiben. Ouais, cool, Tiben. Hein. Ouais. Et je fais une petite dédicace à toute l'équipe, là. Depuis 20 ans, j'écoute. C'est gentil. T'étais à Skyrock avant nous. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Exact. Un fidèle, mais déjà, tu nous tenais la place au show avant qu'on arrive. C'est gentil. C'est mignon. Ouais, la valoche et tout ça. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas, Gurvan. Sympa de nous avoir appelé. Et puis tiens-nous au courant pour la suite de tes aventures sportives dans les sports de combat. T'as eu bon conseil là. Et t-shirt Skyrock, tu mérites à la maison et on t'envoie aussi ça, Tiben. Merci Tiben. Hein. Merci 94. C'est gentil et merci 900. À tous. Et je fais une petite dédicace à tous mes potes du 77. Et merci. Big up le 77. On salue le 77, le 91 et toute la France. Et dans un instant, faites de la musique sur Skyrock. Ouais, faites du bruit. Ouais, le camp d'écoute, le camp d'écoute. Parce que bruit, ouais. Et on parlera cycle de cul aussi dans un instant. Ah ouais. La musique, du cul, du foot, Rihanna, tout ça, c'est la folie, c'est Skyrock, c'est Radio Libre. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Un mois avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Are you guys ready? Exclusive. Alliance Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna, l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Alors Beaumec à 500 mètres. Va tout droit. Tourne à droite dans 50 mètres.

21h minuit sur Skyrock. Ah, il y a un bug à traduire. Vous avez laissé plein de messages pour traduire ce bug de Romano lui-même en personne. Je suis pas dedans. Eh bien si, moi je te le dis, Romano, tu mens. Je suis pas dedans, nous dit Nico. C'est pas ça. Moi je sais ce que j'ai compris. Léa, je sais ce que tu dis. Oui, mais moi aussi, je te connais bien. Je me suis compris. Et oui. Je me suis compris. Je ne tiens pas longtemps. J'ai que les messages où vous êtes trompé. Hein. Je ne tiens pas longtemps, nous dit Léa, 16 ans. Je suis pas dedans. C'est pas ça. Je mange les doigts, nous dit le Marseillais en France, 18 ans. Je suis pas dedans. Non, c'est pas. Je suis pas content, nous dit Hugo du 59. Tiens, j'ai Sama là qui nous dit je suis pas comme toi dedans. Je suis pas dedans. C'est pas ça du tout. Il y en a plein qui ont trouvé. Je le fais pas tout le temps, dit Monsieur Gros Bazar dans le calbar. On a le gagnant qui arrive. Monsieur Gros Bazar dans le calbar. Allez Paris, 18 ans, je bug toujours autant. Je suis pas dedans. Je te rapproche, mais c'est pas ça. J'ai pas 20 ans non plus. Il est pas content pour ce Zitch. Je suis pas dedans. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas très content pour Nialis. Non, ce n'est pas ça, Nialis. Je bug pas longtemps. Ah, t'es pas loin, mais c'est pas ça non plus. Non, 555, j'ai pas de dents, c'est pas ça, non. Non, mais tu as des dents d'ailleurs, t'as des dents en plastique toutes neuves. Ouais, neuves, toutes belles. Bah, la semaine prochaine, là, je vais au contrôle technique. Ah, contrôle technique de dents en plastique. Ouais. Très bien, chez le garagiste. Ouais, mais encore me trouver. Non, je suis un dentiste. Ah, carrossier. Dentiste. Oui, c'est mieux. Avec une bonne sujet, mais encore me trouver une merde. Romagno Reins qui nous fait je ne me masturbe pas tout le temps. Non. Qu'est-ce que vous me dites? Dans combien de temps pour le pompier? C'est pas ça. J'ai mal aux dents non plus. Je suis pas d'accord avec toi non plus. On va voir donc la bonne réponse. Bon, on va la prendre tout de suite. On a Julien à Nantes. Salut à toi, Juju. Ouais, Juju. Ouais, allô, Julien. Ouais, Juju. C'est bien ou quoi? Bah écoute, ça va bien. Parle bien dans ton téléphone quand t'entends bien, Julien. Présente-toi un peu. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tout ça? Ah, j'ai 16 ans. Oui. J'habite à Nantes. Et tu habites à Nantes? 16 ans, Nantes. Ouais. Et la bonne réponse, c'est. Pas tout le temps. Je. Pas tout le temps. Et c'est oui, ça. Je bug pas tout le temps. Je bug pas tout le temps. Mais si tu bug tout le temps, c'est vraiment non, son pas tout le temps. Non, pas tout le temps. La preuve, là, je vous parle, je ne bug pas. Ah, mais alors hier, par exemple, c'était une catastrophe. Les chaussettes de l'archiduchesse. Ouais, c'est ça. Sont-elles sèches, archichèches? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, mettre ces chaussettes à cette connasse que je ne connais même pas, l'archiduchesse? Nous dis bon, vous savez, quand même, pour faire de la radio, on devrait savoir dire ce genre de truc sans aucun problème. J'ai fait une démo. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Wow. Pas mal, ah ouais. Putain, pas mal. Putain, c'est la première fois qu'il est arrivé. Je suis pas arrivé de ma vie, ouais. Et je vous le dis, mais Skyrock, c'est la folie. C'est alors Thomas nous a dit je suis pas incontinent. Non, je bug pas tout le temps. Vérification, écoutez le petit moment d'émission où tu nous avais dit cette magnifique phrase, je bug pas tout le temps, ce mensonge, ce mytho. Non mais c'est pas un mytho puisque je ne bug pas tout le temps. Les chaussettes. On a déjà Romano, on comprend pas grand-chose mais alors lui on comprend pas. Ouais, mais attends, on comprend, je bug pas tout le temps. La preuve, on est bien. Vous voyez, on comprend. Alors, je bug pas tout le temps. Je ne bug pas tout le temps. Bah la preuve, voilà. Oui, bon, des fois ça m'arrive. Bon, t'as gagné, Julien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'envoie ton maillot de l'équipe que tu veux ou alors ton jeu au choix sur la console que tu veux? Un maillot de Marseille. Ah, mon pote. T'as, pendant l'Euro, tu prends un maillot de Marseille. T'as raison. Ça, t'es un vrai supporter de l'OM. Ah, t'es un vrai beau. Ah, bah, oui. Il va pas soutenir notre équipe, il a senti bien. Ah, l'OM. Eh bien, maillot de Marseille qu'on t'envoie à Nantes en plus, Juju. Même dans la difficulté, on supporte Marseille. Exactement. Ah bah vous, oui, ça c'est clair que la difficulté là, cette année. C'est dans la difficulté là, c'est dans la merde. Ouais, c'est clair. Dans la grosse merde. Bon, on t'embrasse Julien et puis on essaiera de refaire un autre avant minuit. Ouais. Allez. Avant minuit, on essaie de vous offrir un autre maillot ou un autre jeu au choix. Et bien ton maillot de l'OM, on te l'envoie. C'est parti Julien. Merci à toi Juju. Ciao. Salut donc, Juju. Donc un nouveau bug qu'on vient de découvrir. Je bug pas ton temps que vous pouvez faire rentrer dans le top bug demain soir. Le top bug est de retour d'ailleurs. Oui. Ouais. Entre 21h et minuit. Il y a Jules qui viendra nous voir aussi dans la semaine dans l'émission. Et puis Cédric est en direct de la fête de la musique. Je pense qu'on va le retrouver dans quelques secondes. Juste avant, il y avait Alizé. Pour tous ceux qui se plaignent parce qu'ils ont mal La pauvre. Quelque part, vous allez voir. Accrochez-vous. Allô Alizé, ma chérie. Voilà. Oh la pauvre. Dans quel état elle est? Alors d'après vous, Alizé, toi, c'est le printemps qui s'achève, l'été qui a démarré depuis hier. Super pour elle. Et t'es dans un état, mais alors pas possible, ma pauvre Alizé. Ouais. Non, donc, c'est pas drôle. T'as 20 ans et en plus t'es bourguignonne, j'ai pas dit. Ah bah salut la Bourgogne. Salut la Bourgogne. Bah Dieu. Vous avez eu un temps de merde en Bourgogne? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Mais tu sais que jusqu'à pas longtemps, il gelait. Il gelait. Le matin, ouais, il gelait. Il y a eu de la grêle. Non, mais il y a eu de la grêle. Non, mais de la grêle, mon ami. Non, mais tu sais que ça, dans des quoi, ça a bousillé des vignes et tout. Il y a des mecs qui ont, font pas de vin cette année. Je suis en deuil. Je sais. Ah, mais c'est vrai. Non, mais je sais, il y a eu de la grêle, ça a bousillé des vignes. Oui, oui, oui. Non, nourriture de ciel. Là, les mecs, ils ont tout perdu. Ouais. Hashtag, je suis le vin de Bourgogne. Oui, non, mais ça va, Marie. Je vends le vin de Bourgogne. Il y a en Touraine aussi. Hein. Alors, ouais, bah là en Bourgogne, ouais, c'est un temps de merde. Ouais. Donc pour ceux qui ont des petites maladies, tout ça, parce que moi je connais plein de gens qui ont chopé des petites angines, des petites grippes. Ouais, c'est pas des grippes, c'est sympa. Des petites angines, des nez qui coulent. Bah attends, Alizé va te dire ce qu'elle alors, a. Alors moi c'est mon zizi, coule. Ah, bon alors je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ah, ça te dégoûte. Il coule jaune. Ouais, c'est arrête, jaune. Elle va vomir en plus. C'est jaune et ça sent la crevette. Excuse-moi, Alizé, ouais, pardon. Elle va vomir en plus. T'as quoi, t'as une gastro? Attends, ouais. J'ai une grippe, une gastro, une conjonctivite et une otite. Ah putain, c'est ouais. Tout ouais. Voilà, ah, pas mal. Et tu as combien de fièvre? 39,2. 39,2. Waouh. Ah ouais, mais ah, t'es ouais, chaud d'Alizé ce soir. Ah ouais, tout choper en même temps, c'est sympa. T'es on fire. Mais vous savez, moi je pensais que c'était impossible de choper une gastro, une grippe en même temps, et plus toi je pensais qu'on avait une maladie, puis voilà. Mais comment t'as fait pour choper tout ça? Tu peux avoir une gastro et une grippe. Ouais, plein de ah ouais, bah je vois pourquoi tu pourrais pas. Hein. C'est bah, je sais pas parce qu'un virus tu peux même avoir une otite. Non mais oui, mais gastro et grippe c'est deux virus, donc une gastro et une grippe, je pensais qu'il y avait un virus qui était plus fort que l'autre et qui niquait l'autre. Ouais, mais c'est ça touche pas. Il faisait la guerre dans ton corps. Ouais, mais ça touche pas les mêmes trucs en fait. Non. Ah ouais, ça touche pas les mêmes endroits. Ouais, c'est vrai. Mais Alizé, t'as fait quoi? T'es sorti à poil dans Dijon pour que... Non, mais en fait, ici, il a fait super chaud un moment, après il a plu, donc du coup, je suis sorti en t-shirt, après recouvert. Changement et... de temps. Et du coup, voilà, j'ai tout chopé. Je bug pas tout le temps, c'est ça? Non, pas du tout. C'est ça que tu nous as dit. Je bug pas tout le temps. Je vais te le faire sortir, celui-ci. Changement de température. Et tu sais que moi, j'ai une conjonctivite aussi à l'œil droit. Oh là là, il nous fait chier. Ah, ça y est. Bah, quand t'enlèves l'œil. Et une tendinite aussi. Ah, ça, c'est l'épaule gauche. Ouais. Il y a une conjonctivite à l'épaule. Non. Et une tendinite à l'œil. Truc de dingue. Mais j'étais, j'étais à la clim l'autre jour, je sais pas, et la clim de partout, ça m'a niqué l'œil. Ouais, t'as une ouais. Non, mais t'as absolument rien. T'as rien. Hein? Et non, quand t'as dit rien. Ça, j'ai regardé ton œil gauche. Non, mais t'as rien, c'est un comédien, je vous le dis. C'est dans la gueule. C'est le malade imaginaire. Ouais. Je vous assure que j'ai une conjonctive. Ouais, t'es un malade mental. Non, c'est ça, en fait. J'ai une conjonctive, j'ai pas une otite, par contre. T'as une conjonctive, t'as l'épaule, appelle le docteur. Et tu fais quoi dans la vie, toi, Alizé? T'es au bahut encore? Ouais, bah normalement, je suis censée passer mes rattrapages de partiel et j'ai pas pu y aller, du coup, aujourd'hui. Ah ouais? Ah ouais, ça s'entend. Ouais, mais c'est défaillante, du coup, ces connards. Ça s'entend en même temps, t'as l'air bien, bien prise quand même. T'es bien, ouais, t'es ouais, bah ce matin, j'ai fait un malaise avant d'aller à la fac à cause de la fièvre, donc ouais. T'as la totale. Ah bah 39,2, ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Ah bah 39,2, c'est vrai que c'est. Ah bah j'ai jamais de température, moi. Ouais. Ouais. Ah mais jamais. Mais quand t'es malade, t'as bien de la température. Ah non, jamais. Mais t'as une grippe, t'as pas de température. Ah non. Mais t'es pas normal. Mais je te jure, mais tu sais, les médecins, ils hallucinent, mais à chaque fois, je dis, tu sais, par exemple, pour une gastro, souvent, il y en a qui ont de la température, a priori. Bah oui. Ils demandent, moi, ils me prennent, chaque fois, ils me prennent la température, elle est normale. Non, mais pour prendre la température pendant une gastro, faut être un kamikaze. Hein. Non, mais... Faut avoir du courage, hein, parce qu'en... Ils prennent dans l'oreille, ou... Tu fous le thermomètre dans le cul à ce moment-là. Ah, ils prennent dans l'oreille. Tu sais que t'as dans l'oreille, puis t'as sur le front aussi, maintenant. Ouais, mais sur le front, c'est pas juste. Ou sous le bras. Non, mais à l'hôpital, ils font dans l'oreille. Dans l'oreille, maintenant. Ouais, l'oreille, c'est plus juste. Bras, faut rentrer dans une une cavité. Ouais, c'est ça, ouais. Donc l'anus qui est quand même le plus efficace quand même. Ça va, tu es quand même super, ouais, mais quand t'as une gastro comme tu disais, c'est pas ouais, possible. Ouais, ouais. Ah, t'as du mal à retrouver le thermomètre. Oh quoi. Mon dieu. Si okay. T'as une poussée à ce moment-là. Oh. Et Hugo vient de nous laisser un message. Hugo, 15 ans, exactement comme toi. Il y a 3 mois, Alizé, j'ai eu une grippe et une gastro en même temps. Et coïncidence, j'habite à Dijon. Eh ben tiens, ouais, voilà. C'est sympa chez vous. Allez non, visiter la Bourgogne. Si on voit, là, ils font à la télé les cartes de la gastro. On en parle dans le morning. Ouais, donc ouais. C'est oui, c'est vrai que dans les endroits où il y en a beaucoup, t'as plus de chances de la choper. Hein. Oh, il y en a qui veut te sauver, Ben. Elle a une trop belle voix. Elle me fait bander, la coquine. Je peux lui faire une piqûre si elle veut. Ah ouais, ça va être piqué. Il y a une grosse aiguille. Ouais. Une grosse aiguille. Romano, tu es obligé d'avoir de la température quand t'es malade, nous dit Yannick. De Dijon, non, la Bourgogne, tu te déchaînes. Non, mais je t'assure, bah écoute, bon, j'ai pas eu de trucs graves ni rien, mais je sais pas, gastro ou. Pas bien du tout, j'ai pas de température. Tu sais, ma température, elle reste à 37. T'as pas eu de trucs graves, t'es mort quand même. Oh là, est-ce que vous. Ouais, mais là, tu sais, Marie, je pense qu'au moment où t'es mort, la température, il s'en branle un peu. Déjà, la première étape, c'est de faire redémarrer le matos. Le cœur de Romano, c'est arrêté combien? 4 minutes 3 minutes 3 minutes, ouais. 3 minutes. Cédric a quelque chose à nous demander. Voilà. Oui. Vous pouvez pas me prendre la température, j'ai l'impression que je suis pas bien. Romano, tiens, prends-moi la température. Non, mais non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu me présentes sur le truc du cul? Oh, c'est pour prendre la température. Ouais, ouais, mais laisse tomber, on va prendre autre chose. Et tout, ah, putain. Ah. Bah, eh bien, écoute, Alizé. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais te dire, prends établissement, comme, tiens, il y a Gwendal qui te dit bon établissement, Alizé. Bah ouais, c'est gentil. Bah ouais. Elle a pas léché les barres du métro pour avoir chopé tout ça. Ah. LOL, nous dit Audrey du 5-9. Bah, y a pas de métro en Bourgogne. Non, y a pas de métro à Dijon. Y a le tram, mais y a pas de métro. Bah, il faut pas lécher les trucs. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas lécher le sol dans les bus. Aller au bar dans le tram, c'est sale. Ouais, bah t'as raison. Ouais. Tiens, Esteban, 13 ans. Moi aussi, j'ai eu tout ça. Et comme par hasard, je suis à Dijon. Mais il se passe quoi dans ta ville de Bourgogne en vrai? Non, mais il y a peut-être une épidémie. Ma tante m'a dit que apparemment, il y en avait beaucoup qui traînaient. Donc, ça m'étonne pas trop. Faites gaffe, du côté de Dijon, ça traîne, dis donc. Non, mais t'as raison. De toute façon, c'est dû au changement de température. Ouais, ouais, bah oui. Quand tu passes de 25 degrés, puis que le lendemain il fait 10. Oh, j'ai de la température. Ouais, bah écoute. Oh là, j'ai de la température. Bah va, je sais pas, va chez Aveto. Je vais voir quelqu'un, quoi. Ouais, vous faites chier. Donc, hein. Ceux qui viennent d'arriver se disent, mais pourquoi Cédric ne répond pas? C'est parce qu'il est en la rue, à la fête de la musique. Il doit être à bout de nerfs, d'ailleurs, parce qu'il attend. Oh, non, ma température. Oui, je pense qu'il est à bout de nerfs en nous écoutant. Oh, ma température, Manon. Oh, tu... Non, mais laisse tomber, Regarde, ça brûle. Oh là, j'écarte un peu, là. Montrer ma température, tu vas voir. Ah, Cédric. D'ailleurs, il m'a dit qu'il devait aller chez le médecin parce qu'il a, il a la chiasse là depuis plusieurs jours. Non, mais il a la chiasse à l'année. Hein, okay. C'est bien de s'en inquiéter. Faut qu'il se prenne un médecin personnel à l'année, tu vois. Parce que... Cédric, prends-toi un médecin à l'année hein, si t'as. Ça t'inquiète, ta chiasse. Ah, c'est trop cher. Ah, bah oui, ça forcément. Si ça t'entendait au milieu de la rue, derrière, je sais pas si on entend bien. Si on entend la musique, si on t'entend, ça va, Cédric. Ça va, ça va. En direct de la fête de la musique, Cédric. Bon, toi, t'iras pas à la fête de la musique, Alizé, ce soir. Hein. Ah non. On va t'en faire profiter, tu vas pouvoir vivre ces magnifiques moments. On remercie Max qu'on a eu tout à l'heure d'ailleurs, qui nous a fait vivre un magnifique moment avec une Céline Dion en herbe qui hurlait sur un podium ou sur une caisse, je sais pas sur quoi elle était, on lui a pas demandé d'ailleurs. Non, c'est vrai. Mais elle hurlait, ça c'est mais sûr. Elle hurlait, elle chantait là. Un truc, mais pour se tirer une balle dans la tête. Elle était au max, hein. Au maximum. Elle était au maximum sûr. De. Et là, donc Cédric, toi tu es en direct de la rue, bah, juste à côté de la radio. T'es dans le quartier et donc tu vas nous faire vivre un petit peu cette fête de la musique. Alizé, qu'est-ce qui t'a conseillé? Je te coupe Cédric parce que la musique est trop bonne. Hein. Le rire. Oh la délicatesse. Bouge pas Cédric. Bon Alizé, bon courage à toi. Hein. Qu'est-ce que tu... Ouais, je vous remercie. Bah oui, nous aussi. Et soigne-toi bien. Oh là là là là, on prouve. Bon, on va te laisser, tu vas nous finir un truc. Ouais, t'es contagieuse en plus. Parce que gastro plus grippe. Je suis super contagieuse, qu'il fallait absolument pas m'approcher parce que sinon j'allais rendre tout le monde malade. Ah, bon, bah on va te laisser. Je vous rappelle gastro, grippe, otite, conjonctivite, 39.2. Pas mal. Ouais, zone de sécurité. Ouais. T'es bien toi. Comment ça s'appelle? Zone de quarantaine. Voilà, la quarantaine. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bah écoute, prends des vitamines, soigne-toi, repousse-toi. Hein. Ah bah a priori, il y a la bourguignonne de Chalon-sur-Saône là. Mmh. Tout le monde est malade aussi là-bas. Ça c'est ouf. Pareil. Hein. Ah la Bourgogne, le climat est rude. Ah dur climat. Ah bah Dieu. Enfin, t'as plein de messages gentils. C'est compliqué dans la berge. Oui, que t'as une jolie voix, tout ça. Ouais. Ah, tu serais pas malade, je te ferais un bisou gentil. Aussi, tu sais, Alizé. Ah bah c'est gentil. Et juste un petit truc que je voulais vous dire à propos de ça, parce que tu disais les températures ça monte, ça baisse, tout ça. On a eu on en parlait ce matin. Le printemps le plus pluvieux. Ouais c'est ça. Depuis, vous savez. Bah, de 150 ans. 150 ans, tu es une fidèle du morning. Bravo oui, à toi, Alizé. Ce matin. 150 ans. Ah, t'imagines. Non, mais c'est vrai que cette année, c'était particulièrement pour. En France, ça fait 150 ans qu'il n'y a pas autant plu au printemps. On a vraiment eu un printemps de merde. Et on avait eu l'été le plus chaud depuis je sais pas combien d'années aussi. Ouais. Non, l'hiver. L'hiver le plus chaud. Je sais pas ce que va nous réserver cet été. Ah, putain, j'espère que ça va être bon. T'imagines s'il pleut tout le temps? Non, impossible. Ah, non. Pourquoi impossible? Bah, parce que je suis connecté constamment sur l'endroit où je vais. Ah non, mais je parlais en France, Romano. Ah non, mais en France, là où je vais, ça va. Dans ouais, sur la Côte d'Azur, ouais, il fait quand même, sud, ouais. C'est l'endroit où c'est. Ah, mais il fait trop beau. Ouais, ça va en général. Non, mais c'est vrai que vous êtes à peu près préservé, ça va. Demain, donc, il fait beau partout. Et puis après-demain, il fait 30 degrés à Paris, il faisait 18 32, aujourd'hui. Même, je crois, non ouais, 30, ouais, 32. La folie. Ah, putain, ça va être chaud, gros. Bah, ouais, oui, 32, c'est chaud. Mais... Oui. Intelligent, Karim. Ouais, ouais non, c'est pour le ramadan, hein. Je pensais au ramadan, moi, putain. Ah, mais c'est vrai, vous êtes tranquille pour le ramadan cette année. Ouais, ah, ça bah, là, va, avec ouais. 32 degrés, tu seras moins tranquille. Ah, ouais, je serais moins tranquille, là, ouais. Putain, ouais. Merde. C'est vrai, le ramadan est plus difficile à faire à Marseille, par exemple, qu'à Paris. Bah, là, tu vois, Marseille, regarde la météo. Il n'y a pas un seul nuage de la semaine à Marseille. Ouais. Bah moi je regarde là pour cet été là en tout cas dans les jours qui arrivent mec il tape du 30 degrés minimum. Voilà cool. Et t'es content? Ah ouais bah ouais. Bah j'espère juste que quand je vais y aller Mais écoute à Paris dans deux jours tu auras 32 degrés ouais, et tu seras le premier à te plaindre. Non mais à Paris c'est infernal parce que ça pue. On est comme ça à Paris. Non mais ça pue. Genre il fait 14, il fait froid, il fait 30, on n'est pas content, il fait chaud. C'est vrai que c'est vraiment un truc de Parisien. Il y a fait 30, on va perdre 10 degrés. Non mais c'est vrai qu'à Paris ça pue. Mais à Paris les gens ils aiment trop parler du temps déjà je remarque. Tu sais, la discussion, ah ouais, à Marseille, c'est pas comme ça, tu sais. Mais ici, vous faites que parler. Ouais, mais vous, parce qu'il fait souvent beau. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, c'est vachement variable, donc. C'est comme vous parlez plus de l'OM, parce que vous perdez tous les matchs, c'est monotone. Bah, en ce moment, on parle plus de rien, en fait. Voilà. Et donc, parlez pas du temps, c'est monotone, il fait tout le temps beau. On parlait des Anglais et des Russes quand ils se tapaient sur la gueule, mais là, ils sont même plus là, donc on sait plus quoi parler. On nous dit qu'il va y avoir une canicule. Cet été. Putain, en tout cas, c'est mal parti pour la canicule. Ah, mais ça veut rien dire, hein. Ça peut venir comme ça. Et Zaraki qui fait le ramadan qui dit putain, à Marseille, on morfle. Eh ouais, bah ouais, mec. Eh ouais. Non, mais c'est vrai qu'il fait vraiment chaud, hein, putain. Ils disent tous qu'on va avoir un été très pluvieux, nous dit la bourguignonne. Ouais, bah donc, vu qu'il se trompe, il va être génial. Bah écoute, j'espère, on croise les doigts, je sais pas qu'il va faire beau. Bon, allez, on va aller déjà, dans la rue. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ouvrent leur gueule? Ils sont incapables de prévoir la météo sur 24 heures. Les mecs, ils te parlent vendu. De l'été. Oui, c'est vrai. Salopard. Bon. Bon courage, Alizé. Gros bisous à toi. Oui, bon ouais, rétablissement. Reste à l'écoute de Sky, ça va pour te redonner la pêche. Ah, y a que ça qui va me guérir, je pense. C'est gentil. C'est ça. Bisous. Gros bisous de loin. Salut, Alizé. Ciao. Salut. Et ouais. Donc, ouais, les maladies, hein, vous avez vu. Le soleil a disparu. Le soleil est mort. Mais non, il va revenir. Demain, vous allez voir. Demain, il fait beau. On en reparle demain matin dans le morning. Évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, il y a Cédric, bah, y a Cédric, Cédric, là, Cédric, fête de la musique. Tiens, en parlant de la fête de la musique. Quoi dans une demi, de Cédric. On laisse dehors. Ah, je suis là. Très bien. Et dans une demi-heure, on vous offre Rihanna. Tiens, en parlant de musique. Rihanna. Tiens, on va l'écouter avec Calvin Harris dans un instant. Ah, ça va. Oh, mais ouais, ça chante. C'est toi. Ça chante, Cédric. Ouais, applaudissez, ouais. Voilà, le lourd. Et en plus, il s'est pris un cible. Il y a personne qui a suivi. Bravo les gars, ouais, super, ouais. C'est génial. Wow. T'as un mec alcoolique qui gueule. Tiens, c'est pas la fête, les gars. Cédric, c'est génial. Prends le micro, Cédric. Vous entendez? Ouais, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Je sais pas, le mec, il est bourré, je crois. Ouais. Attends, mais ils chantaient quoi? Je sais pas, ils chantaient quoi, là, les mecs? Ouais, avec le feu de... Ouais, avec le feu. Le dino. Hein? Jouer avec le feu. De dino. Le Chibido. Charlie Dino. Chibido. Chibido. Le feu. Découverte Skyrock après avoir découvert Jul, SCH, Niska, le nouveau Black M, oui, le nouveau Soprano. Le nouveau Soprano. Voici ce soir Chibido. Non, Libido, Libido. Libido. La relève, il a dit. Ça va? Ouais, la falaise. La falaise. Ça, c'est pour Cédric, ils ont installé une falaise et tout de suite jette. Tu veux pas monter sur la scène? Mais il tape sur des casseroles ou quoi? Je sais pas, c'est marrant. Après la falaise, c'est quoi qui s'appelle la falaise? Non mais laisse-lui déjà faire la falaise, Cédric, le gros relou. Ah, c'est quoi? Voilà le morceau d'après. La playlist. Donne un change ta playlist, mais le playlist d'après. Vas-y. Il monte sur la scène. Débranche la musique. Hein? Est-ce que tu veux qu'il débranche la musique? Vas-y. Vas-y, Cédric, si t'as envie de te faire casser la gueule. Mec, c'est bien pour un certain passé. Après, il cherche le câble, il va où? Ah, le relou. Je me suis fait. J'ai trouvé. Attends, c'est vrai, il va prendre un coup. Comme un vie, si vous voulez, je peux éteindre la musique. Vas-y, attends qu'il y ait du son. Attends. Attends déjà que le morceau démarre bien. Attends, au moment où ça pète bien. Attends. Quand on s'en est. Attends, on va rigoler. Ah bah, on va. Bah, surtout quand tu vas te faire faire patater. Coupe. Attends, deux secondes. Il va prendre la coupe. Il va prendre le juste pour là. C'est con parce que c'est pas. Merde, là, j'arrive pas à arracher le câble. Bon, là, ça arrive. Avec la langue. Avec la langue. Pour arracher le câble. Là. Attends. Eh, mais je me barre en con, je vous préviens. Oui, il vaut mieux, ouais. Ou alors tu débranches et tu rebranches. Il va créer une émeute, ce con, nous dit sur la scène. Ah, mais c'est pas une prise comme chez toi. Hein. C'est des grosses prises. Il l'a fait. Il a fait. Ah, j'ai coupé les. Et c'est con parce que ce que j'entends derrière, ça a pas l'air d'être trop moche en fait. Ah hein ouais. Mais là, tu l'as remis le son. Oui, il a remis. Voilà, je vais le remettre là. Mais non, coupe et casse-toi et cours. Mais non. Bon, c'est vrai qu'on te retrouve à la suite. Pour la suite. Vas-y, essaye de trouver un autre groupe, de changer un peu de musique, quoi. Non, mais ouais. Prends le micro sinon, Ouais, va chanter. Dis, ouais, fais une ambiance. Sur la scène. T'as envie de chanter. Ah, mais là, le mec, il est trop à l'aise. Le chanteur, il est un golgote. Ah, t'es une baltringue, quoi. Non, tu te chies dessus. Hashtag Cédric est une baltringue. Tu veux que je coupe la musique encore? Vas-y. Il est content. Attends. Mais il est débile, le belge, dit la fausse sceptique. Laissez-le faire, il s'amuse. Oh, là, il a refait. La fête de la musique, c'est pour tout le monde. Je l'ai refait. Et tu veux pas monter sur scène et chanter Romano? Faut voter Romano. Ah ouais. Ouais, vas-y, ouais, Cédric. Ta mission ce soir, chanter Romano, il faut voter Romano. Non. Sinon, non, t'es non. une grosse maltringue. Bon, t'es filmé en plus, t'es sur le Facebook Live de Skyrock, Cédric. Non. Cédric, tu comprends ce qu'on te dit ou pas? Non, je t'entends pas, attends, je m'écarte un peu. Non, je comprends pas. Bon, allez, t'entends mal. Tu t'écartes quoi? Allez, écarte. Oh, je m'écarte, ouais, alors, oh, je m'écarte un peu le cul. Oui, alors tu on va laisser ta prise dedans. Voilà. On va faire de la musique. Ah, je le vois. Ah ouais, tu es sur Facebook Live. Alors il est beau gosse, fais voir. Ah, il est content, il se balade. Le ventre en avant. Oh, le ventre en avant. Ah mais le beat quoi. Skyrock FM, hein, si vous voulez suivre Cédric dans les rues de Paris en direct sur Skyrock. Et là, tu te promènes, t'es où là? Là, je suis à côté du Forum des Halles. Très bien. Mais c'est quoi? C'est comment la fête de la musique? J'ai l'impression que cette année, c'est pas trop ça. Hein. Bah, il y a deux groupes qui jouent, le reste, c'est que des DJ en fait partout. Non, c'est sympa. Vas-y, va voir un DJ, Cédric, par le micro. Attends, vas-y. Mais l'ambiance. Attends, vas-y, ouais, DJ que tu veux animer, que tu t'as bossé avec David Guetta. Non, avec DJ Roro. Ouais, DJ Roro. Je connais DJ Roro. Ouais, dis, tu connais DJ Roro, le DJ international d'Ibiza. Attends, je m'approche du DJ. Allez, approche-toi du DJ. Vas-y, non, Cédric. T'as le relou de base, quoi. Ah ouais, un bête de relou. Ah, ils ont un micro. Attends, là, je vais vers le DJ. Vas-y, va voir le DJ. Casse-couille. Accélère, Cédric. Ah, là, le DJ. Il va y avoir des drogués là-dedans. Bon, Cédric, tu fais quoi là? Oh, attends, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Mais y'a pas de micro, attends, merde. Mais le mec, il vient de parler, connard. Bah oui. Touche les platines. Coupe le son. Quoi? Le mec qui parlait, c'est le rocker. Eh bah, va voir le rocker alors. Allez. Bon, tu chopes un mec avec un micro. Bon, allez, Cédric. Vas-y, Cédric. Une fois de plus, ta mission est en train de foirer. Allez. Et je te rappelle ta mission, chanter Romano, il faut voter Romano. A tout de suite, Cédric, la fête de la musique. Tu vois, Max, il y a du son dans les rues de Paris, il y a du son chez toi dans le 95 aussi. Hein. Elle en est où, la dame qui chante? Max? Max, il est tombé, lui. Max, il tirait une batte. Ah ouais, il y a moins d'ambiance du 95. C'est pas mal, toi aussi. Tu vas me dire, avec le morceau qu'elle chantait tout à l'heure, je pense que les gens... Non, mais je suis barré. Ah ouais, ils ont... Ben, les gens ont fait pareil. Ils sont chier. Ça y est, elle est partie. Ils sont ou barrés ou endormis. Il y a deux solutions, en fait. Bon, on retrouve donc Cédric en direct de la fête de la musique. À tout de suite, Cédric. Fête de la musique, ouais. Ouais. Et Ricky, Elvin Harris et Rihanna, tiens. Et Rihanna, dans une demi-heure, les places de concert à gagner pour aller la voir partout en France. Il y a 400 places, c'est sur Sky. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Rihanna! Un mois avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. You guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning show! Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur la Foot Champion, mon frère! Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Are you ready? Soir, la radio libre de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Celle qu'on vous offre en concert, Rihanna, avec Calvin Harris, on écoute This Is What You Came For. Baby, this is what you came for. Lightning. strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Skyrock, this is what you came for. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, tout le monde est là, tiens, un bug de Romano oui. Avant minuit, on essaie d'en faire un petit. Ah bah oui, allez. Si on a le temps, on est en pleine fête de la musique avec Cédric qui s'amuse comme un petit fou. Eh hein. Oui, ouais, il allume le courant, il le déprend. Oui, c'est la folie. T'as rendu service au voisin, tu peux pas venir faire chose chez moi, nous disait Samantha là sur SMS. Ah, parce qu'elle est en bas de chez elle, hein. A priori quelque chose qui ne lui plaît pas depuis tout à l'heure. Bon alors Cédric, est-ce que t'as trouvé une nouvelle ambiance? Bah non, là je suis dans la même ambiance, hein. Je vais chercher un autre groupe. Ouais. Mais il n'y a que des DJ pour l'instant. Eh bah trouve un DJ comme micro et chante Romano, il faut voter Romano, c'est la demande là, de la marée. Ça, non mais Cédric, ce que tu fais, va voir un DJ, tu fais pareil, tu coupes la musique au pire. Tu joues avec sa de mixage. Ouais, ou tu lui demandes de mixer à sa place. Tu lui dis ouais vas-y bouge, tu mets que de la merde. Ouais, moi je vais mettre du bon son. Et là t'arrives et tu lui balances. Non mais va vers un DJ où il y a plein de monde. Vas-y, j'en cherche un. Bon, voilà, très bien. Et tu leur fais... Et Romano, il faut voter Romano. Ouais, c'est ça. Ouais. Romano, il faut voter Romano. Et tu fais chanter les gens et c'est la folie. sur le tempo. Allez, à tout de suite, Cédric. À tout de suite. Fête de la musique chez moi. Il y en a plein d'ailleurs qui nous disent qu'il n'y a absolument rien chez vous. Hein. Il se passe absolument rien au niveau de la fête de la musique. Non, mais ouais, c'est un peu mort, je trouve. Ah, c'est en milieu de semaine. Bon, c'est vrai. Pas non plus. Mardi, ouais. Ouais, on va faire le journal de l'euro, de l'euro des bleus et de tout le reste aussi. Ouais, hein. du foot. Le journal de tout l'euro. Le journal des bleus, de l'euro, de Skyrock, de la radio libre, du foot. C'est parti, journal des bleus. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Samy sur Skyrock. Et ouais, avec les dernières nouvelles des Bleus. Tiens, juste avant les dernières nouvelles des Bleus, j'avais promis qu'on parlerait cycle de cul. Faut que je fasse écouter un truc dans un instant. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Ouais. Alors, c'est parti pour le journal des Bleus. Alors, on va commencer par les Bleus. Aujourd'hui, entraînement, donc 1h10. Comme on l'a dit tout à l'heure, au bout de 10 minutes, Olivier Giroud s'est arrêté. Il a eu mal à la jambe. Et en fait, bon, je me suis renseigné, c'est pas la jambe, c'est aux adducteurs finalement. Donc, faut faire attention aux adducteurs, c'est fragile, c'est les footballeurs. Ouais, quand ça commence à siffler un petit peu, comme ça, vaut mieux s'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Ouais, va foutre le cul sur la glacière. Donc, il s'est assis le cul sur une glacière pendant une heure. Refroidis-toi l'anus, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pour la tactique. Ouais, il s'est fait masser l'adducteur, donc proche de la bite, par un gros kiné à moustache. Sexy. T'en as eu de la chance, Olivier, si tu nous écoutes. Bravo à toi. Mais normalement, t'as choisi le meilleur masseur du monde. C'est pas très grave. Il n'y a pas de problème pour le match de dimanche. Il devrait même retrouver le groupe demain pour un entraînement au complet. Je suis content qu'il joue bien parce que tout le monde y a chié dessus. Exactement. Il joue bien, ça me fait plaisir. Bah, c'est clair. Il joue bien. Karim, tu fais partie de ceux qui lui ont chié dessus. Je te maudis. En tout cas, il joue mieux que Mathieu. Je te maudis et te crache au visage. Voilà, tiens. Je sais pas si. Et moi, c'est Didier Deschamps et je vous souris. Je sais pas dedans. Mais là, on les voit pas. Non, on les voit plus. Et tour de magie. En tout cas, il était content, Giroud. Il a regardé ses coéquipiers s'entraîner. Comme on l'a dit tout à l'heure, il était hilar. Loris n'a pas joué dans les cages aujourd'hui. Il a joué avec les autres, donc il a mis des crampons, un maillot. Il jouait avec le ballon normal comme un attaquant. Loris, t'es le goal du con. Et il a été assez mauvais. Donc Giroud lui a dit le métier d'attaquant, ça ne prend pas comme ça. Ah, ils se chambrent entre eux. C'est bonne ambiance. J'aimerais bien qu'ils aillent loin, les bleus, parce qu'ils sont plutôt sympas. Ah, Giroud, ta blague, elle est claquée. Ouais, c'est clair. Et Didier Deschamps, tu es super. Ah, je suis génial. Non, mais pour reprendre ce que tu dis sur la bonne ambiance, c'est clair qu'il y a une bonne ambiance. Si je gagne l'euro, je me remets des dents. Tu vois, les 15 minutes d'entraînement qui étaient ouverts au public, bon, moi j'ai pu voir ça en vidéo, tu vois, j'ai regardé et c'est vrai que j'ai remarqué que par exemple Matuidi et Sissoko étaient vachement proches, alors que c'est potentiellement deux joueurs qui pourraient être en concurrence pour le prochain match. Ouais. Ils étaient assez proches. Pareil, Gignac et Giroud, je les ai trouvés vachement proches, alors que Gignac et Giroud. Oh, je pense d'ailleurs qu'il va se passer quelque chose. Non, mais je pense que Gignac va masser les adducteurs de Giroud avec la langue. Quand tu vois que des mecs se disputent la même position sur le terrain et que finalement à l'entraînement ils se donnent des conseils, ils s'aident, ils se motivent. C'est plutôt bonne nouvelle. Ouais, c'est qu'il y a quand même un bon état d'esprit. C'est bien, les bleus, c'est bien. Donc voilà pour l'équipe de France. Oui. Sinon, mais bien cette équipe, moi j'aime bien. Ouais, non, mais ça va. Ouais. Merci Marie-Denis. Merci Marie-Denis pour le petit Marie-Denis. Marie-Denis ou Marie-Ménès? C'est vrai. Vas-y. Denis, ouais. On vous redit les quatre adversaires potentiels pour l'équipe de France. Donc Irlande du Nord, Belgique, Irlande, Suède. Avec de fortes chances quand même que ça tombe sur l'Irlande du Nord. Ouais, 90% de chance apparemment. Ouais, bon, à la limite, moi je préfère l'Irlande du Nord à la Suède. Ah, c'est les statistiques. Ouais, la Suède, ils sont pétés. C'est ça, Didier. Ils vont pas se qualifier. Les statistiques de l'euro. C'est les statistiques. Les deux seuls huitièmes de finale qu'on est sûr et certain de connaître, c'est Suisse-Pologne. Donc ça sera samedi à 15h à Saint-Etienne. Ouais. Et Espagne-Italie, c'est sûr, c'est lundi 18h au Stade de France. C'est un bête de match. Putain, Espagne, ça peut pas changer. Mais l'Italie, ils vont gagner peut-être. Ah ouais, ça va être. Ouais, bah écoutez, moi je suis désolé, ami espagnol, mais je suis pour l'Italie. Ah, moi aussi, mais. Et je dirais même, je sais pas, j'ai envie de crier comme ça très fort. L'Italie kéké, tiens. L'Italie kéké. Tu sais, ça fait sec un peu. L'Italie kéké. Ah non, c'est italien, vaille. Bon. Donc voilà, pour le journal des bleus. Très bien. Et le journal des bleus. Demain, on suit dans l'émission. On suit quoi? Qu'est-ce que tu fais, Marie? Demain, je filme. Mais quel est l'intérêt? Bah, parce que Romain n'est pas là, donc je filme. Mais oui, mais qu'est-ce que tu vas en branler? Romain n'est pas caméraman. Romain s'occupe des réseaux sociaux. Ouais, je sais. Tu filmes le journal des bleus. Ouais, bon, je filme. Oui, filme-moi, Marie. Arrête de me filmer, Marie, s'il te plaît. Donc demain à 15h, non demain à 18h pardon, Islande-Autriche, ça sera au Stade de France. Hongrie-Portugal, ça sera à 18h, ça sera à Lyon. Et attention. Et pendant l'émission, Italie-Irlande, 21h à Lille. Et Suède-Belgique, 21h à Nice. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la vie personnelle du joueur de Belgique qui a les cheveux tout en l'air et tout jaune? Marouane Fellaini. Bien vu, Fellaini. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À part qu'il s'est sa meuf a parlé. Ça a été un scandale en Belgique. Elle s'est fait ken par un autre. Non, son ex-meuf a parlé de lui. C'est un trans. Non. Une petite bite. Il est précoce. Alors, ouais, bon, ok. Un peu de tout ça. Non, elle a dit que c'était un obsédé sexuel, mais qu'il n'avait pas grand chose dans le. Ah ouais. Alors, les journaux belges étaient morts de rire. On rigole. Ah ouais, qu'on rigole en touillant les frites. Qu'il est pas. Qu'on a lu le journal. C'est un obsédé sexuel, qu'il ne passe qu'au cul, Ouais, mais c'est son ex, alors bon, après. Oui, après, ouais. C'est un truc qui balance comme ouais, ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Romano, la gothique parlera mal de tes performances sexuelles. Il se passe quoi? Procès au cul. Il faut un procès au cul. Ouais, eh bien, fais la liste, si nous écoute. Procès au cul, fais la cracher. Mais c'est quoi? C'était une meuf sérieuse ou c'est genre, tu sais, un peu une starlette de. Oh, je sais pas du tout. Je sais pas. Mais bon, pour qu'elle balance ça comme ça, c'est pas ça. Ouais, c'est une meuf qui a pas grand chose. C'est une bitch un peu, quoi. Ouais, bitch. Non, mais c'est derrière la meuf. Pour un peu, dans 15 jours, 3 semaines, elle sera à poil dans un magazine ou un truc, c'est ouais, pour bah, faire un peu de buzz. Ou alors elle sera tamponnée par le classique, quoi, oui. Mort de rire, les Belges, on dit. Bon, alors, on retrouve Cédric en direct, en direct, vous êtes prêts? Et juste avant, ah tiens, juste avant Cédric, la petite nouvelle que je voulais vous annoncer, on en a parlé ce matin en plus. Petite nouvelle que je vais vous annoncer, on va dire bravo Pornhub. Bravo Pornhub, pour une fois on ne dit pas merci Jackie et Michel, on dit merci Pornhub. Thank you Pornhub. Merci d'y passer. Mais merci pourquoi? Bah, merci d'ailleurs. Moi, je dis merci quand pour toutes les, pour toutes les heures de plaisir qu'ils nous donnent. Merci Pornhub. Ouais, au passage. Thank you, Pornhub. Non, et pour leur initiative dont on parlait ce matin, ils vont faire des films pour, les non-voyants. Pour les non-voyants. Ah, comment? C'est bien ça. Et on en a chopé un film pour non-voyants. Écoutez bien, donc c'est sur Pornhub. Bah, là, déjà, actuellement, il y a les 50 meilleures vidéos de Pornhub qui sont en audio description. C'est comme ça qu'on appelle ça. Si vous êtes non-voyant, bah, vous qui êtes non-voyant qui nous écoutez, pour aller mater des films de cul. Il met sa bite dans le cul de la nana et tout ça. Exactement. Quoi. Bon, là, c'est en anglais pour le moment, hein. This is Pornhub's descriptive audio of the video Kim Kardashian sex tape with Ray J by Vivid Celebs. It stars Kim Kardashian and is 5 minutes and 2 seconds long. Vous avez vu, en américain, on dit une Kim Kardashian. Ouais. Et ben écoute, c'est, ça va bah, même c'est, en fait, c'est pas mal. C'est la vidéo de la sex tape de Kim Kardashian avec Ray J. Non, Romano, c'est la vidéo de la sex tape de Kim Kardashian. Avec c'est la vidéo qui l'a fait connaître, conseillée par sa maman, comme je disais ce matin. Et ouais, sa maman lui a dit. Non, ça c'est véridique. Ah ouais, sa mère à l'époque, en fait, elle voulait la faire connaître, tu vois, que ce soit une starlette. Une star, quoi. Ouais. Oui, une star. Bon. On s'est compris. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Et en fait, sa mère, elle lui a dit, ouais, tiens, pourquoi tu ferais pas une sextape? Et elle, voilà, du coup. Comme c'est sale. En fait, et du coup, entre temps, la sextape, ils l'ont fait. Et sa mère, elle lui a dit, bah, utilise-la pour te faire connaître, quoi, tu vois. Ah putain, sous conseil de sa mère. Quoi. Voilà, ouais, bah attends. Pas mal, pas mal. C'est comme si ta mère te disait, Karim, j'aimerais que tu sois connu, vas-y, balance des sextapes. Ah ouais, bah. Mais c'est pour ça que toutes les filles Kardashian sont connues, parce qu'en fait, c'est la mère qui les a poussées, quoi. Voilà. Ah ok. Et voilà. Après, le papa est devenu sa maman. C'est ça. Ça, c'est le bordel. Quelle belle famille. Ah, il y en a qui veulent qu'on traduise le truc qu'on a mis, c'est pas le plus intéressant pour traduire, mais enfin, bon, on va te le traduire, c'est simple. This is Pornhub's descriptive audio of the video. Et c'est Pornhub. Ah oui, mais on va le faire en français peut-être. La description de Pornhub de la vidéo. La description audio de la vidéo de Pornhub. Kim Kardashian sex tape with Ray J. Kim Kardashian chienne, pardon. Kim Kardashian sex tape with Jay. By Vivid Celebs. It stars Kim Kardashian. Ça c'est le mec qui a posté la vidéo. Bye machin. 5 minutes et 10 secondes. Et là c'est parti. The video opens on a medium distance view of Kim K and Ray J kissing on a large bed. Kim is wearing a white bathrobe. Voilà, donc ils sont dans un grand lit. Ouais, vidéo filme genre à mi-distance dans un grand lit machin. Ouais, dans un grand lit. It cuts and now we get a shot from above of Ray's cock and Kim's face. Genre maintenant ça coupe et ça change et on voit la bite de Ray. De Ray dans la face de Kim. La bite de Ray vers la face de Kim Kardashian. She's wearing some kind of bra or halter top and the head of his big cock as she puts him in her mouth. Ah, elle a la bite dans la bouche. Elle prend sa grosse bite. Then she puts him back into her mouth and alternates between mouth and hand. Oh, c'est bien. D'accord. Elle alterne avec la main et la bouche. Ouais, c'est bien. C'est bien, fais ça bien, ouais. Ouais. Alors, il y en a qui nous disent, c'est dommage, on n'entend pas gémir. Attends, c'est pas fini. Voilà, maintenant, on passe au doggy style. While he fucks her doggy style. Ah, il la baise en doggy style. Il fucks her doggy style. Non, mais c'est bien parce que la meuf, elle met le ton et tout. Et là, on l'entend derrière, écoutez. While he fucks her doggy style. The camera focuses on her ass as it thrusts his La mise au point de la caméra est sur son cul. Voilà, la caméra focus sur son cul. Ah bah ouais. Et là, attention, le meilleur pour la fin. Then he penetrates her again and he tells her he's going to come on her face. Et là, il la pénètre encore et il lui dit qu'il va jouir dans son visage. Voilà, ouais. Il va le jouir dans le visage de Kim Kardashian. Eh ben voilà. Eh ben, je trouve que c'est une super initiative. Magnifique vidéo. Ouais, j'avoue, c'est bien. Bravo Pornhub. Congratulations Pornhub. Après, j'imagine que si vous êtes non-voyant, quand vous allez sur Pornhub, bah, ça vous excite quand même. Bah, il y a le son, oui, quand même. Vous entendez le son. Et d'ailleurs, vous avez déjà regardé des vidéos sans son, ça fait pas pareil, hein, ça va pas, moi j'aime pas. Bah, non. Ouais, non plus. Avec Toddy Fool. Ah ouais, pourtant, c'est les mêmes images, la meuf est pas ouais, super mais bon, bonne. C'est quand même mieux d'entendre, quoi. Ah, ouais. T'as pas le ouais, son. C'est mieux, ouais, quand t'entends. Ouais. Ouais, ça, c'est comme quand tu baises avec une meuf et qu'elle fout aucun bruit, tu vois. J'ai dit à un moment donné. Ah bon, bah, c'est pas normal. Ah ouais, bah, non, pas trop. Aucun bruit, qu'elle bouge pas, ouais, c'est un peu. Ouais, mais c'est horrible, elle. Au moins, elle bouge, elle part en courant. Ah, ouais. J'ai l'impression que tu lui fais rien. Elle essaye de s'échapper du lit. Mais je la bloque avec mon corps. Bien joué, bien, c'est bien. Qui fait l'étoile de mer. Là, il essaie de s'échapper de la foule. Bouge pas, bébé. Ah ouais, il me dit, il y a plein de mecs de partout, là. Il essaie de trouver un spot. Cédric? Ouais. Alors, putain, je suis sur la place du Châtelet, c'est blindé, hein. Ah, c'est bien ça. Mais vraiment dans le centre de Paris. Mais il se passe quoi? Parce que là. Il y a plusieurs DJ en fait. Là, tout le monde vas-y, va voir un DJ, bordel de merde. J'essaie de m'approcher. T'as réussi ta première mission, c'est de débrancher la sono tout à l'heure. Tu l'as fait deux fois tellement que t'étais content. Oui, Cédric. Ah, mais je vois pas, il est où le DJ? Je vois pas, il est où le DJ? Dans mon cul. Jean-Rive Romano, je vais chercher. C'est lui. Tiens, fais une petite interview de. Je sais pas, essaie de draguer une meuf. Ah non, il est pas dans mon cul, DJ. Ah, il est dans ton cul. Qu'est-ce qu'il dit? Chaud la musique. Il n'y a pas de vie en dessous, la star-ci, dans les rues. C'est quoi son prénom? Comment tu m'appelles? Elodie. Non, j'ai lu, et c'est le master. Pété. Allez, galbé, ouais. Vas-y, Cédric, t'as peut-être une chance. Ah oui. Attends, je suis en train de parler avec Julie. Je suis en train de draguer Julie. Là, on entend, Cédric, c'est bien. Allez. 19 ans, attends. Mon amour. Ah, tu m'aimes, moi aussi, je t'aime. Bah, quel pogonique. Je crois que c'est Clash de la drague d'hier. Non, mais je crois que c'est surtout que la meuf, elle est raide morte. Ouais. Enfin, les gens sont tellement étonnés qu'ils applaudissent. Ouais, c'est vrai. C'est fou, ça. Il gère, Cédric. Trop fort, Cédric. Eh ouais. Elle est vraiment complètement pétée pour sortir avec Cédric. Ah ouais, ça, elle est vraiment... 20 ans, 25 ans. Ouais. Ouais. Elle est 29 ans. Putain, elle est fraîche, 29 ans. Ah, salut, hein. Ouais. Ah ouais, l'hôtel est complètement... Eh, c'est pas ta meuf, hein. Ah non, mais c'est ma sœur. Ouais. Ah mais t'es là, salut copine. Vas-y, je te crois pas galoche. Voilà. Bon, le Belge, il se tape ses fantasmes. Vas-y, galoche ta copine. Allez, voilà. Vas-y, je te crois pas galoche chez vous. Allez chez vous, Cédric. Elle t'a expliqué qu'elle était lesbienne et qu'elle pouvait pas sortir avec toi, c'est ça? Putain, elle a une meuf. Ouais, ça c'est le coup classique. Ça, ouais, c'est étonnant, tiens. Ça c'est dingue. Cédric, toutes les meufs qui rencontrent, elles sont lesbiennes. Elles deviennent toutes. Bon, Cédric. Et il est où le DJ alors? On a eu le témoignage de sa cousine tout à l'heure qui est devenue lesbienne. Alors Cédric, il est où le DJ? Il est où le DJ? Vous êtes fatigué, Cédric. On est pas fatigué. Bon. Le milieu DJ. Il est au milieu, ah, DJ. Ah, c'est couille aux gens. Attends, ça. Je rentre au milieu. Vas-y, rentre au milieu. Comment vous gâchez une soirée super? T'as un super DJ. Bah, invitez Cédric. Non, Cédric se pointe en plein milieu. Allô, DJ. Voilà. Allô, le DJ. Qu'est-ce que pauvre que c'est? Oh là, il est où, DJ? I got a feeling. Ça. Ouais. Il n'y a pas de DJ. Mais il n'y a pas de DJ. Il y a forcément un DJ, il y a de la musique, Cédric. C'est pas une Ben oui. Vas-y, Cédric, chante. Vas-y, fais. Allez, à toi, Cédric. Ah ouais. Il part à la recherche du micro. Ambiance, Cédric, chante. Fais les chanter. Vas-y, chante sur ce morceau. Attends, il y en a qui va très belge. Je vais être sportif. Pour le belge. Oh. Le Belge. Ouais, oh, bah c'est bon, j'ai trouvé les gars de ma fille. Ah, bah ouais, bah t'en as trouvé deux, ouais, la foule. Bah là, zéro pourtant. Alors, les amis. Bah alors, Cédric, putain, le DJ, merde. Le DJ, c'est un iPhone. Hein? Ah merde. Ah bah merde, putain, ah, bah, le DJ. Malo. Le DJ est un iPhone. Le DJ est un iPhone. Je te jure, ils ont mis un iPhone. C'est une playlist. Eh. Vole l'iPhone. Mais je t'ai pas de l'iPhone. Enfin, tu conseilles pas cher. Je vais te mettre pause sur l'iPhone. Vas-y, mets pause. Non, sinon, tu débranches le câble. Si c'est en câble. Non, mais ils vont croire, ils vont le péter, gros. Ils vont se faire. Eh, c'est toi, DJ? C'est toi, DJ? Eh, t'as un micro? C'est où le micro? Attends, je vais dire, votez Cédric. Ah, ouais. Mais faut dire, dis autre chose, mets l'ambiance. Ouais, fallait chanter un truc. Ah, il y a des débiles qui avaient un moteur. Attends, je prends le micro. Attention, Cédric, on est pour le show du Belge démarre. Ah, c'est ouf. Toujours pas de micro. Ah bah, faut trouver le micro. Attends, pour moi. Mec, mais il se fout de ta gueule, non? Ah, il y a un micro, non, il n'y en a pas en fait. Il a même pas de micro, j'ai regardé. Ah bah voilà. Et bah alors, comment tu vas faire crier Cédric, voter Cédric? Ça tombe à l'eau. Bien fait pour ta gueule. Connard. Connard. Allez. Attends, je vais trouver un autre DJ. Non, mais Cédric, putain, mais fais quelque chose. Dépêche-toi, l'émission, elle se termine dans, bon, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Non, mais coupe l'iPhone. Il y a un autre DJ là. Coupe l'iPhone. Ah, vas-y. Scratch. Ah, en plus, on est dans une ambiance hip-hop. Ah. Dédicace à toutes les meufs qui se sont fait voler leur mère. Ah, là, il y a des auditeurs. Non, je pense que c'est autour de Cédric. Bon, c'est bien, Cédric, là. On a entendu, il y a un micro. Ça y est, il y a un échange du DJ. Il y a un micro. T'as pas la musique de Koh-Lanta? Ça, c'est fort moyen. Ah, pardon. C'est la baleine, tu sais, dans le... Mario n'a pas compris ta blague, mais elle devait être très drôle. Non, non, non, les gens bourrés peut-être. Les drogués également aussi. Un peu. À la recherche du DJ. Dépêche-toi, Cédric. La clepsydre, la clepsydre. La clepsydre, la clepsydre. Attention, Cédric. Bon, on va te laisser. Amenez-moi un micro. Amenez-lui un micro. On salue toutes les fêtes de la musique de France d'ailleurs. Merci à Vivi qui nous dit à Toulouse, il y a une bonne ambiance pour la fête de la musique. Il se passe rien du tout à Lens. Oh, on va dans l'ultra-centre des villes a priori. Bien dans le centre-ville, il se passe des trucs. Dans les bars, il se passe des choses. Ouais, dans plein de bars. C'est plus dans les bars. On salue les bars de Toulon. Salut les bars de Toulon. C'est la musique est pourrie, mais il y a du monde. Très bien. Bon, Cédric, il n'y a pas de micro. Là, il n'y a pas de micro, putain. Voilà. Eh bien, la clepsydre vient de s'achever. Eh bien, désolé, c'est la fin, Cédric. C'est la fin, mon Cédric. Attends, je vais chercher le gong de fin. Le gong de fin. Oh ah. C'est fini, Cédric. Tu as entendu le gong, Cédric. C'est fini. Bah ouais, putain, fais chier, attends, c'est fini. C'est fini. Bon, alors, dépêche-toi, tiens. Juste avant, on va jouer avec les bugs de Romano. J'avais promis qu'on en fera un dernier à la fin de l'émission. Un petit dernier pour la route. Allez, Cédric, à la recherche du DJ. À tout de suite, Cédric. T'es content qu'il ait pas trouvé de micro, je le vois à ton visage chaud. Non, mais. Il galère. Non, mais pas. Quand il a dit, je vais crier, voter Cédric, ça t'a énervé. Non, mais ça, c'est. C'était mieux d'ambiancer, de faire crier les gens d'un truc, quoi. Ah oui, il est content, en tout cas. Ah, mais il est heureux. Tu leur ferais crier quoi, toi? Oh, Manon. Oui, bah, non, mais moi, c'est pas crié, je les ferai chanter, moi. Très bien. Bon, écoutez bien le bug de Romano, attention, à traduire. Vous voulez gagner vos maillots, maillots de toutes les équipes de l'Euro, de toutes les équipes du monde. Le bug secret, attention, oula, alerte générale, voici le bug de Romano. Vous écoutez, vous traduisez, vous envoyez vos messages sur le 41759 ou sur l'appli. Du secret craint. Qu'est-ce que ça veut dire, bon ça? Du secret craint. Ah, qu'est-ce putain, que ça veut dire? Attends, en plus, c'était il y a pas longtemps, ça. Du secret craint. Ouais, il y a au moins à Reims, semaines, c'est la teuf. Il y a rien à Nancy, c'est nul. C'est que dans les bars. Bah, c'est au moins ça, déjà. Ninouche, Didine de Reims qui nous laissait un message. Du secret craint. Et que veut dire secret craint? Du secret craint. Non, mais alors là, j'utilise un gant de crin, non? Du secret craint. Il y a une histoire de requin. Je mange du requin. Du secret craint. Du secret craint. Tu suces bien, on nous dit. Non. Cédric, tu crains? Non plus. Cédric, tu crains? Non, je crains pas. D'accord, merci Cédric. Du secret craint. Donne-moi du sucre. Du sucre en grand, on nous dit. Je pense que ça craint. Du sucre en gras pour la Marie. Mais bien sûr, des grains de sucre. C'est pas ça. Car il ne me propose plus de rien. Mais c'est-à-dire plus quoi? Sûr de rien. Plus sûr de rien. Bien mot. Ben, c'est pas ça. Ah, merde. Alors, vous arrivez à traduire ça, ben, pénètre son vagin, on nous dit. Vous nous laissez vos messages. C'est compliqué. C'est pas simple. Alors, en fait, c'est tout simple, mais c'est vrai que c'est dur à trouver. Ouais, le mot en lui-même est... C'est un mot. C'est un mot ou un prénom? C'est trois mots, enfin, c'est une petite trois phrase. Mots, quoi, ah ouais. Ah, quand même. Mini phrase. Putain, Manon, t'arrives à dire trois mots à la suite. Du secret-craint. Et sans aucune difficulté. Ah, bah, aucune. Bien sûr. Et de manière complètement claire. Ben, une diction parfaite. Que veut dire secret-craint? Du secret-craint. Allez, c'est parti. Je suis sûr qu'il craint. En parlant de Cédric, nous dit Dimitri sur SMS. Non. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a une histoire de train? De train? Non. Non, ah. S'il y en a plein qui proposaient, tu prends le train par exemple, tu dis Calissa. Si vous trouvez pas, je vous donnerai un indice après. Je suis sûr de rien, je suis sûr que ça craint. Bah regarde les messages, t'as pas vu qui a trouvé encore? Non, pour l'instant, il y a personne qui a trouvé. Du sucre ou rien, donne-moi du sucre ou rien. Du secret craint. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est pas ça. Du sucre rien. Alors traduction et maillot à choper ou jeu au choix. Il y a Boss en ligne avec nous, tiens, on va le prendre en speed. Salut Boss. Ouais Boss. Ville. Ouais Boss. Ouais. Coucou. Wesh, comment ça va? Salut l'équipe. Ouais. Salut Boss. qu'est-ce qui... quoi. Ça va bien, ouais. Coucou. Qu'est-ce qui t'arrive, boss? Non, mais en fait, moi, t'as vu tout à l'heure, c'était juste par rapport à... En fait, je voulais réagir vite fait par rapport à Pornhub, tu vois. Ah, Pornhub, avec ouais. Les auto, les audio descriptions. Description, ouais, c'est comme ça, ça qu'on dit. Ouais. Ouais, description des scènes de cul. Ouais. Et c'est nouveau, ça. Eh ben oui, c'est tout neuf, Marie. Ah ouais, je pensais que ça se faisait quand même avant. Bah, bah oui, non, mais on n'en parlerait pas si ça avait ouais, bah, deux oui, ans, non, Marie. Sûr. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est con. Oui. Mais toi, t'es non-voyant, toi, tu vois pas, ouais, boss. En fait, c'était pour dire, voilà, comme moi, des fois, je vais sur. Même quand je vais sur Pornhub ou quoi que ce soit, tu vois, genre j'ai pas besoin de ça, quoi, je dirais. C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, d'entendre les meufs qui font. Ouais, c'est ça, ouais, t'imagines voilà, en fait. Tu comprends direct. Oui, c'est vrai, tu comprends direct. Mais bon, je trouve que c'est une bonne idée en tout cas pour. Ouais, moi je trouve ça bien, ouais. Non, mais c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi je pense que, étant non-voyant, je préférerais écouter que les sons des meufs qui jouissent oui. que d'entendre la description, ouais, ouais. Il rentre dans son cul. Bon. Oh. Voilà, bon, juste ça, moi. Ça suffit, ça. Ouais. Et plutôt ça, que. Et ça, là. Ah ouais, ça c'est ah bon. Ah ouais, ça c'est bon. Ah, ah c'est bon, ça. Ah, c'est cool. Hein. Ah ouais. Ça. Ça, c'est bon, ça. Ah, yeah. C'est le meilleur. Et ça, là. Oh, oh là, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais, ouais. Oh là. Oh là. Vas-y, monsieur. Vas-y, sors ta bite. Excuse-moi, Cédric, hein, j'ai pris ta tablette et je suis tombé sur quelques films. Hein. Ouais, j'entends ça, ouais. Oh là, celui-ci, c'est le meilleur. Remets-le. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, j'aimerais bien t'avoir dans mon cul. Oh ouais, non. Et là, c'est le plus beau, regarde. Allez, barre ta gueule. Voilà, il gicle. Barre ta gueule. Barre ta gueule. Il gicle dans ma gueule. Barre ta gueule, mais plutôt ta bite. Oh. Bon, bah, en tout cas, ouais, c'est une bonne idée. Merci, boss. Alors, Cédric, le micro. Ouais, bisous, boss. Raccroche pas, boss. Là, attends, laisse-moi finir avec boss. On t'envoie le jeu ou le maillot, boss. Bisous, boss. Ouais, ouais, eh. Oui. Bah, le jeu, si t'as envie de l'offrir. Ah, merci, mon pote. Et tu as vote de boss. Merci, boss. Ouais, je te propose le jeu ou le maillot, mais tu peux pas jouer aux jeux vidéo. Il existe des jeux vidéo pour non, non, maillot, c'est bon. Ouais, maillot, c'est bon. Ah, bah, allez, on t'envoie le maillot. Bon, Cédric, en direct de la fête de la musique, la traduction du bug. Et dans un instant, je vous donnerai le top officiel pour jouer avec la roulette. Faire tourner pour Rihanna. Ouais. Rihanna en concert avec Skyrock, le top. C'est pas tout de suite. Il y a la réponse pour le bug ou pas? Personne n'a trouvé. Bon, alors, on va donner un indice facile. Je te coupe, Cédric. Ouais, tu nous fais chier. C'est la musique. A tout de suite. Pour la musique. En direct de la fête de la musique. Pour la musique. Bon, c'est ça la traduction. Tu sais craint. Qu'il faut faire. Alors, tu suces, ça craint. Non, c'est pas ça. Donc, tu sues, ça craint, nous dit, c'est qui? M25. Un indice. Il y a Max qui dit, tu sers à rien. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, donc c'était le prince du hip-hop qui nous parlait de musique un peu. Le prince du hip-hop qui parle de musique. Il se crache. Du cœur craint. Attends. Du cœur craint. Ah, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais, je pense. Ah, mais dis pas. Non. Vas-y, attends, je t'envoie un SMS. Envoie-moi la réponse, je te dirai tout de suite. C'est pas tu suces pour rien? Non. Non, c'est pas c'est ça. Pas du cœur craint. Parce que quand t'es dans les stars, tout ça. Ça... Tu suces pour rien, non, c'est pas ça. Tu suces pour rien, non, c'est pas ça. Du cœur craint. Tu viens de loin. Non, c'est pas ça. Non. Alors, ça a rapport avec la musique. Ouais. Tu scratches bien. Tu scratches bien, non, c'est pas ça. C'est qui a envoyé ce tu scratches bien? Fredo, du 95. Vas-y, regarde Samy, là. Non. Putain, il a trouvé. Romano a trouvé. Bah, quand même. Magnifique. Bam, bam. Tu connais leur refrain? Non. Ah, pas loin. Ah, pas loin, pas loin, ouais. Tu connais leur refrain? C'est qui a envoyé ça? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah bah moi j'avais Nino qui m'a envoyé. Non mais il y a c'est exactement ça. Il y en a qui a trouvé. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. Qui c'est qui a trouvé? C'est qui? Dark Walls. Ah ouais, c'est un fidèle en plus. C'est celui-là que j'avais vu, ouais. Dark Walls. Dark Walls, un fidèle. 17 ans, il est dans le. Tu vois, Paulia Bloom, là, on est au refrain, t'es pas loin. Et Dark Walls, t'as pas laissé ton numéro? Ouais. Et oui, malheureusement. Ça y est, il y en a un qui a son numéro juste derrière Dark Walls. Allez, on l'a. C'est WBG, 20 ans, Hudson. Il a trouvé la bonne réponse. Allez, on va l'appeler, vas-y, direct. Bon, allez, on l'appelle, le temps d'écouter Designer. Le son du panda, écoutez tout de suite sur Skyrock, comme je vous l'ai dit. Juste après, bah, on va donner le top pour Rihanna, alors. Bah ouais, bah, t'as qu'à faire. Allez. On a le gagnant pour la traduction du bug de Romano. Bah d'ailleurs, on découvre la traduction en direct. Cédric, tu peux. Bah reviens. Tu vas revenir si t'as pas trouvé de micro. Ouais, bah vas-y, je vais revenir. Hein. Bon, tu auras réussi une épreuve sur les deux. L'épreuve de pas je mal. Coupe la musique en pleine fête non, de la musique. Non, mais ça, c'était bien, bravo. Bravo, Cédric, félicitations de l'équipe. Il nous a bien fait rire du con. connard. Et t'as failli draguer une meuf qui malheureusement est devenue lesbienne quand elle t'a vu. Ouais, étrangement, chelou. Hein. Elle est devenue lesbienne dès qu'elle t'a vu, ça arrive parfois. C'est impressionnant. Et Designer, ouais. Tout de suite, c'est parti. Le son du panda sur Sky. Broads in Atlanta, switch it up, me and the family. Credit cards and the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Wait and see, family. Pocket smoke, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted or lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package smoke, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Pull up your panties. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted the lean shoe, sip a fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sign. Whole bunch of lettuce shoe, they be acting rent, I know we clap at you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black and six, final. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like I'm feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. And Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Package smoke, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your panda. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they can pull up your band. Hope the killers understand me. C'est le choix de Romano. Panda Designer, ouais. Je m'associe à ton choix d'ailleurs. Merci, Romano. Merci, merci. Panda Designer, une découverte Skyrock, Designer avec de I, Panda. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, on est là ensemble et Gaël est avec nous aussi. Gaël, il a trouvé la réponse pour le bug de soir, c'était pas facile à trouver. Moi, j'ai pas trouvé encore. Hein. C'est donc ça qu'il fallait traduire. Et donc Romano, t'as trouvé la bonne réponse. Ouais, en premier. Ouais, ouais. Tu vas me dire, c'est, hey, c'est normal aussi. Ouais, ça y est. Bah, c'est, ouais. Oui, c'est normal. Ah, oui, bah, c'est bien comme bien si j'ai inventé un langage, je sais pas, le difoulin. Le difoulin. Le difoulin. Ou le difoulet. Le difoulet. C'est joli. Et c'est magnifique. Ah bah tu m'étonnes. Et que ah, tu as beaucoup de goût. Je sais. Ah ouais, moi aussi super, d'ailleurs. Et que je savais pas le parler. Allô Gaël. Allô. Du 92. Ouais Gaël. Salut Gaël. Bonsoir. Bonsoir Gaël. Salut l'équipe. Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es où dans le 92? Tu Allô tu sais plus où tu es. Où dans le 92? Il est à Anières. Ah ouais. Alors t'as trouvé la bonne réponse, bravo à toi. T'étais le premier à trouver. Ouais, ouais. Écoutez bien. Le premier qui a laissé son numéro. Ah oui, le premier qui a laissé son numéro, ouais. Du chercheur crin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste le refrain. Bien. Eh ah, ben bravo. C'est juste le refrain. Le prince du hip-hop était là. Ah, mais oui. Mais ah ouais, tu mérites ton maillot, ton jeu. Tu prends quoi d'ailleurs, Gaël? Je vais prendre un jeu. Eh ben, tu prends un jeu. D'ailleurs, tiens, il y a des non-voyants. C'est qui? C'est Hello, je crois, qui me laissait un message qui me disait qu'il existait des jeux pour les non-voyants. Ah oui, sans doute, ouais. Ouais, je pense, ouais. Donc, rapport à ce que je demandais là tout à l'heure. Ouais. Gaël, on t'envoie ton jeu. Tu veux quel jeu à la maison? Je vais prendre Doom. Tu prends Doom. Allez, Doom. Eh ben, c'est parti. On t'envoie et on écoute quand même la vérification pour le bug. Écoutez bien, pour vous prouver que ça veut bien dire juste le refrain. Il a défoncé le morceau, Romano. Non, juste leur fin, je ferai juste ce qu'ils craignent. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux pas leur faire demain? Non, mais vas-y. Oui, ouais, Romano, allez, on va faire demain. Hein ah, non, mais, c'était quoi, la Champions League? Ouais, si, c'était ça, ouais. La Champions League. Tu voulais chanter, c'est la Champions League. Ouais, c'est ça, ouais. La Champions League. Du chèque crin. Tu l'as fait avec. Juste refrain. Ouais, bah, je l'ai fait, ouais. Eh bah, ouais. C'est ça, la classe. Ouais. C'est ça, les artistes, les rencontres d'artistes. C'est ça, le talent. Ah, on peut le dire. Oh, le talent. Simplement, le talent. Chapeau, l'artiste. Le talent. Chapeau bas, même. Voilà. Bravo, Gaël. Félicitations, en tout cas. Bien joué, mec. Et bravo à Drac Walls aussi qui nous a laissé le message tout à l'heure. Mais il faut laisser ton numéro la prochaine fois. Ah ouais, dommage, dommage. Bah, tu gagneras un cadeau bientôt. En plus, t'es là tous les soirs, toi. Infidèle, donc, ouais. Infidèle. Allez, c'est pour la suite la roulette qui va tourner. Le KM Comedy Club, on fera demain. Vas-y, ça roule. Allez, on fait demain parce qu'il y en a qui a réclamé en début d'émission. Mais demain, on vous rappelle les victoires ce soir de la Turquie avec un 2-0 contre les Tchèques. C'est et ça. La victoire surprise de la Croatie face à l'Espagne. Contre l'Espagne, ouais. Aïe, aïe, aïe, aïe, fait mal aïe, en fait. Aïe, aïe, aïe, mal au culot. Mal au culot. Et puis, Cédric, je crois qu'il est perdu dans les. Bon, là, je suis perdu. J'ai essayé de le reprendre. Mais il y a un bordel. Cédric, c'est bon, on a. C'est... la presse finie, Cédric. Il faut revenir, Cédric. Cédric, notre envoyé spécial en direct de la fête de attends, la musique. C'est la fête de la musique. Oui, ah bah, c'est bien, Cédric. C'est bien. T'as ouais, compris. C'est bien, ouais. Bah, reste-y alors. Mais tu... bon, bah, écoute, reste-y. De toute façon, on fait tourner la roulette là maintenant. Allez, c'est parti. 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Voilà, voilà, c'est la fête de la musique. Ouais, ouais, mais on est au courant. Voilà, excusez-moi, c'est la fête de la musique. Ouais, ouais, on est au courant, c'est ce soir. Voilà, fête de la musique. C'est... alors, la fête de la musique et la roulette qui va tourner. Alors, vous faites tourner pour aller voir Rihanna un peu partout en France, un peu partout, c'est-à-dire à Nice, à Lyon, à Lille et à Paris, à Saint-Denis. Et on a avec nous, on a tiré Seb qui va peut-être aller voir Rihanna. On est en train de le rappeler. Il est là. Allô, Seb. Oui. Oui, bonjour. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Eh ben ouais, t'es en direct. Mais ça pas on a regardé à cette heure-ci, quoi, putain, là, j'allais dormir et tout, là, vous faites chier. Ah bah, on peut passer à quelqu'un d'autre si tu veux, Seb. Ah ouais, hein. Non, vas-y, bon, ok, sympa, là. D'accord, tu veux. Autrement, je pense qu'on trouvera quelqu'un pour les placements. Ah bah, t'inquiète. Oui, tu peux y a du monde derrière. Allez, on fait tourner, c'est parti. T'as 20 ans, tu fais quoi dans la vie, Seb? J'ai étudié à Nantes, code audiovisuel. Très bien. Ah, peut-être un futur collègue. Ouais. Ah. Alors, c'est Cédric, hein, par contre. Je vais pas alors, c'est sympa pour lui, ça lui fait plaisir. Petite dédicace. Alors, Rihanna, Paris, Lille, Lyon, Nice et 400 places sur Skyrock. Eh bien, tu en as deux pour toi. Bien joué, Seb. Super, merci. Tu vas aller voir Rihanna. Tu choisis où? Ça c'est bon. Bah je vais prendre Paris parce que ouais. Non, je crois que c'est le plus près. Non, pas ouais ouais ouais, c'est le plus près. Et puis c'est le Stade de France, c'est sympa. Eh ben voilà. Le 30 juillet, en plein milieu de l'été, Riri débarque à Paris avec Skyrock. Bravo à toi. Et d'autres places à gagner. Ben merci à toi. Demain matin dans le morning évidemment, puis avec toute l'équipe tout au long de la journée, vous faites tourner la roulette. Demain la première de la journée. Et attention demain matin aussi. Salut Seb, bonne journée. Bonne journée. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais. C'est la folie sur Skyrock. Le jour, c'est un peu la nuit. Alors, c'est demain matin qu'on vous filera vos places pour Rihanna, mais demain matin aussi, vous pourrez peut-être gagner vos places pour l'Euro. Et peut-être bien la finale. Un gros match, ouais. Alors, on vous l'a dit, peut-être la finale demain matin à gagner. Mmh. Ah, c'est possible. Je vous en dis pas plus. Connaissant Difool. Finale de l'Euro entre 6h et 9h, on peut jouer à n'importe quel moment. Soyez là, les conseils pas chers à retrouver demain matin. Aussi, ouais. Des escroqueries en cascade. Ah, bah bien sûr. Et puis, vos 1500 euros, dès qu'on vous appelle et qu'on demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. C'est dans la poche. Du bon son, on fait les cons tous les matins dès le réveil. Puis demain soir, on se retrouve en direct entre 21h et minuit. Passez une bonne nuit, profitez bien. Eh bien, bonne nuit. Et c'est Prisca qui arrive avec. Ouais. Oui. Le escroc. Ah, c'est bien. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Le son d'escroc que vous avez découvert d'ailleurs sur Skyrock. Et il y a même l'album d'ailleurs, hein, qui est sorti la semaine dernière. C'est parti, bonne nuit à vous et à tout à l'heure à partir de 6h et demain 21h. Ciao. Ciao. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock. Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur la Foot Merci. Champion, mon frère. Allez, salut. Le diable me remet dans le mal et veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite go. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous.

soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. R&B. Rap and R&B. Rap and R&B. Skyrock. Skyrock. Urban music non-stop. Don't need permission. Made my decision to test my limits. Cause it's my business. God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder. Taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded. Completely focused. My mind is open. That you got skin to skin on my neck. Don't you stop, boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Proving, I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin. Le dernier morceau d'Ariana Grande sur Skyrock américaine. On vient d'écouter Dangerous Woman et rap R&B non-stop. On y retourne avec le nouveau Tal qui arrive pour Are We Awake. On écoutera aussi Calvin Harris et Miss Rihanna à choper dans la roulette. Hein, Rihanna, toujours le Anti-World Tour. On va écouter This Is What You Came For et SCH tout de suite. Allô maman sur Skyrock. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves.